Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Vous écoutez C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux, Annick Bélanger, Simon Lefebvre et Éric Chamberlain. Ajustez vos écouteurs et montez le volume, ça commence maintenant. Bonsoir tout le monde, bienvenue au 12e et dernier épisode de C'est juste un autre podcast. C'est un épisode un peu bizarre parce que c'est aussi l'épisode qui marquerait, ben, qui marque notre premier anniversaire. Fait que ça fait un an en juillet, donc on est en juillet. Ça a fait vraiment un an le 15 juillet du premier enregistrement qu'on a fait de C'est juste un autre podcast. Donc ce mois-ci, ça faisait un an qu'on faisait ça. Et en même temps, ben on termine aussi l'aventure CJUAP ce soir avec notre numéro 12. Mais on a quand même tout plein de sujets pour vous autres. C'est pas parce qu'on finit ce soir qu'on a slacké sur le contenu. On a quand même pas mal de stock pour vous autres. Juste quelques petits changements que je vais vous mentionner en même temps tant qu'à partir. CJUAP arrête, donc c'est le dernier épisode. Éric s'en va présentement chez Facteur Geek. Donc, les gens qui suivaient Éric sur le site de CJUAP pour sa chronique de chèque de paye, ben vous allez pouvoir continuer à regarder ça chez Facteur Geek qui déménage là, même si c'est commencé. Puis Éric fait maintenant partie de Facteur Geek. Son contrat a été vendu à Dominique chez Facteur Geek, donc il a déménagé. 100 millions pour 6 ans. 100 millions pour 6 ans, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas les termes du contrat. Éric, ton nom c'est pas moi qui ai reçu l'argent. Hein? C'est pas moi qui ai reçu l'argent, du coup. Ah, ben moi non plus. J'ai commandé ma Lamborghini. Mais non, c'est ça. Donc, laissez-moi commencer par présenter le monde qui sont avec moi ce soir pour le dernier. J'ai oublié en passant. Donc, comme d'habitude, j'ai Simon. Salut, salut. On a Annick. Bonjour. Et de Edmonton en Alberta, on a maintenant le transfuge Éric Chamberlain qui est maintenant chez Facteur Geek. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour finir de déménager, il reste encore des vieux meubles, c'est chez CJUAP, il faut que je déménage. Des boîtes, ouais, tes boîtes sont dans le garage, je tiens à rechercher ça. Et puis, moi, je suis Luc Desormeaux. Donc, c'est ça, Éric s'en va chez Facteur Geek. Ceux qui suivaient le podcast Histoire de Gamer, ben Histoire de Gamer déménage aussi chez Facteur Geek. Donc, le prochain épisode va être et sur CJUAP et sur Facteur Geek pour faire la transition. Puis après ça, ça va être seulement à travers le nouveau fil RSS que Steve Lévesque va faire pour Facteur Geek, pour Histoire de Gamer. Donc, sans plus tarder, on va commencer le vrai show avec notre ami Simon qui va passer à travers la liste longue de sujets qu'il y a pour nous ce soir. Hey, non! OK. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, battant avec espoir les Pokémon et leur mystère, les secrets de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble, alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Êtes-vous prêts? Ah, ouais, j'ai pas de réponse, comment... Alors, j'arrête ça. Oui! Oui, mais je parlais de mes auditeurs, hein. Tu les entendras pas. Hein. Ah non. Ils vont peut-être crier dans le char, mais tu les entendras pas. Ah, c'est le même, ça marche. Mais donc, je vais débuter tout de suite ma section animée en souhaitant bonne fête Pokémon! Yay! Ouais! Pour vos 15 années. Quand même, hein? 15 ans de Pikachu. 15 ans de Pikachu, et oui, les séries animées sur les téléviseurs japonais ont débuté en avril 1997. Et depuis, attachez-vous, on produit 700 épisodes télé, ainsi que 14 longs-métrages. Et, ouais. On n'a pas eu 14 au Canada, mais ça, on a eu peut-être 4-5. On veut pas les voir. Non, non, non, c'est ça. Et pour ceux qui croyaient que, dans le fond, ça faisait déjà partie du passé, mais sachez qu'il y a environ 19 millions de cartes Pokémon dans le monde entier. Et 230 millions de jeux vendus. D'ailleurs, le plus récent, le Pokémon Black and White, a vendu 14 millions d'unités. Ah, c'est trop. Pika pika. Pika pika. Je sais que Max Tremblay, pour ne pas le nommer encore, est un grand fan de Pokémon. Alors, bonne fête. OK, ce n'est pas nouveau, mais pas tout le monde, c'est pas tout le monde, en fond, qui doit le savoir. Fairy Tail est maintenant disponible en français, en combo DVD et Blu-ray sur Amazon Canada. Ah, c'est bien. Oui, pour l'instant, j'ai réussi à voir seulement partie 1, 2, 3 et 4. OK. Vu que c'est en combo, c'est un peu plus cher. C'est au prix d'environ 40$ pour chaque partie. Puis c'est quoi? C'est DVD plus les livres? Non, c'est DVD. OK. C'est les épisodes. OK, OK, OK. Okay. Donc, ça revient cher un peu, mais pour ceux qui veulent le voir en français de façon légale, mm-hmm. c'est disponible. Ouais, c'est de l'importation. Puis, ouais, mais c'est aussi disponible en format manga. Donc, pour ceux qui veulent lire, et c'est en français aussi. Donc, mais ça, je crois que c'est plus 10,99, là, peut-être 11$. Là, OK. Environ. Okay. Donc, bravo, mais enfin, ça s'en vient. Mm-hmm. Un petit avis à nos auditeurs qui sont facilement en mesure de dessiner mieux que moi. Hein, parce que moi, après un grand tour de force, je réussis quand même à courber mes petits bonhommes à limette. Oui, c'est ça. La Faculté des arts au Japon va ouvrir un curriculum à l'Université de Osaka pour manga et design. Okay. Vraiment, là. Donc, dans la région de Nanko à Osaka City, ça commence début avril 2013 et elle va prendre 90 étudiants. Donc, c'est un avis à tous, ceux que ça intéresse. Dans le fond, ceux qui aiment l'art, ceux qui aimeraient se lancer pour devenir un mangaka, puis aussi peut-être découvrir le Japon. Mais je vous préviens, le billet d'avion, logis, nourriture, c'est non inclus. OK, ouais, puis c'est pas donné non plus. C'est pas donné. Pour les gens qui aiment les jeux vidéo, dans lesquels on offre une version animée, sachez que Persona 4 The Animation offrira une version anglaise réalisée par nul autre que l'équipe américaine qui a fait le concept du jeu. OK. OK. Donc, pour mettre en contexte, Persona 4, c'est un jeu de rôle suivant un étudiant d'école secondaire qui résout des meurtres mystérieux. Mais le bémol là-dedans, c'est qu'il semblerait que la compagnie Sentai Filmworks n'ait même pas mis au courant les voice actors, ceux qui font les voix en général. OK. Donc, ils sont restés bouche bée. Ben, ils sont restés sans mots. Et voilà. Ça. Je vais juste faire un petit tour au niveau des animés, là, des animés en cours qui valent vraiment la peine de suivre. Dans le fond, c'est seulement maintenant ceux que j'écoute. Avant, j'en écoutais au moins une vingtaine minimum là, par session. Mais cette fois-ci, on dirait qu'il n'y a rien qui m'accroche, à part ceux-là que je viens de nommer. Là. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais je fais un rappel aussi, afin que les gens puissent savoir vraiment ce que moi j'ai aimé jusqu'à maintenant. Campione. C'est que ça parlait d'un dieu là, en tant que tel, un jeune garçon qui se fait élever au rang de dieu puis il combat des dieux. Okay. C'est assez spécial, c'est bien. Axel World, hein, j'avais déjà parlé. Ouais. Bon, ben, dans le même style qu'Axel World, mais que là, présentement, j'en mange puis j'ai hâte, puis c'est demain que ça va être disponible parce que ça joue présentement ce soir, mais à 1h30 du matin au Japon. Okay. Parce que j'imagine ils ont mis ça parce qu'ils voulaient que ça soit plus adulte. Je sais pas. C'est pas si pire que ça. C'est Sword Art Online. OK. Dans lequel, dans le fond, tu rentres dans un jeu vidéo virtuel, mais que maintenant, tu ne peux plus sortir tant que tu finis pas le jeu. C'est ce que tu parlais sur le dernier podcast, exact. Je pense. Exact. Ouais. Si tu meurs, ben, t'es vraiment mort. Il y a de quoi qui te détruit au niveau des neurones avec le casque que tu mets sur la tête. Là. Fairy Tail, évidemment. Et le dernier qui était un peu plus côté érotique, là, le Dakara Bokuwa Hentai Ga Dekinai. Non, je ne suis pas pervers. Là, OK. Gros, ouais. Là. Je vous l'ai dit, c'est ça. Pour les amateurs de jeux de cartes genre Magic the Gathering, Il y a présentement un jeu version animée appelé Animatrons. C'est presque proche de notre ami Olivier. Ah ouais, Animatrons. Ouais. C'est de type casual. Allez. 4 à 8 joueurs peuvent prendre place et on peut jouer avec les personnages tels que Naruto, les gens de, dans le fond, les personnages de One Piece, même Dragon Ball. Okay. C'est ça qui peut être le fun. Lorsque notre niveau augmente, on débloque aussi d'autres personnages. Ça améliore aussi nos habiletés actives et passives. Ça devrait sortir bientôt. Le Open Beta semble être terminé. Donc, c'est à suivre. C'est un jeu en ligne? C'est un jeu en ligne okay. Via browser. Okay, okay, okay. Donc, il ne devrait pas avoir nécessairement un téléchargement. Là. S'enregistre, puis on joue. Là. Il joue contre des personnes, contre d'autres personnes en ligne? Ou ouais. Seul, j'imagine? Tu peux ben jouer... non, c'est, non? De, c'est de 4 à 8 joueurs. Okay. Donc, il faut au moins être 4 afin de pouvoir jouer, parce que c'est un système de... il va y avoir un maître, il va y avoir un que sa job, genre exemple assassin, que lui, son but, c'est juste d'aller tuer le maître. Mais il faut pas qu'il se fasse tuer par ses sbires et autres. Là. Okay. Chacun son rôle, fait qu'il faut que tu sois 4 minimum. Là. C'est bon. Autre nouvelle, certaines rumeurs sur Internet volent plus vite qu'un Kamehameha. Pour ceux qui vont se reconnaître, d'un Super Saiyan. Et maintenant, ben, Namco Bandai a officiellement confirmé qu'un jeu de Dragon Ball okay. va faire son entrée sur... Xbox? La Kinect de Xbox! Oh yay! Yeah, ouais. Ça devrait être disponible en octobre. J'ai bien hâte d'essayer, au risque d'être déçu. Peut-être... tu peux bien rire, Eric. Mais je me dis peut-être qu'avec un, la Kinect 2, peut-être s'ils travaillent fort, là, ça va commencer à avoir de l'allure parce que ça va offrir jusqu'à 100 mouvements que tu vas pouvoir effectuer. Là. Mais ça sort quand? Y a-t-il annoncé quand? Oui, ils ont annoncé, je viens de te dire, c'est vers octobre. Octobre, la Kinect 2 ne sera pas sortie. Fait que ça c'est va ça, être... non, mais je te dis ça va être la Kinect ils vont sûrement peut-être refaire un Dragon Ball à ce moment-là, oh, ouais, peut-être. Plus avancé, un Naruto, je ne sais pas. Mais bref, c'est à voir, puis oui, on va pouvoir en rire. Tu nous en parlais dans Factor Geek, Eric. T'as-tu vu des... Des screenshots? Oui, les screenshots semblent bien, mais c'est comme notre jeu qu'on joue de boxe okay. présentement. Okay. Donc, ta position de base, puis tu as un mode story, puis tu as un mode plus combat. Mais j'en sais pas plus à ce niveau-là. J'ai juste hâte de le tester moi-même. Là. Et que ce soit un peu comme un genre de punch-out ouais. ou un genre de jeu que c'est toi qui contrôle les coups. Oui, puis les pouvoirs, mais bien, comme tu parlais de ton Jedi, que quand tu voulais faire une push de force, tu as aussi ce mouvement-là. Fait que j'imagine, c'est pour ça qu'on rit un petit peu, que ça va peut-être ouais. être un petit flop. J'espère qu'ils vont avoir fait le devoir mieux que ce qu'ils ont fait avec Kinect Star Wars, parce que c'est horrible comme jeu. Ouais. Ça répond très mal. Là. Ben alors, c'est ça, vu que j'ai parlé un petit peu de jeux vidéo, ben j'ai changé de section, pour ceux qui voulaient savoir. Donc j'enchaîne avec ou si on veut, je lance des éclairs en direction de BioWare. Oui, oui, oui, oui. Hein? Star Wars, dans le fond, Electronic Arts blâme BioWare, BioWare blâme les fans, blablabla. Bla, bla. Star Wars Galaxy avait bel et bien, selon les rumeurs, été fermé afin d'aider Star Wars à connaître du succès. Moi, je me dis c'est peut-être le temps de réouvrir les serveurs. De Galaxy. De Galaxy. Ouais, c'est Galaxy, ça appartenait à Sony Entertainment. Mm. Fait que c'est une autre entité complètement. Et, mais alors, si vraiment vous voulez baser votre jeu sur les fans, les gars, choisissez-en un fan, embauchez-le comme directeur de projet. Peut-être qu'il va avoir une meilleure idée de ce que doit être Star Wars. Bien sûr, ce sont les fans qui ont construit le moteur de jeu. Hein? Ouais, c'est une sorte qui est toute faite. Ils m'ont appelé pour que je code une couple de parties du jeu, puis. Ah, c'est pour ça. Ouais, j'ai pris mon programming Windows C++ for Dummies. Là, okay. Puis je leur ai codé quelque chose. Là, okay. Je sais pas si ça marche. Pas de ouais, c'est ça. Non, mais c'est totalement stupide. Là. Ah, ouais, regarde. Sophie a une base de fans, c'est bien, mais dire que vous dépendez d'eux, c'est vraiment une autre chose. Là. Mais ce que je savais pas, c'est que plus de 2 millions de dollars a été dépensé pour ce jeu-là. Mm-hmm. C'est incroyable. Là. Ça n'a pas d'allure pour des jeux, des MMO et autres. Là. Eux s'attendaient déjà à 80 millions, mais ils ont monté la facture jusqu'à 200 millions. 200 millions, oui. Pour faire presque maintenant un flop, je dirais, là. Selon, pour les points de vue, mettons, des ventes, d'essayer de faire des profits. Ça rapporte 15 millions par mois, à peu près. Bref. Les premiers émetteurs du feedback du bêta, par contre, ont même réalisé plus d'une cinquantaine de pages avec des suggestions, OK? Mais disant que le contenu, là, c'est vraiment shallow, c'est vraiment trop vide, c'est trop linéaire, blablabla. Puis, c'est tout ce qu'ils se sont fait répondre, ben. Ah, on va regarder tout ça, puis ça va être bon pour de futurs patchs, futurs upgrades, futures extensions. Donc, ce qui veut dire qu'on ne veut pas toucher à ce qu'on a, nous, on a fait présentement. Ben, désolé, mais c'est là qu'on voit le succès. Non, c'est parce que le problème, c'est que ça aurait coûté probablement un autre 6 mois de développement de changer pour donner prendre le feedback des fans puis modifier le jeu en conséquence. Puis probablement qu'Electronic Arts ont dit, garde, là, ça a coûté 200 millions ta bébite, sors là. Noël s'en vient, sors le jeu. On veut en vendre. Donne-nous une date de sortie qu'on en vende comme cadeau de Noël puis que le monde soit prêt à dépenser pour ça. Puis ben, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'est que le jeu n'est pas fini. Ils n'ont pas sorti nécessairement le jeu que BioWare voulait. Ils ont sorti le jeu qu'Electronic Arts a dit que ça sortait quand c'était pas nécessairement prêt. Mais tu sais, tu parlais de cadeaux, au moins pour les joueurs qui veulent persister. Je vais nommer une couple de points favorables, c'est-à-dire, bon, le niveau maximum devrait bientôt monter. Même une nouvelle planète, Makeb. Oui. OK. Tu savais, la race féline 14 pour les nouveaux personnages? Non, ça, je n'ai pas entendu parler. D'accord. Et un compagnon pour toutes les classes, un assassin HK-51. Ouais, mais il faut être travail fort pour être capable de l'avoir, ça. Ouais. Ah, mais ça va être disponible. Mais tout ce bonbon-là, afin d'aider à donner un boost à leur maigre population de joueurs par souscription. Ça. Parce que ce droïde-là, qui est supposé être disponible pour tout le monde, à ce que j'ai lu, ça te prend un perso niveau 50, puis d'une faction, puis un niveau, un autre perso que tu commences à monter d'une autre faction. Fait qu'il faudrait être, mettons, un empire, un Sith au niveau 50. Des deux. Puis après ça, tu montes un Jedi. Puis là, tu vas pouvoir avoir ton robot. Tu nous en parles. Je vais lire plus là-dessus. Parce que justement, je m'en ai dit, bon, ben, ah oui, c'est vrai, soit dit en passant, le free-to-play a été confirmé. Oui, ben, ça se passe présentement. Là. C'est ça. Mais là, on parlait jusqu'au niveau 15. Mais ça va vraiment être un free-to-play. Là. Ils vont faire la conversion totale. Ah oui, ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Ça a été confirmé. Officiellement par BioWare? Je te laisse, moi, des rumeurs venant de Austin, Texas. OK. OK. Donc, c'est... Tu sais, on s'entend là, qu'il y avait vraiment une rage à sortir. Là. Fait qu'il y a tout, c'est tout déballé. Là. Fait que savoir si eux, lorsque Electronic Arts et BioWare vont être prêts, on laisse ça dans leur main. Mais oui, préparez-vous, ça s'en vient. Puis on s'y attendait. Non, oh, oui. Puis là, ça va être de voir ce qu'ils vont faire avec ceux qu'ils ont encouragés depuis le début puis qui ont payé pour le jeu. Et, alors, c'est ça. Mais voilà, pour le reste, je vous invite à retrouver Escalade Ormeau dans son nouveau podcast, hein, justement, dont je te permets le plug avant de continuer. Oui, si les gens que ça intéresse, on a parti un podcast, c'est Benoît Gagnon, Maxime Tremblay et moi-même, on fait un podcast sur Swator. Fait que c'est un podcast qui parle de Star Wars The Old Republic et seulement Star Wars The Old Republic, là. On parle de notre expérience de jeu qu'on avait eue durant la semaine. On va parler justement de nouvelles, un peu comme Simon vient de faire. On va creuser un peu les nouvelles là, pour voir ce qui se passe. Puis quand est-ce que le free-to-play va nous tomber sur la tête. Fait que c'est un podcast bimensuel. Puis ça s'appelle Secteur 42. Donc si vous voulez trouver ça sur iTunes, S-E-C-T-E-U-R 42. Puis sur Twitter, ben c'est Secteur 42, mais avec un K, parce que le Secteur 42 avec un C était pris. S-E-K? Ouais, fait que S-E-K-T-E-U-R 42 sur Twitter et Gmail, Secteur avec un K encore, 42 à gmail.com si vous voulez nous écrire des questions ou des commentaires, des choses comme ça. Fait que il y a un épisode de sortie, puis on enregistre le deuxième épisode mardi prochain. Merci pour la plug. Ben, pas de problème. Ben, il faut quand même rester avec des bons fans. Ouais, c'est ça. Alors, je vais enchaîner aussi maintenant avec Guild Wars 2. Oui, que tu as essayé beaucoup. Que j'ai essayé beaucoup, mais pas autant que j'aurais aimé la dernière, dans le fond, le troisième bêta fermé. Oui, parce qu'on t'a invité à aller voir un film, puis t'es venu finalement. Oui, je suis venu, mais il y avait aussi autre chose. Mais bref, j'étais un petit peu occupé, là. Pour ceux qui ont eu la chance de jouer au bêta, comme je disais, il y en a plusieurs qui sont chauds au froid. Okay. En rapport vraiment au niveau du jeu. Beaucoup maintenant semblent anticiper une sortie d'un nouveau jeu qui va les emballer là, vraiment du début à la fin. Mais pour le genre MMORPG, là, c'est vraiment pas une tâche facile. C'est difficile, hein? Oui, très difficile. Alors, peu importe comment beau vont être les graphiques, les personnages, les détails, tu sais, il faut pas oublier que le jeu de rôle va comporter des quêtes, tu sais, des tâches répétitives dans un monde sans fin apparente, là, de la confection d'objets, bref. Comme on l'avait avec Star Wars. Ouais, c'est ça. Sortir du moule que les fans s'y attendent, ça comporte des risques. Ouais. OK. Donc, sur une note plus positive, peut-être, là, j'ai eu la chance de jouer avec les deux dernières races ce week-end. Pas longtemps, comme je disais, parce que j'étais occupé. Mais les Silveries peuvent être agencées de façon, lorsqu'on crée le personnage, à ce que vous ayez votre propre avatar bleu. Là. Pas nécessairement un copier-coller, là. C'est vraiment différent, mais écoute, tu le mets tout bleu, et même dans le noir, ça flash, puis ça devient bleu, comme quand lorsqu'il respire, là, c'est de toute beauté. Là. Okay. Vraiment, j'ai bien arrêté. Tu peux le mettre rouge, tu peux le mettre orange, là, comme tu veux, selon les couleurs, mais j'ai pas détesté du tout. Là. Donc, évidemment, une nouvelle race amène un nouveau départ, des nouveaux décors, et j'ai vraiment très hâte au 25 août. C'est l'histoire, c'est différente. À chaque personnage que tu prends ou c'est... La race. Chaque race que tu prends a une histoire complètement différente. Oui, mais même à ça, lorsque tu vas créer ton personnage, toi-même, tu peux le mettre presque unique pour dire, bon ben moi, dans ma vie, j'ai perdu ma soeur puis je vais passer ma vie à essayer de la retrouver. Okay. Moi, je viens dans un cirque, j'ai toujours voulu aller dans un cirque, mais j'ai manqué ma chance puis je m'en veux. Tu sais, fait que tu peux choisir, là, je viens d'une famille noble, non, je viens de la rue. OK, OK. Tu peux quand même faire une bonne customisation, vraiment mettre... Mettre ça comme tu le veux, mais comme ça te donne une chance de penser que tu es un peu unique, mais aussitôt que tu sors, tu es avec tout le monde. Tu te rends compte, tu dis, hey, déjà le premier bêta que j'avais fait, tu dis, l'autre il arrive, il dit, hey, c'est pas mon jumeau, on était pareil, même les couleurs, je dis, ah, boy, j'ai dit, ça commence bien. Mais c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, la date officielle de sortie est le 28 août. C'est parce que j'ai mentionné le 25 août, c'est pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. On va avoir 3 jours d'avance sur vous. Mm-hmm. Ben, c'est dans le but aussi d'aider à débloquer les zones initiales. Comme il avait fait avec Star Wars, débloquer planète, puis... C'est cela, excuse-moi, mais j'ai redécouvert le week-end dernier la super joie avec ma partenaire d'attendre dans la zone morte. Donc, ils ont mis dans une zone tampon où tu peux jouer, mais tu es en attente de tomber sur le vrai serveur. Mais aussitôt que tu fais ça, là, elle dit « Hey, je te vois plus. » Je dis « Oh, pas panique, on va finir par tomber. » Mais c'est gossant, là. Okay. C'est vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va se passer le 25 avril. Mais c'est quand même mieux qu'un écran où ils disent que tu es le 425e en attente. Non, je préfère ça. Ouais? Oui, parce que moi, là, de me laisser jouer, puis de savoir que tu n'es pas aussi que tu es avec ta partenaire, fait que dans le fond, tu finis par jouer tout seul. C'est plate, là. Ouais, c'est moi, ça. Je joue avec elle pour jouer. Tu sais, je joue à ça pour jouer avec elle, là. On passe un bon temps ensemble, sinon je vais jouer solo, je vais dire, regarde, il n'y aura pas de problème, puis oui, donc dans ce cas-là, tu joues tout seul, que tu sois sur le, ça va être bon, parce que tu sois sur le serveur le vrai ou dans la zone tampon, il n'y a aucune différence. Là. T'as-tu le choix? Non, pareil, t'as-tu le choix? Non, t'as pas le choix. C'est ils sont bouchés, il y en a trop de monde, tu t'envoies l'automatique. Non, mais je veux dire, t'aurais-tu le choix d'avoir juste un écran qui dit dans 40 personnes, tu vas rentrer dans le jeu? Non. Ou aller dans la zone tampon puis jouer en attendant, t'as pas le choix. T'es dans la zone tampon puis si ça te tentait pas de jouer. Supposons puis que t'es dans la ville, quand tu viens pour sortir, pour tomber dans le monde, le vrai monde, ben là, ça te demande. Écoute, tu vas quitter la zone, mais la zone semble être occupée. Tu veux-tu aller? Fait que là, tu cliques oui. Tu sais, t'es dans la queue d'attente ou pas. Fait que c'est là que ça te le donne. Okay. Mais quand même. Tu dis, ça sera peut-être pas long, mais déjà là, c'est trop long. Puis, je sais pas, c'est peut-être parce que moi, mon partenaire est au Japon, est peut-être un peu plus impatient. Mais bref, c'est ça. C'est quand même un petit peu long. OK. Alors, c'était pas mal ça, le tour, dans le fond, de Guild Wars. Écoute, moi, j'ai toujours hâte pareil. Là. Puis, c'est le fun de voir le petit bonhomme aussi quand tu fais un ingénieur, là. L'autre race, que tu vas pouvoir le voir se promener puis se battre. Écoute, il se bat avec une épée à deux mains, puis tu vois les mouvements, puis il tombe sur ses fesses tellement que c'est pesant. Là. Okay. Ça vaut la peine. Ils ont vraiment bien fait ça. Là. Fait que je crois que oui, il va se mériter une belle place à Guild Wars. Ça vaut la peine. Même Eric, je te dis, peut-être si tu m'en es, tu prends la chance de l'acheter à un prix moindre, sachant que dans le fond, une fois que tu l'achètes, c'est free pour le restant de ta vie, si tu veux. Mais ça devrait être le restant de ta vie si tu vis pas trop longtemps ou jusqu'à temps que tu décides de changer les serveurs. Guild Wars, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, les serveurs de Guild Wars 1 sont encore ouverts. Ouais. Mais éventuellement, ils vont être amenés à fermer. Ouais. Mais pour l'instant, ça permet aussi à ceux qui veulent faire partie, c'est parce qu'il va y avoir des bonus là, de faire partie du couloir, les monuments du couloir, là, le Hall of Fame, si tu veux. Là. C'est parce que c'est Hall of Monument ou. Quelque chose dans le genre, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Mais c'est-à-dire que quand tu joues à Guild Wars puis tu as fait des missions, tu débloques des succès, mm-hmm. mais ça se transpose avec ton même account sur le Guild Wars 2 et que ça donne des méchants bonus. Okay. C'est vraiment intéressant, mais il faut être prêt à régresser dans le monde des graphiques. Et c'est ce que moi, toi et moi, on a essayé, puis on n'a pas aimé, puis on n'a pas accroché. Là. Parce que c'est ça, ça fait vraiment... C'est 2009? Quelque chose comme ça. Ben, fait que c'était loin. Là. On a trouvé qu'il y avait une méchante différence. Là. Fait qu'on n'a pas accroché. Mais oui, je le conseille aux gens qui sont vraiment mordus et qui voudraient avoir les bonus. Regardez, acheter... C'est parce qu'il faut acheter au moins Eye of the North. Okay. Il faut acheter après ça une autre faction. Il faut avoir les deux. Fait que les deux, là, ça te permettrait de débloquer tout ce qui est possible de débloquer. Pour le 2? Pour le 2. OK. Avec le même account après, là. Ouais. Parce que des fois, les gens... Moi, je me suis parti un nouvel account. OK, OK. Donc, ça ne donnait rien. OK. Mais ça ne doit pas être tellement cher, Guild Wars 1, vu que le 2 s'en vient. Ah non, c'est... Ça se trouve à 10$? Okay. Ah oui, j'en vais selon les factions, là. Mais des fois, tu vas acheter la trilogie au complet. Mais la trilogie ne vient pas avec Eye of the North que tu dois acheter aussi. Mais Eye of the North est encore... Ben, je ne sais pas s'ils l'ont baissé là, mais oui, ça peut être une vingtaine de piastres. Okay. Et quand tu es partout, tu peux investir, je pense, c'est 30 à 40 $ Mais après ça, c'est du temps. Ça va être long. Oh, oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Fait que ceux qui veulent le faire, un petit boost, un mois, des hardcore, gênez-vous pas. Bonne chance, je vous le souhaite. Là. Je vais vous voir sur Guild Wars 2, puis vous allez briller, shining, pas mal. Là. Vous allez avoir des bons bonus. Mais bref, je vais me contenter de ce que j'ai. Je suis pas être content, pareil. Non, ça devrait. Alors, ceci termine Guild Wars 2. Oui. Toutou! Maintenant, je vais enchaîner avec un petit jeu, dans le fond, un nouveau jeu qui va bientôt se pointer le bout du nez. Pas en tant qu'un nouveau genre. Hein? C'est un hack and slash à la Diablo. Diablo Torchlight. Oui, et compagnie. Créé justement par une compagnie néo-zélandaise. Ça s'appelle Grinding Gear Games. OK. Madame est fourchée. C'est un free-to-play avec microtransactions. Le nom, Path of Exile. Eric, okay. Est-ce que tu en as entendu parler? Non? OK. Mais je pense que ça veut dire qu'il y a tellement d'affaires que... C'est bon. Ça en trouve pas mal, je n'avais pas entendu parler moi non plus. Pour l'instant, afin de jouer à deux, ben, on doit faire la première carte qui monte toute seule. Ensuite, on se retrouve dans le village et c'est là que tu vraiment tu peux être avec tout le monde. Okay. Mais si tu t'es créé un groupe privé, après ça, lorsque tu ressors du village, tu es juste avec ton party. Tu es avec ton groupe. OK. OK. Ce que je trouvais ça spécial, c'est qu'on ne peut pas troquer avec d'autres joueurs. Donc, tu ne peux pas faire un trade, là, okay? OK? Dans le village. Donc, ce qui fait que tu dois sortir du village, puis quand tu es avec ton groupe, mais tu laisses tomber tes objets, puis l'autre les ramasse. Tu peux même pas faire... Il n'y a pas l'option trade, là. Jamais. Fait que comme dans Star Wars, tu me donnes un morceau d'équipement parce que il est bon pour moi, pas bon pour toi, tu peux pas faire ça dans le jeu. Non, il faut que je le drop et tout le monde. OK. Bon, c'est une autre fait manière de faire. C'est pas mauvais, mais c'est parce que quand tu joues à plusieurs, tu dis tiens, je te drop ça, puis les deux personnes que tu joues, si tu joues à quatre, puis tu connais pas les deux autres, ben on s'entend-tu que soit vite sur la gâchette parce qu'ils vont l'annoncer. Parlant de vite sur la gâchette, je vais en reparler dans pas longtemps. Oui, c'est ça. ils ont un panneau même de mission, si on veut, c'est-à-dire que c'est un panneau pour les gens qui sont seuls, qui veulent faire partie d'un party, puis de voir, mettons, j'ai pas fait cette mission-là, fait que tu peux regarder toutes les missions, puis tu en choisis une, puis tu vas embarquer avec eux autres. Ça, c'est le fun. Ce serait pensé à ceux qui ont regardé Fairy Tail. Il y a le panneau, justement, pour dire, bon, ben, regarde, telle mission va donner le temps de Jewel. Là. OK. Fait que c'est d'être pas pire. Lorsque, dans le fond, on est en équipe, s'il y a un objet qui tombe, c'est là que j'en venais. Là. On a 3 secondes pour la ramasser. Okay? Si ça va être marqué avec, ça va être tagué avec ton nom. Fait que là, dépêche-toi parce qu'après 3 secondes, il devient disponible pour tout le monde. Donc, si fait qu'elle regarde pas ailleurs. Tu es des monstres, ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, ma partenaire, moi, ce qu'elle me disait, c'est regarde, je m'excuse, mais là, je suis en train de tuer des monstres, je suis pogné. Mais moi, je ramassais tout. On s'est fait du fun avec ça. C'est vraiment le fun parce qu'il faut être vite. Fait que ça faisait une partie que, écoute, on était sur Skype puis on riait, là, c'était la partie, dans le fond, le fun. Là. Mais si tu joues avec d'autres personnes que tu connais pas, ben je vous le conseille pas. C'est moins le fun. C'est moins le fun. Le jeu, ben comme d'ailleurs est vu du dessus, les graphiques sont pas si mal, OK? C'est pas Blizzard, là, OK? Ouais. C'est ça. C'est une petite compagnie, là, mais quand même bien. J'en suis essayé les habiletés. Et ouf, lorsqu'on parle d'habiletés, surtout les habiletés passives, à chaque fois qu'on monte de niveau, on va avoir un trait à mettre selon ton personnage. Supposons que moi, j'ai joué une magicienne. Et oui, on ne peut pas jouer un magicien. T'es barré comme dans les anciens Diablo. C'est-à-dire une magicienne, si tu veux jouer elle voulait jouer justement une ombre, là, un shadow. Puis c'était un gars, elle dit non, elle dit, je veux pas jouer. Je dis, ben regarde, là, si on n'a pas le choix. Okay. Lorsque tu arrives au niveau 2, c'est ça, c'est que tu ouvres le panneau des habiletés. Écoute, c'est ta perte de vue. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, le système de branchement d'habiletés, je l'ai posté sur Facebook. Là. Écoute, ça, c'est rien qu'une petite partie. Là. Hey, tu peux le faire un scroll, là, puis là, tu regardes, tu dis, aïe, aïe, c'est quelque chose. Fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai dit, écoute, pour une petite compagnie, j'ai dit, au moins, on fait ça pour pire. Mais j'ai réussi à voir qu'est-ce que ça fait. C'est-à-dire qu'à partir du fait que tu es magicien, tu vas avoir, dans le fond, deux chemins que tu peux prendre. Mais après ça, les chemins peuvent se mélanger. Okay. Mais ça semble pas venir à ce que tu peux prendre des habiletés d'un guerrier. Okay. Mais il te montre, dans le fond, toute la map de toutes les habiletés passives dans le jeu. Okay. C'est ça qui fait que c'est impressionnant. Là. Sauf que ton personnage n'en aura pas tant que ça. Ben, c'est parce que c'est suggéré. Okay. Si je suis un magicien, je vais rester dans la lignée des intelligents. Tu sais, je veux dire, lancer des sorts plus rapidement, avoir plus de mana. Fait que ça ne donne rien d'avoir plus de dex ou plus de force. Okay. Ouais. Quoique pour ramasser des objets, des fois, puis les utiliser, il t'en faut. Okay. Donc, avis. Mais c'est ça. Fait que ça me faisait penser quasiment à l'arbre Yggdrasil, l'arbre immortel. Ça semble sans fin. Fait que j'étais impressionné. De ce que je comprends, même si c'est ça, télécharger juste le jeu pour voir cette page-là, moi je trouve que ça va la peine. Ben, jouer, ça c'est la question. Moi je dis sûrement. OK, longtemps, ben je sais pas, mais j'ai rejoué par la suite puis je commence à vraiment aimer ça. Ouais, parce que c'est drôle parce que hier on s'en parlait justement, tu n'avais pas encore joué puis tu avais l'air prête à sauter dessus puis à y arracher la tête presque à ce jeu-là parce que. T'avais dit, ah non, ça a l'air juste une copie de d'autres choses, puis c'est... Je vais en parler un peu plus c'est loin. C'est juste drôle, là. Ah ouais, puis là, j'ai commencé à accrocher un petit peu, là. Mais il semble qu'il n'y a pas d'or dans le jeu. Pas d'or. Tu peux pas avoir de pièces d'or, tu peux pas acheter ou vendre avec des pièces d'or. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'économie. Ça marche par du troc. Mais tu peux pas faire des échanges. Oui, parce que tu vas vendre du stock que tu ramasses. Mm-hmm. Fait que quand tu vas vouloir vendre aux vendeurs, ouais. Eux vont te proposer, selon ce que tu leur montres, « OK, je te donne tel morceau, telle chose, est-ce que tu veux, tu fais l'échange. » Et quand tu veux acheter, ils vont dire « Regarde, moi, je te demande un échange, j'ai besoin de tel morceau. Si tu me le procures, regarde, je vais te le donner. » OK. C'est génial. Fait que les NPC feraient du troc comme dans le temps quand il n'y avait pas vraiment d'argent. Exact. OK. J'ai trouvé ça fantastique parce qu'ils viennent de régler un super gros problème dans les MMO. Ouais. Qui est l'argent, qui est l'économie. J'ai fait aïe aïe. J'ai dit, écoute, ils ont pris quand même le temps d'y penser, là, malgré tout. Là. Ouais. Ouais. Donc, on doit avoir des objets qui sont dans le fond en inventaire. On a un stash, comme dans Diablo, qui est déjà, tu n'as pas besoin d'acheter vu qu'il n'y a pas d'or, mais écoute, il est immense. Il y en a quatre, là, tu as de la place. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, voir si tu changes de perso. J'ai pas eu le temps de jouer à un autre personnage là, okay. Pour voir si c'est partagé, mais j'imagine que oui. La façon dont la conception est faite, là, tu vas pouvoir partager ton stage. C'est-à-dire, donc, si tu prends un bon couteau pour ton shadow, tu vas pouvoir le mettre dans ton inventaire, dans ton coffre, puis tu changes de perso, puis tu vas le reprendre. OK. Comme le jeu, c'est là que j'en viens, semble avoir besoin d'aide monétaire pour les supporter sur leur site web, ils proposent, selon la donation, des bonus dans le jeu pour vous. Parce que le jeu, hein, je disais, était free-to-play. Mais lorsque vous allez le... prendre, il y a même du PVP en passant, là, avec des stats pour vous comparer même à l'échelle planétaire. Les Néo-Zélandais, ils n'ont pas réussi à contacter d'autres planètes là, pour l'instant. Mais c'est vraiment bon. Pour les donations, c'est ça, je vais les énumérer parce que bon, c'est bon pour les développeurs. Côté vente, par contre, semble avoir besoin d'une revue. Ça part à 10$ US. Okay. Okay. Ça te donne une. Le jeu est présentement en close beta. OK, c'est pas fait encore. Fait que ça te donne une clé d'accès. Donc, ça veut dire donc tu joues indéfiniment, puis après ça, ça va tomber en open beta, puis tu vas pouvoir jouer, puis après ça, ça va être le jeu. OK. Et 100 points pour leur maison là, de microtransactions. Hein? Ça va être gratuit, mais on s'entend qu'il faut qu'ils fassent des sous. Il faut qu'ils fassent de l'argent quelque part. 15$, un type de forum dédié de supporter. Hey, regarde, sur le forum. En tout cas, je sais pas, tu parles, puis ça te donne un petit quelque chose. Et la bande sonore de en téléchargement seulement. La musique est-ce bonne? J'ai pas pu l'écouter. J'ai pas vraiment attaché d'importance là-dessus. Okay. 25$, 250 points maintenant pour les microtransactions. Et un compagnon kiwi. Qu'est-ce que c'est un kiwi, hein? Ça sert à rien. C'est un fruit? Ouais. Peut-être pas pour eux autres. Je serais peut-être pas content si tu te mettrais à manger. Un petit fruit qui roule à côté de toi. C'est ça, regarde. C'est comme le Tom dans Star Wars. Il sert à rien. Mais je me dois je me dois quand même d'expliquer le kiwi. Là. C'est un oiseau qui vole pas. C'est un symbole national pour la Nouvelle-Zélande. Et c'est un surnom aussi même pour les gens là-bas. Et eux, c'est un synonyme de fierté. Fait que même si tu les traites de kiwi, ça n'a aucune connotation condescendante. Là. Okay. C'est rien de méchant. Eux autres, c'est pas utilisé. Tu peux pas les blaster en disant ça. Ils vont dire, ben oui, c'est moi ça. OK. Fait que c'est fantastique. Donc c'est correct. Pourrais-tu te faire raser la tête puis se faire traiter de kiwi et être content, ça? 50$, la même chose. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que tu payes plus, tu as tous les mêmes bonus que qu'est-ce que tu as et plus. Donc, les plus, c'est ça que je nomme. Donc, 50$, tu vas avoir 3 clés pour la bêta fermée que tu peux partager. Tu peux jouer sur 3 PC différents. Ouais, c'est ça encore. Et un différent titre, bronze. Hein? Dans la forme de discussion, tu vas apparaître comme étant un supporter bronze. OK. 100$. On s'entend-tu là, qu'on parle d'un jeu gratuit? Ouais. Et je commence déjà à y nommer 100$. Là. OK? C'est, ouais. C'est ça même le fait que j'avais accroché. Là. On a 1000 points pour les transactions. Un titre d'argent maintenant là, sur les forums. Mais la carte du jeu. On reçoit la carte du jeu en poster. Puis, ah oui, le CD maintenant de okay. La bande sonore. Okay. Il n'y a pas juste en disponible en téléchargement. Okay. Mais pour les personnes qui téléchargent, est-ce que c'est difficile de faire un CD? Je ne le sais pas. Non, surtout en MP3, c'est pas grand-chose. Hein. Attachez votre ceinture, on est rendu à 250$. OK. Alors, j'ai quasiment fini. Un T-shirt du jeu. Okay. J'imagine que doit être quand même assez bien. Et votre nom va se retrouver parmi les gens qui ont permis à ce jeu de voir le jour dans les crédits. OK. Fait que ton nom dans les crédits du jeu. Ouais, c'est ça. Fait que t'as l'impression de faire partie de la gang de développeurs, mais t'es juste une personne qui a contribué monétairement. Non, c'est quand même pas super, au moins. Le fameux pacte Diamond, donc diamant, ça nous permet d'avoir un avatar fait par vous-même, à votre goût, OK, qui va être pour le forum. Est-ce que c'est vraiment important? Non, je vais rarement ces forums. Fait que... ça donne un paquet de points encore. Je ne les ai pas nommés ici. Mais le seul point que je trouve vraiment bon, c'est que vous pouvez suggérer, donc vous allez travailler avec l'équipe afin de créer, donc de faire le design d'un objet à votre goût et il va se retrouver sur le jeu. Ça va être votre objet unique, là. OK? OK. Fait que ça, je trouvais ça le fun, mais tout ça pour la modique somme de 1000$ US. Fait que si tu lui donnes 1000$, tu as le droit de travailler pour eux autres, c'est pas pire? Ben, c'est pas travailler. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Ben, c'est ça. Le jeu semble être bien. On peut passer des heures lorsqu'on a envie de tuer des monstres. Puis lorsqu'on a fini ou on est juste tanné, on prend une pause pour d'autres jeux. Fait qu'on joue avec ça. Je vous le conseille pour l'essayer. Et en plus, c'est ça là, moi j'ai bien aimé là. Puis il va être, je pense, disponible sur non, pas sur Steam. Il va être vraiment sur le site web là, mais ça va sortir donc free to play là, surtout qu'on va voir les annonces. Checkez ça, c'est Path of Exile. Donc c'est pas trop compliqué là. On okay. devrait trouver tout. Surtout qu'on rentre Path sur Google, c'est le premier jusqu'à maintenant. Ah ouais, ça sort. Okay. Ouais, ouais. C'est pas pire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un bon engouement. Alors, j'ai fini pour Path of Exile. OK. Ouf, bon. Ça achève, ça achève. Ah. Non, je suis pas Eric, t'es capable. Woohoo! OK! Hey, c'est mon cri de ralliement. Ah oui. Torchlight 2. Oui. All right. Les gens, peut-être, des fois, c'est ça, ils trouvent un peu trop cartoon. Un peu vieille école pour d'autres, une chose est certaine. Pour 20$, qu'est-ce qu'on avait déjà discuté. Hein? Mm-hmm. Le jeu doit présentement faire freiner le dos des développeurs de Diablo 3. Tu penses? Hein? Oh oui. Alors, regarde, pour sûr, mais c'est sûr qu'après le niveau 10, il faut faire attention, les points qui vont être distribués à nos habilités hein, sont permanents. Oui, c'est ça. Donc, on est averti. Les objets aussi ont des prérequis basés sur les stats, comme la force d'intelligence. Puis finalement, tu dois décider si tu acquiers une nouvelle habilité quand tu montes de niveau ou si tu veux améliorer celle que tu as déjà. Fait que des fois, tu vas faire une combinaison que rendu en haut, tu dis, ouais, elle n'est pas vraiment gagnante, mais là, c'est parce que tu es mal pris, il faut que tu recommences. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est ça le old school. Là. Mais pour moi, ça fait partie du plaisir à jouer ce genre de jeu-là. Moi, j'aime ça de savoir, regarde, vais-tu manquer ma shot, moi, là. Tes décisions ont un impact. Ah, ouais. C'est ça. Mais pas sur le jeu, juste sur toi. Ouais. Tu sais. C'est ça, regarde. Et puis, on peut aussi attendre, dans le fond, que les autres le font à notre place, là, hein, que de se gourer. Puis, ils vont mettre un guide en ligne pour dire, bon, ben comment faire un bon build de mage, comment faire un bon build, tu sais. Fait que, bref, à vous de voir. Hein. Ce que je peux dire, un point fort de Torchlight, par contre, ce que Diablo 3 n'a pas, c'est les loot, les drops. Hein? Ouais. Les objets qui tombent, là, l'algorithme, dans le fond, pour les objets, c'est plus généreux. Puis on peut même faire un discernement entre ceux qui sont utiles puis les autres qui sont rares. Regarde, des fois, sur Xebo, j'ai pogné un objet super rare puis je dis, non, ça arrive. Fait que c'est vraiment en poche. Là. Fait que on peut voir, dans le fond, que c'est ça, là, Thirstlight a sa place. Hein? On a-tu une date de sortie ou quelque chose? Attends un peu. OK. Bien. C'est bon. Contrairement à Diablo, c'est ça. Chaque arme peut être utilisée par n'importe quelle classe. Cette fois-ci, par contre, il y a une barre de plus qui s'ajoute à notre perso. OK. OK. Qui augmente lors des combats. Lorsqu'on se bat, ça va augmenter. Donc, selon la classe, vous allez avoir des bonus soit de coups critiques. Des fois, les machines vont avoir soit un temps illimité, c'est sûr, mais sa mana va être illimitée. Fait que tu lances des sorts les plus forts que tu peux pendant un certain temps, puis tu te sens invincible. Là. Les ingénieurs vont faire des attaques plus puissantes. Fait qu'il y en a de tout pour tous les goûts. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment un débat entre Diablo 3. C'est juste que ça ressemble là, avec Watch Life. Je suis désolé, mais non seulement on peut enfin jouer sans être connecté à Internet, ouais. Le mode offline, ouais, c'est bravo ça. Blizzard, hein? Mais nos personnages peuvent même, qu'on utilise offline, tu peux même les transférer en ligne sans pénalité. OK. OK. Donc, ça, là, ça vaut son pesant d'or. Mais ça ouvre la porte à faire des modifications dans le jeu. C'est ça que Pete Blizzard a voulu essayer d'empêcher. Empêcher, ouais. Cheater ton personnage sur ton PC, puis après l'envoyer en ligne. Exact. Ouais, peut-être. C'est juste ça, mais quand même, il y a juste le fait d'être en mode offline, que tu veux juste jouer. Comme tu disais l'autre fois, tu t'en vas en vacances, tu n'as pas de connexion Internet, tu dis, regarde, je veux jouer. Là. Comme on avait dit, le monde ne le sauront pas parce que c'est quelque chose qu'on avait dit quand on a essayé, puis ça, je n'ai jamais reparlé, on a essayé d'enregistrer un podcast au Défi Tête Rasée, puis finalement, il a plu toute la journée, fait qu'on a fermé les livres, puis on n'a rien enregistré. Mais oui, quand j'ai commencé, on parlait avec Benoît Gagnon, puis on a dit justement, « Hey, il n'y a pas d'Internet site, je peux pas jouer à Diablo 3, je quitte ce plateau. » Puis ça va rester dans le néant parce que on n'a pas fait de podcast cette journée-là. Je te dis. De toute façon, Eric n'était pas là non plus. Non, Eric n'était pas là non plus. Écoute, ça allait mal. Là. Alors, chapeau pour Runic Games. Okay? Ouais. Message à bizarre. Ça, c'est une petite note personnelle, hein, parce que je parle vraiment pour moi, vraiment Diablo, même le Collector Edition, je crois que pour moi, c'est pas mal flop. Là. Okay. Vous avez travaillé 4 ans pour finir seulement avec 4 actes, hein, avec 4 niveaux de difficulté. Moi, je vous l'accorde, c'est sûr que c'est vachement dur de jouer jusqu'à Infernal, donc vous maîtrisez bien le pouvoir d'augmenter l'intelligence artificielle, les monstres, tout ça. Côté histoire, par contre, auquel on finit par s'en foutre royalement, là, vous auriez dû faire vraiment 16 actes avec des niveaux de perso qui suivent justement ce qu'on a dans Path of Exile. Alors, on sent qu'il y a une progression. Puis justement, avec le vrai dernier chapitre, lorsque tu arrives au niveau 60, c'est là que, dans le fond, tu vas faire vraiment un beau gros tas dans tes pantalons parce que à l'idée de tuer le boss du jeu, là, okay. Et de dire, savoir est-ce que je vais survivre ou pas. Là. Pour moi-même, j'ai trouvé Bélial dans l'acte 2 plus fort que tous les autres. C'est bizarre, hein? Anyway. Bref, fait que c'était ma montée de lait. Okay. Un peu plus rétro maintenant. Attachez vos oreilles, hein? C'est sûr, Eric, que j'empiète un peu sur ton terrain, mais c'est de bon cœur, tu vas voir. Alors, c'est ça, les gars. Oui, Luc, y compris. Mm. Vous aviez déjà parlé du jeu Rogue, n'est-ce pas? De quoi? Rogue? Pas moi, non. C'est pas toi qui as parlé du jeu, le premier jeu avec l'histoire d'Hitler? Là, non, nous autres, on parlait de Beyond Castle Wolfenstein. Non, j'avais pensé le jeu là, que dans le fond, tu te déplaces, puis c'était vraiment, vraiment parmi les premiers que tu as joué. C'était Castle Wolfenstein. Ah, c'est vraiment ça? Ok, ouais. Ben, je pensais que Rogue, c'était... c'est moi qui ai mal fait l'association, je m'en excuse. Mais anyway, je vous mets quand même au défi de jouer à Hack/Loot. Ok. Ok. Encore plus d'objets que Torchlight. Dans le style justement de Rogue avec des cartes aléatoires et la mort du personnage permanent. Ah, par défaut? Par défaut. OK. Okay. C'est permanent. OK. OK. 6 quêtes au total, entre piller des tombes et tuer des démons. 32 personnages qu'on peut débloquer, chacun avec ses propres forces et faiblesses à exploiter. Il y a plusieurs hits par contre qui ne vont pas t'aider. Aucun inventaire sans eux. Donc c'est sûr que tes choix d'objets sont importants à transporter. J'aime ça. Personnellement, okay. Là, de savoir que j'ai pas le sac de Hermione. Ok, parce que tu peux mettre n'importe quoi dedans. C'est ça. Les potions de santé sont utilisées lorsque tu le ramasses. Ce qui veut dire que tu dois utiliser de la stratégie. Et quand je parle de stratégie, il en faut beaucoup. Ben juste, c'est juste ces permadeath, déjà là. C'est ça. Le jeu est pur et dur. C'est vraiment dur à ce qu'il paraît. Chaque mouvement doit être pesé. Et pour pas aider la cause. Madame Chance se met de la partie. C'est sûr que moi, je ne jouerai pas à ça parce que je serais vraiment frustré, mais si c'est votre genre, je vous mets vraiment au défi. On essaye, on aime ou on déteste, mais pour 10$ US, mm-hmm. OK? Puis, ce que j'ai vu, c'est un petit peu moins cher sur Steam. Des fois, ils font des 40%, c'est 7$ US. Je sais qu'Éric aime ça, acheter des petits jeux là, comme ça pour les tester. Là. Je pense que c'est ça, tu pourrais te laisser tenter. Parce qu'il y a même un démo. C'est bon pour les plateformes Windows, Mac et Linux. OK, c'est pas bien. Essayez ça. C'est au www.hack/loot.com. OK. D'accord. Et achetez-vous une coupe de souris d'avance. Pour les blasts. Parce que vu que c'est permadeath, c'est ça. Mais c'est très rétro, hein, je vous le dis. Là. Je vous prépare. Il faut vraiment être habitué, comme je disais. Je voulais faire une référence au jeu Rogue. OK. OK, que tu joues, que tu te déplaces. Là. Écoute, ça a l'air quasiment des bonhommes Atari dans le temps. Là. Fait que c'est toi qui as fait des graphiques avec tes bonhommes allumettes, tu parles tout à l'heure? Je ne vais pas le dire. Non. OK. Je viens de faire un peu d'argent. C'est pour ça que tu pluguais le jeu. Hein, tu as travaillé dessus. C'est toi qui as fait des graphismes. Éric, comme tu as déjà parlé de ce que je vais dire lors de nos podcasts, j'imagine que tu es fidèle vraiment à tes jeux puis tu vas nous parler de Darksiders 2. Quand il va sortir, mais on n'aura plus de podcast rendu là. OK, parce que je vais t'annoncer de bord dans ce cas-là que la sortie était le 29 juin dernier. Ou peut-être pas là, mais c'est ce que j'ai pu voir. Non, ça a été retardé, je pense. Ça a été retardé. OK, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, selon mes sources, c'est qu'il est présentement disponible. Fait, faudrait qu'on vérifie, là. Je m'en vais direct là. Merci beaucoup. Mais Eric, en tout cas, ça te fait de quoi si tu veux faire de la recherche pour en parler à ton prochain podcast, là? Parce que ça s'en vient. Alors voilà, mais c'est ça, c'est tout pour moi. Je voulais dire un gros merci à Luc, Annick et Eric pour vos soirées rock and roll. Un merci. Ah, c'est encore annoncé pour le mois d'août. C'est encore annoncé pour le mois d'août, je pense. 14 août. 14 août, ouais. Ça s'en vient, mais pourtant, moi, je l'ai su, c'est bizarre. Ma source, ça semblait être bonne. Et je te dis, attends que j'y parle dans ouais, dans check, dans ta, check ta source. Et... c'est pas lui qui fait ton budget, toujours? Non. OK. Tu as une source qui te vend ta drogue ou... Ah, écoute, ouais, je prends du café présentement, c'est peut-être pour ça. Un merci spécial à Skype, hein? Un petit peu de sarcasme là-dedans. Puis finalement, mais c'est ça. Merci à tous mes auditeurs pour votre support. Je suis vraiment touché là, par les réactions de tout le monde. Je vous aime fort, puis qui sait, le futur n'est pas écrit. C'est ça. Et voilà. Merci. Merci Simon. Ciao. Donc, c'était la dernière chronique pour Simon pour ce podcast. Fait que merci Simon. Ça a été bien le fun d'avoir des chroniques MMO. Je sais que les gens, puis animés, je sais que les gens aimaient bien ça. C'était beaucoup les questions puis les compliments qu'on recevait. C'était pour le MMO puis les animés parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui en parlent nécessairement. Fait que le monde avait l'air d'apprécier ta partie en particulier. Fait que je sais qu'il y a bien du monde qui vont être déçus qu'on s'en va parce que c'était vraiment la place qu'eux autres aimaient ça écouter ça. Je suis désolé. Mais comme tu dis, je veux dire, on arrête, c'est pas écrit qu'on reviendra jamais, mais pour il n'y a pas de plan qu'on revienne dans un avenir rapproché de toute façon. Là. Ou lointain. C'est ça. Il n'y a rien d'écrit dans la pierre. Hein? C'est dans ça. Le sens, ça peut s'effacer avec de l'eau. C'est ça. Fait que on va voir ce que l'avenir va nous réserver. Donc, bon, ben, on est. On va être prête pour faire la section de Eric. Okay. Ouais, ben, il y a tout le monde. Attends, que tous les Eric dans la salle lèvent leurs mains. OK, il y a juste toi, ça a l'air. Donc, pour le dernier podcast, je prends un sujet qui fait longtemps qui était sur la tablette, que j'ai replongé pour la raison de ce podcast. Je vais parler de la série Riddick, qui est probablement la seule série cinéma et jeu qui est pas pourrie. Habituellement, quand c'est des jeux faits avec des films, c'est pas bon. Quand ils font des films avec les jeux, c'est pas bon, mais dans le cas de Riddick, c'est un cas particulier. Même si les films ne sont pas des grands succès ou des grands films, ils sont quand même pas trop mauvais et les jeux qui viennent avec sont quand même très bons. OK. Es-tu ami qui a Vin Diesel, toi? Avec Vin? Moi, ouais, j'aimerais trop ça. Non, il menace présentement. OK. Mais quelqu'un qui aimerait être ami avec Vin Diesel, ce serait Luke, parce que dans tous ses films de Fast and Furious, c'est tout le temps des beaux chars. Non, mais il y a rarement des Mustangs, fait que... Mais il est strap. Fait que... Ben, il faudrait t'envoyer eux, parce que ça, ça adjoint. Ouais, il pourrait. Se promener avec un char volé, c'est pas nécessairement la meilleure affaire à faire. Fait que, c'est bon, moi me la payer, mais que j'aille l'argent pour me payer au lieu de l'avoir volé. Donc, Riddick, c'est toute une série qui est basée autour d'un personnage, qui est le personnage de Richard D. Riddick. C'est un univers assez complexe, parce que pour avoir toute l'information, il faut que tu vois les films, il faut que tu joues au jeu, il faut que tu aies voir les films animés. C'est vraiment un mélange de tout. C'est vraiment, on parle tout le temps là, du multimédia puis des trucs combinés Internet-films, mais ça, avec Riddick, ils ont vraiment compris. Là. C'est impossible d'avoir toute l'histoire si tu fais juste, mettons, regarder les deux films. OK. Parce que si tu regardes les deux films, tu as des bribes de c'est qui Riddick, c'est quoi son passé. Exemple, le premier Pitch Black, qui n'est pas vraiment un film basé sur Riddick. Après ça, le deuxième, le Chronicles of Riddick, encore des bribes d'histoire de Riddick. Puis en plus, il y a plein de changements. C'est une série, c'est un peu comme avec les comic books où chaque auteur arrive, prend le personnage, puis fait quelque chose de différent avec. Comme tantôt, vous nous parlez de Batman. Ben, tu sais, il y a plusieurs auteurs de Batman, il y a plusieurs comic books, il y a plusieurs films. À chaque fois, tout le monde change l'histoire, mais c'est tout le temps des nouvelles séries. Ouais, c'est ça. Tandis qu'avec Riddick, c'est dans la même série, il y a des changements. Riddick, ce qu'on connaît le plus de Riddick, c'est son pouvoir pour voir dans le noir. Mm-hmm. Il y a des yeux brillants, mais ça, comment il en est devenu avoir les yeux brillants, il y a comme deux versions de ça, qui se contredisent un peu l'une l'autre. OK. C'est pas une chirurgie, là, qui s'est faite faire? Ben, c'est ça, c'est une chirurgie. Puis, il y a une autre façon, c'est que c'est comme arrivé par magie. Quelqu'un qui y a donné. Fait, c'est tout à propos de Riddick, c'est pas mal tout le temps comme ça. Il y a tout le temps des affaires qui c'est nébuleux. Mélangé. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps mélangé. C'est jamais certain. En plus, les deux films ont eu des livres qui ont été faits après les films. Qui sont pas juste les films mis en papier. Il y a plus d'informations dans les livres que dans les films, comme la plupart des livres. Ce qui fait que quand tu lis les livres après, que j'ai pas pris le temps d'aller lire tous les livres non plus, là, il y a plus, pas mal plus d'informations qui disent justement qui explique c'est qui le personnage. Ça fait que c'est vraiment quelque chose pour les gens qui ont aimé les films et les jeux, il y a encore plus de matériel à aller chercher. L'ordre aussi dans lequel c'est fait, si vous voulez, mettons, écouter tout en chronologie, ben vous commencez pas, mettons, avec Pitch Black, puis ensuite le film Chronicles of Riddick, puis ensuite les jeux. C'est vraiment l'ordre, c'est tout mélangé. L'ordre qui est établi, c'est l'histoire commence avec le jeu Escape from Butcher Bay, qui est sorti sur Xbox. Okay. Et sur PC. Après ça, ça serait le jeu Assault on Dark Athena, qui est le deuxième jeu qui est sorti. Soit dit en passant, les deux jeux sont disponibles sur Xbox dans une seule boîte. Tu peux acheter comme une boîte. Le jeu sur Xbox Assault on Dark Athena vient avec un remake HD de Butcher Bay. OK. Donc, moi, j'ai trouvé à 15$ ce jeu-là. J'avais déjà joué à Butcher Bay dans le temps sur PC, mais j'avais pas joué à Dark Athena. Fait que j'ai acheté Dark Athena pour j'ai envisagé 15$, puis j'ai les deux jeux. Ah, faut payer, on va appeler. Surtout que je l'ai plus Butcherby en version PC, là. Fait que c'était bon d'être capable de me plonger dedans. Ensuite de ça, après Dark Athena, c'est le Pitch Black Slam City, qui est un espèce d'animation flash, un espèce de comic book animé, pour ceux qui en savent quoi, là. Il y en a plein des fois sur l'iPad de ça, là. C'est un sur le comic book que les bulles apparaissent puis qu'il y a comme des mini-séquences d'action. Mm-hmm. Oh, ouais. Ça, c'est quelque chose qui était sorti juste avant qu'ils lancent le film Pitch Black. C'était disponible sur le site web, mais aujourd'hui, c'est plus trouvable. Ben, plus trouvable de façon légale. Ok, ouais. Si vous allez taper Pitch Black Slam City ou vieux Pitch Black Slam City sur Google, vous allez trouver des sites, surtout avec Web Archiver. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Web Archiver, c'est comme un engin de recherche qui cherche dans le passé, là, les anciennes versions des sites. Donc ça c'est encore disponible. Ça explique pas mal de choses, là, comment le livre en fond va arriver sur la planète Pitch Black. Bon, ensuite de ça, évidemment, c'est Pitch Black qui est le film, le premier film en fait où on a vu Obélix. Ce film-là, comme je disais, il y a un livre. Après Pitch Black, il faut que vous regardiez un animé qui s'appelle Dark Fury, qui est un court animé avec Pitch Black. Et toute la série en passant, c'est tout le temps Vin Diesel qui fait la voix. Donc les animés, ça c'est tout le temps lui, donc il y a tout le temps une continuité. Même dans les jeux? Oui, mais dans les jeux, c'est tout lui qui est. Dans les jeux, d'ailleurs, il y a des gros castings, tu sais, il y a Ron Perlman, le rappeur Exhibit qui fait des voix aussi. Il y a quand même pas mal de monde connu dans les jeux. Il y a une série puis tu m'as pimpé ton char, non? Ça devrait, hein? Parce que ensuite de ça, il y a un autre film qui a été fait qui s'appelle Into Pitch Black, qui est une espèce de spécial que je pense que le Sci-Fi Channel avait fait. Ça, c'est disponible sur YouTube. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube en 5 parties. C'est pas très bon, honnêtement. Là. C'est comme un policier qui fait une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant Pitch Black là, sur la planète Hades, où le vaisseau s'était écrasé. Fait que c'est une espèce de mauvais film fait pour la télé, mais entrecoupé de séquences du vrai film de Pitch Black. OK. Parce qu'au fur et à mesure que le policier enquête, les gens racontent des choses qui s'est passé. Tu vois des bouts du film. Mais comment est-ce qu'ils peuvent compter des bouts de ce qui s'est passé quand le seul survivant du film de Pitch Black, c'est Vin Diesel? Non, c'est parce qu'ils ont envoyé quelqu'un enquêter. Je ne vais pas faire trop de spoiler, mais... Ah, OK. C'est bon. Ils ont envoyé quelqu'un enquêter sur la planète. Ah, puis il est chanceux. Fait que c'est ça. Puis ensuite, il y a un autre gros morceau qui, lui, est vraiment, vraiment plus trouvable, qui est un jeu qui avait été mis sur le site web juste avant le film Chronicles of Riddick. C'est un jeu qui s'appelait The Hunt for Riddick, dans lequel on jouait un mercenaire qui essayait de trouver Riddick. Et dans ce jeu-là, il y avait beaucoup d'explications sur tout l'univers de Riddick, les planètes, les factions, en tout cas plein d'affaires comme ça. Et ça, c'est introuvable aujourd'hui. Si quelqu'un l'a downloadé, c'est un jeu flash probablement, là, fait que ça doit être pas trouvable. Moi, j'ai vraiment creusé dans le dernier mois l'Internet jusqu'au fond. Jusqu'au fond de l'Internet pour le trouver, puis j'ai vraiment rien trouvé. Là. Fait que j'ai trouvé des sites où ils en parlent, où les gens ont fait des screenshots de jeux. Okay. Et j'ai vu un peu ce que ça a l'air, mais j'ai pas pu le laisser normalement. Okay. Puis finalement, ben, le dernier, ce serait le film Chronicles of Riddick. Et bien sûr, il y a un troisième film qui est en théorie fini d'être tourné, qui serait le Riddick 3 qui s'en vient. Ah. Qui s'appelle Chronicles of Riddick, quelque chose. J'ai vu deux ou trois titres, je sais pas trop lesquels qui sont bons, lesquels qui sont vrais, je vais pas m'avancer. D'ailleurs, le film Pitch Black s'appelait juste Pitch Black au début, puis quand le film Chronicles of Riddick est sorti, ils l'ont réintitulé Chronicles of Riddick 2. Pitch Black. OK. C'est ce qu'ils semblent pouvoir faire avec toute la série. Oui, parce que quand Pitch Black est sorti, t'avais aucune idée que ça faisait partie d'un univers plus grand. Ouais, c'est ça. Tu suivais pas ça. Mais c'était comme le premier dans le fond. C'est ça. Et le premier qui a été fait avec Rick, mais dans l'ordre chronologique des événements, c'est pas la première chose qui arrive. C'est ça, c'est ça. Les films, c'est tout du prequel après ça, tu sais. L'anime, les deux jeux, les livres, c'est tout comme avant Pitch Black. OK. Parce que dans le fond, il y avait trop de questions sur le deck, tu sais, d'où ce qui vient, ce gars-là qui arrive, qui est super fort, puis qui a les yeux qui brillent, puis tout ça. Fait que, après ça aussi, il y a un jeu fait par les fans, qui s'appelle Escape from Apollo. Ça, c'est un autre que j'ai pas vraiment trouvé, mais j'avoue que j'ai pas trop cherché dans ce moment-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais juste que ça existe. Donc, ça parle du personnage humain. C'est un furien de la planète Furia. Et toute l'histoire de Riddick, en fait, c'est qu'avant sa naissance, il y a un monumental. Pour ceux qui font des jeux de fantasy, vous allez savoir c'est quoi. Un élémentaire. Oui, c'est ça, un élémentaire. C'est du par des gens qui sont un petit peu dans le paranormal et qui font des prédictions. Donc, cet élémentaire-là, qui était nommé Aeron, avait fait une prédiction qu'un enfant furien allait détruire les Necromongers, qui sont les ennemis, les méchants qu'on voit dans le film Chronicles of Riddick. Ceux qui arrivent avec leurs gros vaisseaux et leurs armures en paix, comme les chevaliers. D'ailleurs, le chef des Necromancers était joué par Conn Feore, qui avait joué dans Bon Cop, Bad Cop. Oui. C'est lui qui s'appelle Lord Marshall. Et donc, c'est ça la prédiction qui est faite par Lord Marshall, c'est qu'il y a un enfant furien qui va le détruire, qui va le tuer. Donc, il est allé sur la planète Furia et selon ce qu'on dit, c'est qu'il a tué tous les enfants. Il aurait tué Riddick en l'hébergeant avec son cordon ombilical, ça commence bien. OK, ouais. Ça en fait un petit peu, on fait la référence un petit peu à la Bible, quand le pharaon ordonne de tuer tous les enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. Fait que finalement, bien sûr, Riddick n'était pas mort. La planète a été en théorie anéantie. Et là, il y a un gros gap, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. On ne sait pas ce qui est arrivé dans sa jeunesse ou ce que le dé s'est recommencé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il a rejoint l'armée. Je vais faire une autre parenthèse ici. Ce qui est intéressant dans l'univers de Riddick, c'est que dans le futur de Riddick, où l'humanité a colonisé l'univers, il n'y a pas vraiment de gouvernement. En fait, c'est la loi du plus fort. Donc, il y a des corporations et des mercenaires qui se font des groupes qui contrôlent des régions. Okay. Donc, il n'y a pas de soldats qui a d'allégeance à quoi que ce soit. C'est juste des mercenaires. Puis, les mercenaires vont changer de côté quand ça fait leur affaire. Ils vont aller avec le plus fort, ce qu'ils peuvent gagner. Puis, ouais, c'est ça. Parce que, ce qu'ils disent dans le monde de Riddick, c'est si t'as une allégeance, t'es comme mort, dans le fond. Là. OK. Quand ça va pas bien aller, ta tête est très petite, hein. OK, ouais. Donc, Riddick, lui, va jouer l'armée, en fait, on appelle une armée, mais c'est des Rangers pour une compagnie, là, qui doit... Que ça, c'est aussi pour expliquer qu'est-ce qu'ils font, là, mais probablement du commerce, des mines, whatever, là. On peut s'imaginer n'importe quoi. Il va devenir pilote. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il va être emprisonné parce que il est contre la torture, il va voir que la compagnie torture les gens, blablabla. Fait que lui, il va être contre ça. Il va se faire emprisonner. La vie de Riddick, c'est pas mal tout le temps ça, à chaque film, à chaque épisode, c'est il se fait capturer, il se fait emprisonner, il s'évade. Il se fait capturer, il s'évade. C'est constamment ça avec Riddick. OK. Ça ressemble à l'univers de Batman, le Joker, il se fait capturer, il s'évade, il se fait capturer, il s'évade. Ouais, c'est ça. Mais Riddick, il reste jamais vraiment longtemps en prison. OK, ouais. C'est quelques heures qu'il est sorti. Fait qu'il va vraiment passer la vie de la prison, ce qui avait été mis. Il va faire un groupe de mercenaires. Et là, il va voir ce qu'il appelle, il y a une guerre à un moment donné sur une planète. Riddick, la légende dit qu'il était avec 500 hommes, puis qu'il est le seul qui a survécu. Il y en a beaucoup qui disent, qui vont dire après ça que c'est Riddick qui en a tué au moins la moitié. OK. Fait, on sait jamais trop ce qui se passe avec Riddick. Après ça, ben, finalement, Riddick va être recapturé. Parce qu'à partir de ce moment-là, Riddick vaut une fortune pour les mercenaires puis toutes les bandits en dessous de la galaxie. Et c'est à ce moment-là que Riddick peut être envoyé à Slam City. Donc ça, c'est le petit chambre. Okay. Dans la prison, il va payer un... Il y a des gens qui vivent dans cette prison-là qui ont cette augmentation-là, si on peut l'appeler, de voir dans le noir. Et il va demander à un médecin qui est dans la prison de lui faire cette opération-là pour voir dans le noir. Donc ça, c'est la première version de son Hamsham. La légende dit qu'il a payé le médecin avec un paquet de cigarettes. Fait que, parce que je sais pas, mais je pense pas que j'aurais confiance à un médecin qui paye un paquet de cigarettes, mais... Ouais. Le iShine, c'est un produit Apple, ça? Ça se peut. OK. Ouais, c'est des cigarettes, je sais pas, mais iShine, ça, c'est jamais. Ouais. iPod, donc, c'est là que je reçois son iShine. Bon, évidemment, encore, il va s'évader. Plus tard, il va être recapturé par un personnage qui s'appelle William G. Jones, et c'est là qu'il va être amené à Butcher Bay, et ça c'est le premier jeu. Okay. Escape from Butcher Bay. Dans cette version-là aussi, c'est là qu'on dit qu'il a reçu son iShine, qui lui a été donné par une vision qui est Shira. Ça c'est une vision constamment dans l'univers de Reddick. Reddick a des visions. C'est toute une vision de sa planète, parce que lui, il se rappelle plus, vu qu'il était trop jeune, de la guerre et des massacres. Et lui, il a tout le temps pensé que c'était sa mère qui avait essayé de le tuer. OK. Pour le faire débarrasser. Il sait pas que c'est les Necromongers qui ont détruit sa planète. Donc, lui, dans des visions, à un moment donné, c'est ça, dans le jeu de Butcher Bay, il y a quelqu'un qui lui dit « Ça fait trop longtemps que tu vas pas, fait que il donne la vision. » Donc, ça arrive un peu comme par façon magique, là, comme si c'était quelque chose qu'il y avait déjà en lui. Donc, ça, c'est la deuxième version. C'est la version qui semble être le plus retenue dans les autres choses qui suivent. Le jeu est-tu bon? Le jeu est très bon. Le jeu est très bon. Le jeu a des bonnes critiques. D'ailleurs, vous allez trouver ça drôle, surtout là. Le jeu, une des critiques qu'il y a eu du jeu, c'est que le jeu était sorti en 2005. Une critique du jeu, c'est que le jeu était court. OK. Quand on dit qu'un jeu aujourd'hui, qu'un jeu est court, on se plaint qu'un jeu dure 5 ou 6 heures. Ouais, c'est ça. Veux-tu faire un pari sur comment que le jeu est long? Il a duré 30 heures, quoi? Non, il dure genre 12 heures. OK, mais 12 heures, c'est quand même. Il n'y a pas de multiplayer. Ouais. Aujourd'hui, un jeu qui dure 12 heures, tout le monde dit que ça dure assez longtemps, tu sais. Ouais, c'est ça. La star, en plus, je... c'est que ça fait pas longtemps, là, tu sais. Un jeu de 12 heures, c'est déjà, ça dure pas assez longtemps. Ouais, c'est ça. Non, ça se passe pas. C'est un très bon jeu. C'est un first person. J'avais shooter parce qu'il y a beaucoup de combats à main. Le dé, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup avec des couteaux. Le jeu nécessite d'aller par en arrière, attaquer les gardes quand ils nous voient. Le jeu joue beaucoup justement sur l'effet de iShine. Donc, il y a un bouton qui nous permet d'entrer l'espèce de mode d'invisibilité. Le dé qui n'est pas invisible, en fait, c'est juste pour... Quand on est sur ce bouton-là, c'est le même bouton que pour s'agenouiller. La vision change, donc la vision devient bleue pour nous dire que les ennemis ne nous voient pas. Donc, si on est caché en arrière d'une boîte et que tout l'écran devient comme bleuté, ça veut dire que les ennemis ne nous voient pas. Dès que les couleurs commencent à revenir, ça veut dire que le haut, tu peux être comme un peu dans le champ de vision des ennemis. OK, OK. Caché. Donc, tout le jeu joue là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'ennemis. Tu peux pas juste rentrer dans une pièce et tirer parce que c'est sûr que t'es mort. C'est garanti. Deux balles, t'es mort dans le jeu. Il faut vraiment que tu essaies de sortir le plus d'ennemis possible avec tes couteaux de façon stealth. OK. Un peu comme à la Splinter Cell. Hein. Les vieux Splinter Cells qu'il fallait que tu caches et que tu fasses ça. Puis là, c'est la vision first person, ça fait comme, tu vois pas tout le temps autour qu'est-ce qu'il y a, tu sais. OK. Surtout que tout est noir, c'est dans les corridors noirs, ça fait tout le temps très noir. La ligue peut ramasser des fusils, mais en même temps, quand il n'y a plus de balles dedans, il n'y a pas de balles. Tu sais, en moins tu roules un autre ennemi qui a le même fusil, ben, tu sais, il n'y aura plus de balles. Une autre affaire aussi, c'est que quand tu attaques un ennemi, puis si l'ennemi tire toutes ses balles qu'il y a dans son fusil, ben, tu vas ramasser un fusil vide. OK, ouais. Fait que t'as vraiment d'affaires à pas te faire voir pis y aller assez vite, là. Fait que Reddick fait des armes avec n'importe quoi, c'est vraiment un tueur, il peut tuer avec n'importe quoi, ses mains, un tournevis, une carotte. Pas que ça, une carotte. Un petit café avec une tasse à café. Ok, ah, c'est créatif. Fait que c'est ça. Fait qu'à Bush, Public est cette espèce de prison de triple sécurité. On s'en va là. C'est un petit peu au début comme presque un role-playing. Il faut aller voir des gens faire des missions. Quand on arrive à la prison, là, on essaie de se trouver un arme. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est capable de nous trouver un arme. Après ça, il y a des prisonniers qui nous demandent de tuer d'un prisonnier, blablabla. Bla, bla. Donc, tu peux faire toutes ces petites missions-là. Il y a des choix de dialogue un petit peu. Sans être vraiment RPG, là, c'est quand même intéressant. Là, ça donne des choix au début. Là. Ça fait sûr. Influencé. Tes choix influencent-tu, comme tu disais, ça influence-tu tes... Non, ben, c'est pas la fin du jeu, tu sais. OK. Juste, ça va juste te dire, tu peux juste dire au gars, d'être gentil avec ou de l'envoyer se promener, mais veux pas, ça finit par faire l'émission, là. OK. Mais en tout cas, c'est un côté intéressant, ça fait un petit peu moins linéaire. Donc, c'est cela, c'est qu'à la fin de Butcher Bay, ben évidemment, spoiler, Reddick va tuer le gardien de la prison. Et il va s'évader avec le bounty hunter qui l'avait amené à la prison parce que toute l'affaire, c'est que le bounty hunter n'est pas capable d'avoir l'argent qu'il veut pour Reddick, fait qu'il s'écœure à la fin puis finalement il devient avec Reddick. OK. Ils vont se sauver en vaisseau. Ensuite de ça, la suite à Butcher Bay, ben, c'est, on va directement au deuxième jeu, c'est Dark Athena qui est sorti en 2009. Pendant qu'ils sont en train de se promener dans l'espace, leur vaisseau va être attrapé par le Dark Athena, qui est un gros vaisseau de mercenaires. Comme j'ai dit tantôt, les mercenaires, c'est ça, c'est du monde qui n'a aucune allégeance, là. C'est vraiment juste pour contrôler les régions de l'espace, là. Il y a sur ce vaisseau-là, l'ennemi principal, en fond, c'est Gail Revas. C'est une femme qui est assez sanguinaire. Le jeu nous introduit au concept des drones. Les drones, c'est des espèces d'humains qui ont été, dans le fond, modifiés pour devenir un peu comme des zombies, dans le fond. Okay. Ils sont complètement sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, les drones sont utilisés pour patrouiller les vaisseaux et tout ça. C'est ceux que vous voyez dans le film qui ont une espèce de gros masque de plongée dans la face, on dirait. Là. On les voit dans le film En Echoes of Vedic. Okay, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu sous le contrôle de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans le jeu, normalement, on peut en prendre le contrôle. On trouve une station où il y a des ordinateurs, puis on prend le contrôle d'un drone, puis on s'en va tirer les autres drones avec ça. OK. Les drones leur fusil est attaché à eux, donc même quand on les tue, on ne peut pas prendre leur fusil. D'ailleurs aussi, dans le jeu Butcher Bay, il y a tout le concept que les fusils sont encryptés avec l'ADN de ceux qui la portent. Donc on ne peut pas prendre tous les fusils qu'on rencontre. Donc ça rend, c'est une des choses aussi qui rend le jeu pas ça que c'est difficile, c'est parce qu'on peut juste pas prendre toutes les armes qu'on trouve. OK. Fait qu'il y a ça, il y a les drones. Ensuite de ça, ben évidemment, à la fin du jeu, Reddick va gagner, va tuer Ravas. Il va se sauver. Et là, c'est un gros bout bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais Reddick va être recapturé par John. John qui avait été lui-même capturé justement par le Dark Athena. Donc, ils vont dans un vaisseau, et c'est là que le film Pitch Black commence. John, lui, va décider d'amener Reddick vers une autre prison, dans ce vaisseau-là, avec un paquet d'autres membres, une espèce d'autobus interstellaire, je sais pas. Ils ont pris l'autobus voyageur, genre. C'est ça. Et le vaisseau s'écrase sur une planète qui s'appelle la planète Avaz, qui est là où se déroule tout le film Pitch Black. Le gros deal du film Pitch Black, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben en fait, c'est qu'il y a trois soleils qui éclairent constamment la planète, sauf une fois toutes les 22 ans, quand les trois soleils s'alignent avec la Lune, ce qui fait une éclipse qui dure, on ne sait pas trop combien de temps. Et la pointe, c'est qu'il y a des animaux qui vivent sur cette planète-là qui ne peuvent pas supporter la lumière. Et évidemment, ben, qu'est-ce qui arrive quand il y a cette éclipse-là? C'est qu'ils sortent. Et ils mangent tout ce qui bouge. nous explique pas vraiment comment ils font pour vivre le restant de l'année. On suppose qu'ils sont cannibales et qu'ils se mangent entre eux. Mais le procédé du film, c'est qu'ils doivent rester dans la lumière, donc il faut qu'ils trouvent des batteries pour s'éclairer et puis essayer de se sauver la planète au plus sacré. Mais c'est là que dans le fond Riddick avec ses yeux justement, c'est permet de voir le noir. C'est ça. Permet de survivre, là. C'est ça. C'est en fait Riddick. En fait, l'idée, c'est qu'au début, quand Riddick arrive sur la planète, il y a des personnages qui se fait attaquer par les bébites en explorant une caverne. Puis vu que Riddick avait c'était comme sauvé. Tout le monde accuse Riddick d'avoir tué le gars. Donc, pendant une partie du film, personne ne trace Riddick. Il demande à John de lui mettre des menottes, blablabla. Mais à un moment donné, ben, en fait, tout le monde se fait étouffer entre eux. Ça fait qu'ils n'ont pas vraiment le choix de libérer Riddick pour qu'il les aide. Donc, c'est le fun à regarder. C'est bon à regarder. Il y a du suspense en masse. C'est un bon film. Puis je vois que c'est un très bon film. C'est pas un film qui attend beaucoup au cinéma, mais c'est un film culte maintenant. Ouais, je sais. Si vous avez un câble comme moi, ça passe une fois par 6 mois. Là. Comme Chronicles of Riddick, c'est quand même un film qui revient souvent à la télé, donc t'as peut-être même pas besoin de le voir. Il doit l'avoir sur Netflix, au pire. Super écran. Ouais, il y a 3 survivants à la fin de Pitch Black. Un imam, une jeune fille qui s'appelle Jack, et finalement Riddick. Et c'est là qu'on tombe au film Dark Fury, qui est l'animé. Encore une fois, ils vont souvent en vaisseau, et leur vaisseau va être encore une fois intercepté par des mercenaires. C'est tout le temps la même affaire. Et Riddick va essayer de cacher son identité, mais il va être identifié par sa voix. Et évidemment, le capitaine du vaisseau veut mettre Riddick dans une espèce d'état gelé, comme c'est une espèce de pièce de collection qu'elle veut faire avec Riddick. Mais évidemment, il y a tout le temps une pointe. Les ennemis sont jamais vraiment intelligents dans tous les films. Ils font pas ou des speeches trop longs, ou des erreurs. Et donc, elle, son erreur, c'est de vouloir voir Riddick se battre avant qu'elle le gère. Donc, elle le met dans un arène pour qu'il se batte contre une espèce de monstre, comme une espèce de pieuvre. Il appelle ça un chouette, une espèce de bête qui comme il se promène dans le noir. Mm-hmm. Donc lui, il va être en l'arène. Évidemment, il va réussir à combattre le chouette. Il va se sauver dans le vaisseau. Eux vont réussir à se sauver dans le vaisseau. La chef des mercenaires va être cachée dans l'espèce de vaisseau qu'il va utiliser pour se sauver. Et c'est là que Jack, qui était la fille dans le premier Pitch Black, va tuer justement la mercenaire pour sauver Riddick. Et je sais pas pourquoi vraiment c'est mis en phase là-dessus, mais toute l'histoire, c'est que ça traumatise vraiment Riddick de voir cette fille-là tuer quelqu'un. Et l'imam aussi est vraiment traumatisé de tout ça, que c'est cette fille-là, une petite fille. Elle aurait 17 ans, selon l'histoire, qu'elle est capable de commettre un meurtre. Donc ça a comme un peu traumatisé Riddick. Il pense qu'il y a une mauvaise influence. En théorie, Riddick, c'est un personnage qui se fout de tout le monde, sauf qu'il semble avoir qu'on appelle un soft spot pour les enfants. Fait que, pour une raison bizarre, on dirait qu'il veut la protéger. Donc, voilà ce qui arrive. Ensuite, on arrive au dernier film, qui est Les Chroniques de Riddick, mm-hmm. qui est le dernier qui est sorti. Le film commence au début. Riddick est allé se cacher sur une planète de glace. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Riddick ne voulait plus être proche de Jack ni de l'imam. Donc, il est allé les porter sur une planète qui s'appelle Alien Prime, qui est la planète qui va se faire envahir. Et lui, il disparaît sur une planète de glace. Je sais pas si c'est la même planète que dans Star Wars, mais il est complètement gelé. On sait jamais, hein, dans l'univers de la galaxie. Lui, il va aller se cacher sur cette planète-là, et le film commence qu'il y a encore un mercenaire qui essaie d'attraper Riddick. Ce qui arrive, c'est qu'encore une fois, la tête de Riddick a été mise à prix, mais pas pour les mauvaises raisons. C'est que l'élémental, Aéron, a mis la tête de Riddick à prix parce que selon sa prophétie, qu'un survivant allait réussir à tuer les Necromongols, à éliminer le chef des Necromongols, elle a dû retrouver un furien qui serait encore vivant dans l'univers. Donc, elle met une espèce de tête à prix pour n'importe qui peut trouver un furien pour le ramener. Okay. Fait qu'elle va mettre un gros prix qui est plus gros que ce que tout le monde qui veut la peau de Riddick a mis. Donc, ce qui arrive, c'est que justement, il y a une équipe de mercenaires, justement, qui vont sur la planète pour retrouver Riddick. Évidemment, Riddick est pourchassé par un vaisseau, mais il réussit à grimper dans le vaisseau, à taper tout le monde, puis à sauver. Là, à ce moment-là, Riddick, qui pensait que personne ne savait où il était, où il est fâché, lui, il sait que la seule personne qui savait où il était, c'était l'imam. Donc, il va aller sur Alien Prime, dans le fond, pour savoir pourquoi qu'il l'a dénoncé. Pardon. Mais là, quand il va arriver là, ben, l'imam va tout raconter l'histoire, là, la prophétie, puis tout ça. Riddick, évidemment, ben, lui, il s'en fout complètement de tout ça, donc il est supposé être l'élu, whatever, là. Mais l'imam va aussi lui raconter qu'est-ce qui est arrivé. Il va lui dire que Jack est devenu une criminelle, un tueur, et tout ça, et qu'il est sur une prison sur la planète Crematoria, qui est dans le film La planète, où à chaque fois que le soleil passe à la surface, ça brûle tout. Si vous vous rappelez du film, il y a une femme qui s'évade à la surface sans se faire brûler par le soleil. Donc, les Necromongols vont arriver avec leur groupe de sous, ils vont avoir la planète. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils se promènent de planète en planète. Et ils capturent tout le monde et ils convertissent le monde à leur espèce de religion culte où ils les tuent carrément, ils prennent les ressources puis ils s'en vont. Donc, ils se promènent comme ça, planète en planète. Ce que les Necromongols veulent, c'est aller dans l'Underverse. L'Underverse, c'est une espèce de l'inverse de l'univers, une espèce de d'endroit un peu comme le paradis pour eux. C'est un endroit où tu es supposé avoir plein de pouvoirs. Leur chef, qui s'appelle Lord Marshall, est en fait le seul qui est allé dans l'Underverse et revenu vivant. C'est pour ça que dans le film, il y a des pouvoirs spéciaux qui est capable de se déplacer hyper rapidement, puis qui est très très fort pour se battre physiquement. Okay. Donc c'est lui qui veut la peau de Riddick parce que, à cause de la prophétie, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, les Necromongols arrivent, ils capturent tout le monde. Évidemment, Riddick a été capturé. Le mercenaire, lui, veut sa rançon parce qu'il réussit à recapturer Riddick, qui n'était pas mort, finalement. Et, Aaron est tellement pas capable de payer parce qu'elle n'a pas une scène, c'est un élémentaire. Donc, lui, le mercenaire veut de l'argent, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener Riddick sur Crematoria. En fait, c'est que Riddick se laisse un peu attraper, parce que ce qu'il veut, c'est aller sur la planète Crematoria pour aller sauver Jack, qui est rendu là-bas. Quand elle a changé son nom, elle s'appelle Kyria. C'est plus la même actrice non plus dans les films, donc c'est peut-être une bonne affaire. C'est un criminel. Et il va y avoir une bagarre qui va arriver sur la planète entre les gardes et les mercenaires. On apprend que les Necromongers vont arriver sur la planète parce que eux, ils veulent rattraper Riddick. Et là, il y a l'affaire Eusine où on s'échappe la prison à la surface. Il y a une espèce de course entre les prisonniers à la surface et les gardiens de prison souterrains qui essayent de se rendre en hangar pour prendre le seul vaisseau qu'il y a pour se sauver de la planète. Et là, évidemment, bon, ben, le soleil se lève, le soleil brûle tout sur son passage à la surface de la planète. À la fin, évidemment, tout le monde se rend au hangar. Les Necromongols vont éliminer les gardiens de prison. Et dans le combat avec Riddick et le peu de prisonniers qu'il y a, ça va aussi s'évader. Et c'est à ce moment-là que Riddick va utiliser un de ses pouvoirs spéciaux, un autre affaire qui n'est pas vraiment expliqué. Riddick a une espèce de pouvoir qui est une espèce de vague d'énergie qu'il peut émettre, qui comme tout le monde autour de lui. Sauf qu'en même temps, ça brime tellement d'énergie que c'est comme il tombe dans le pomme un peu. Là. OK. Donc lui, il va comme utiliser ça pour comme battre un paquet d'ennemis, mais il va s'écraser en terre. Les Necromongols vont le laisser là comme si, parce qu'ils pensent qu'il est mort. Puis, de toute façon, le soleil s'en vient, donc il va brûler vivant. Mais il va être sauvé parce qu'un des Necromongols qui s'appelle le purificateur, une espèce de prêtre Necromongol, lui a déjà été un furien dans sa vie avant, avant d'être converti. Donc, il va sauver Riddick et il va aller se suicider après pour whatever reason. donc, là, Riddick, il va prendre le vaisseau qui était là et ben, il va retourner sur Alien Prime. Et ben, c'est là qu'il va avoir le combat final. En fait, c'est tout un jeu de coulisses qui est Varko, qui est une espèce de un des seconds de Lord Marshall et sa femme, qui va devenir un peu les chefs des Necromongers. Et en fait, la seule loi qu'il y a chez les Necromongers, c'est « You keep what you kill ». Donc, si t'es capable de tuer le chef, c'est toi qui deviens le chef. Donc, lui veut devenir le chef. Donc, lui et sa femme, un peu ce qu'ils vont faire, c'est de dire « Ah, oh, c'est une bonne idée de laisser Riddick se battre contre Lord Marshall, parce qu'il va le blesser, puis toi, ben, tu vas le finir, et automatiquement, ben, tu vas devenir le chef. » Ça tourne pas vraiment comme ça. Riddick arrive, Kira, qui s'était fait capturer lors de l'évasion, en fait, est devenu un Necromonger, c'est ce qu'elle dit. Elle demande à Riddick d'abandonner son combat et de le joindre, il refuse. Et donc, il y a le combat, et jusqu'en ce moment, spoiler, quand que Lord Marshall est juste sur le point comme de tuer Riddick, et bien Kira, qui était supposément converti, vient le poignarde dans le dos. Et comme Varko vient pour donner le dernier coup, Lord Marshall se déplace, cette espèce de téléportation qu'il y a là, mais Riddick s'était placé juste à l'endroit où il allait se téléporter, puis le poignarde. Et ben le dernier film finit avec Riddick qui, en théorie, est devenu le chef des Necromongers. Fait qu'il arrête toute la destruction de la planète qui était supposée avoir lieu et tout le monde se sauve. OK. Et en fait, le troisième film devrait ou commencer avec Riddick qui est le chef des Necromongers ou je sais pas pour quelle raison, il serait peut-être retourné en prison parce que sa femme est toujours ça. toujours ça, l'histoire de Riddick, c'est de se faire capturer puis d'aller en prison. On sait-tu quand est-ce que le prochain film sort? Est-ce une date ou y a-t-il quelque chose annoncé? C'est un film qui a été en délai, arrêté de tourner, recommencé de tourner plusieurs fois. Moi, ce que j'ai lu, c'est que ce printemps, il avait fini le tournage. Donc, je sais pas trop, peut-être cet hiver, l'hiver prochain. Il y a même pas de trailer encore de fait. OK. Souvent, il y a des trailers de films, même quand ils sont pas finis d'être tournés, mais là, dans ce cas-là, il y a rien. Donc, c'est un film qui est produit de façon indépendante aussi. Donc, qui sait, ça va peut-être devenir en direct au DVD. OK, ouais, ils n'auront peut-être pas le budget pour le mettre au cinéma ou quelque chose comme ça. Peut-être finir sur, pour HBO, là, mais pas Super Channel ou quelque chose comme ça. Là. OK. Ça reste à voir. Je sais qu'il avait dit qu'il y avait, eu des papiers qui avaient été signés pour faire plusieurs autres films de Riddick, là, au moins un ou deux de plus. Pour les skis des jeux, ce serait supposément en avoir un autre, parce que du côté des jeux, ça marche vraiment bien. Les jeux semblent marcher mieux qu'un film. OK, ouais. Quoique les deux sont reliés, tu sais, tous les gens qui ont joué aux jeux, qui les aiment, vont aller voir les films, c'est pas nécessairement tout le monde qui va voir des films qui jouent, mais dans le cas des jeux, ben, c'est un peu comme ça que ça marche. Là. Il va peut-être avoir la mode de sortir un jeu juste avant que le film sorte, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ou bien ils vont sortir encore un jeu Flash qu'on sera pas capable de retrouver 6 mois après. Ouais, peut-être, si. C'est possible. Mais, c'est ça. Fait que moi, dernièrement, justement, pardon, j'avais joué à Dark Athena, et ben c'est ça qui m'avait donné envie de faire la chronique. C'est un très bon jeu. Comme je disais, c'est vraiment différent des FPS qu'on joue habituellement. L'utilisation des armes, peut-être plus dans la deuxième partie du jeu. Escape from Butcher Bay, il y a vraiment, vraiment moins d'armes à feu, c'est vraiment pas utile. Mais dans Chronicles of Riddick, Dark Athena, peut-être dans la deuxième partie, ça devient plus un shooter. Et aussi, ils ont enlevé un peu tous ces espèces de choix de texte qu'on peut dire dans Dark Athena. C'est vraiment plus linéaire. Là. OK. C'est un peu Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ouais, c'est un peu plus traditionnel. C'est intéressant dans les jeux. Il y a tout le temps un tutoriel au début de chaque jeu. Dans Riddick, il y a un tutoriel qui n'a rien à voir avec le jeu. Donc, au début de Butcher Bay, c'est un espèce de rêve que Riddick fait, genre, je sais pas, là, pendant qu'il dort dans la prison. Donc, le jeu commence, on se fait livrer à la prison, on tue le mercenaire Jones qui nous amène là, on se promène dans les souterrains, on apprend comment faire fonctionner les armes, bon, tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a l'espèce de voix de Shira, là, qui est l'espèce d'esprit qui nous parle constamment, qui nous dit quelque chose, puis là, bouf, on se réveille, puis on est dans un vaisseau. Et là, ben, John, il est pas mort, il est là, tu sais. Fait que c'est comme, ça n'a pas rapport avec le jeu. T'sais, la plupart des jeux, tu commences, puis le tutoriel, il fait partie du jeu au début, tu sais. Comment c'est ça? Il te montre comment regarder à gauche, à droite, à courir, à tirer, à se pencher, blablabla. Tandis que là, ils font comme une espèce de mini-mission qui n'a pas rapport avec l'histoire, puis là, tu recommences. C'est comme un rêve, quelque chose. Ouais, c'est ça, comme dans Dark Athena, tu te réveilles sur une plage au début, puis là, ben, tu rentres encore une fois dans les égouts, blablabla, tu vas te promener dans une ville sur une planète, puis après ça, bang, t'es rendu dans l'espace, tu sais. Ça n'a comme pas vraiment rapport. Mais sauf que cette plage-là, tu y reviens à un moment donné plus tard dans le jeu. Mais le tutoriel, c'est vraiment comme une mission séparée qui a rien à voir. OK. C'est un petit peu bizarre. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas trempé dans l'univers Riddick. Fait que quand j'ai commencé Dark Athena, je jouais, puis là, je faisais le tutoriel. Puis là, j'étais OK, puis là, le jeu commence comme puis là, t'es dans le vaisseau, puis je comprenais pas trop pourquoi j'étais là. J'étais dans une ville à 2 secondes, qu'est-ce que je fais là? Il y a une espèce de saut qui se fait. Ce qui est intéressant de toute la série, c'est que tout le monde a ses aimes des autres, ça n'a jamais été changé, même les jeux vidéo. C'est vraiment son personnage là, qui a fait sa renommée dans le fond. Faut dire que Vin Diesel, c'est pas comme le meilleur acteur non plus. Là. Non, loin de là. Ça dépend de quelle version tu prends. Si on parle de lui-même, peut-être que lui, il voit comme ça. Mais... ça, peut-être. Le personnage qui joue dans tous ces jeux, là, c'est une espèce de gros tough qui a des répliques un petit peu. C'est des jokes plates là, quand il se bat. Des gags un peu à la Rambo. Là. Quand il y a quelqu'un qui explose, ben, il y a tout un petit cling là, poche, là, genre... c'est un peu tout le temps comme ça. Si vous aimez le genre de personnage puis le genre de film, il y a un film que j'ai vu hier, avant-hier, un peu dans le genre, ça s'appelle Lockout, qui est un film avec Guy Pearce. Ah, que c'est poche! C'est pas très bon, mais c'est un même genre d'évasion de prison, etc. C'est le film de prison qu'on a regardé la semaine passée. Okay. Ouais. Ouais, c'est pas le meilleur film au monde, mais c'est un peu dans le même genre. Sinon, il y a un autre film que Vin Diesel avait fait avec un autre réalisateur français qui s'appelle Babylon A.D. Oui, que c'était pas tellement bon ça non plus. Non, pas super bon, mais c'est un peu quasiment Riddick, le personnage en ce film. C'est pour ça que je mentionne ces deux films-là, ça n'a pas vraiment rien à voir, là, mais c'est comme, Vin Diesel joue quasiment le même personnage que Riddick, là. C'est vraiment une espèce de gars qu'il faut qu'il aille sauver du monde et qu'il s'en fout, là, qui a comme pas le choix. Ouais. Puis, ben, l'encadre, c'est juste pour l'évasion de prison, puis la station spatiale qui est une prison, comme dans toutes les histoires de Riddick, c'est peut-être des stations spatiales ou des vaisseaux ou ce qu'il faut qu'ils s'évadent. Donc, c'est juste un peu de ça que je mentionnais ça. Là. OK, c'est beau. Et voilà. C'est tout? Ben oui, à moins que vous ayez des questions. Non, c'est beau. C'est juste drôle parce que justement, on a regardé ça la semaine passée. Lockout avait... c'est quoi en français? C'est quoi le titre français? Je ne me rappelle pas. Sécurité maximale? Ouais. Mais c'est vraiment... là. On aurait pu dormir dessus. Tu fais exploser, t'es dans une station spatiale, puis ouais, les bombes partout, puis ça, c'est comme ça, ça... Puis tout... il y avait les répliques aussi. Ouais, mais au moins, il y avait cette partie-là, il y avait les répliques un peu comiques, puis c'est chose, une chance, ça vient sauver le film un peu, mais le restant, c'est comme tellement du n'importe quoi. Hein? C'est le même mot que Riddick, quand Guy Spears, il se fait donner un coup de poing dans la face, puis qu'il dit, tu frappes plus fort que ta femme, ou whatever. Tu sais, c'est le temps des répliques de merde, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, le gars s'en fout pas mal. Fait que c'est au moins, c'est la seule affaire qui sauve le film, c'est un peu sa performance dans le film. Parce que c'est drôle, j'avais vu le preview, Puis la bande-annonce, ça donnait vraiment le goût de voir le film, parce que la bande-annonce a vraiment le don de vendre le film. Tu regardes le film après ça, puis tu dis... Ils ont montré juste les bons. Ouais, je vais regarder la bande-annonce en boucle à la place. Et en fait, pire que ça, c'est que sur le PlayStation Network, ouais. Tu vois les 10 premières minutes du film avant de l'acheter. OK. Et les 10 premières minutes, c'est toute la séquence où ils volent la valise, puis qu'ils s'en vont jusque dans le métro avec la valise, puis qu'ils se fait questionner en prison. Ouais. C'est comme tout le bruit que tu tries au début, là, tu sais. Ouais. La course de tout, puis toute l'interrogation, puis le suspense autour de ça, puis c'est là que ça coupe, tu sais. Fait que ça rend pas pire, là. Ouais, t'as pas sûr que ça se gâte. Puis après ça, ils s'en vont en prison, puis blablabla, tu sais, c'est comme... Ouais, non, c'est vraiment pas... Et c'est du Luc Besson. En tout cas, si vous avez vu les autres films que Luc Besson fait, en dehors de Fifth Element, ce qui est vraiment son plus grand succès. Là. Les taxis, ouais. Et pour moi, ça, il a juste produit. Les films que Luc Besson souvent fait ou produit, il y a beaucoup de films comme un peu de série B, science-fiction, qu'il a fait. Mm-hmm. C'est un peu le Quentin Tarantino français, tu sais. Tu sais, Quentin Tarantino fait plein de films qui vont direct au DVD, d'affaires d'arts martiaux bizarres, qui sont pas ses meilleurs films. Mais Luc Besson, il y en a plein comme ça aussi de films de science-fiction, il semble le genre, qui s'en vont comme direct au DVD. Ouais, mais Lockout, ça aurait dû aller direct en DVD. Mais ça a eu une sortie cinéma. J'ai vu le cinéma annoncé. Je me suis réveillé avec ça comme dans ma liste de films sur ma PlayStation. J'ai fait, je vais aller regarder le trailer. Puis là, ça disait, les 10 premières minutes du film, tu peux les regarder. Je fais, OK. J'aurais mis ça à TQF, moi, c'est sûr, quelque chose dans mon livre. OK, c'est beau. Fait que merci, Eric. Merci pour ta dernière chronique. Avec nous. Puis tu vas pouvoir continuer chez Factor Geek. On m'a dit que je voulais le faire en plusieurs épisodes de ces jeux. Ouais, mais t'auras pas eu l'occasion. Je sais que c'était ton sujet qui était supposé être fait. C'était une journée qu'on a enregistrée puis tu pouvais pas être là, fait qu'on a fait ça en format Back to the Future. Là. Finalement, tu avais décidé de faire une critique de, je pense que c'est Max Payne. Ouais, finalement. Puis, on n'avait pas fait Riddick, mais je sais que tu le gardais sur le feu, tout chaud en arrière pour nous le présenter à un moment donné. Ben au moins, là, t'en as parlé, ainsi va la vie, hein. Des fois, c'est des choses qui arrivent. C'est ça. C'est 3 dans 1. Ils disent vaut mieux tard que jamais. C'est cela. Bon, fait que merci Eric. Je vais passer à ma petite chronique. Je me suis dit, puis j'en avais parlé avec Eric sur Twitter une couple de semaines, vu que c'est notre dernier podcast, je vais vous donner une liste de podcasts que moi, personnellement, j'écoute. Puis, il y en a peut-être, la plupart là-dedans, j'imagine, vous allez les connaître. Il y a peut-être quelques auditeurs qui connaissent pas toutes. Donc, je vais vous faire une liste de podcasts francophones que j'écoute. Puis, j'ai quelques podcasts anglophones que j'écoute aussi. Fait que ça vous tente d'aller essayer ça, ça va vous donner une petite idée de podcast à écouter, vu que nous autres, ben, on sera pas là, mais il y en a là-dedans que j'imagine vous écoutiez avant de nous écouter nous autres. Fait que je vais commencer par mes podcasts francophones. C'est probablement un des podcasts le plus connu de tout le monde, c'est Radio Talbot. Hein, tout le monde connaît, Denis Talbot. Fait que c'est avec Denis Talbot, Benoît Gagnon, Frank The Tank, aussi connu sous le nom de François Lapierre-Messier, hein, de son vrai nom de baptême. Puis Ian Richards, c'est un podcast qui est, comme vous savez sûrement, sur les jeux vidéo, puis l'industrie, là, mais c'est vraiment jeux vidéo, c'est vraiment leur créneau. Là. Si vous écoutez pas Radio Talbot, vous manquez quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous écoutiez. Deuxième podcast, l'analyse des geeks, encore là, c'est un des plus gros podcasts au Québec, avec Radio Talbot. C'est encore avec Benoît Gagnon, François Lapierre-Messier, puis François-Dominique Laramé, vous le connaissez tous, c'est le gars qui fait aussi la revanche des nerds, ou FDL, donc eux autres c'est vraiment technologie, nouvelles technologiques, puis questions du public aussi au début du show, si vous avez des questions informatiques, tout ça, Frank, ça fait un plaisir de répondre à ça. Troisième podcast, c'est La Force G. C'est la gang de Factor Geek. puis mon ami Dominique Simard, il y a Steve Lévesque, Maxime Larose, puis Audrey Brunel sur ce show-là. Jeux vidéo, eux autres parlent vraiment pas mal de tout. Sont pas mal comme nous, ils parlent de jeux vidéo, ils vont parler de comic book un peu, ils vont parler de films, de musique, ils parlent vraiment pas mal de sujets. C'est vraiment un bon podcast. L'épée légendaire, avec Maxime Tremblay, Mélanie Chartier, Mathieu April, Anthony Gravel. En eux autres aussi, c'est pas mal. Au début, c'était beaucoup jeux vidéo, puis nouvelles technologiques. Ils ont rajouté comic book aussi dans leur scénario. Là. C'est vraiment ça aussi un incontournable. Rétro Nouveau, avec Bruno Georget, que vous connaissez de Monsieur Net, puis Dominique Bourret. Eux autres, c'est un mix de... C'est jeux vidéo vraiment, là. Mais c'est un mix de nouveaux jeux vidéo puis d'anciens jeux vidéo. Dominique Bourret, qui est probablement le gars qui connaît plus le rétro gaming de la planète entière. Parlez-y d'un jeu obscur et sombre qui a sorti en 78 sur l'Atari 2600, puis il le connaît. Si vous voulez aussi acheter des choses rétro, il y a son magasin en ligne. Cherchez Papa Cassette sur Google, mais il me semble que c'est papacassette.ca ou .com. Ouais, vous pouvez acheter des Atari 2600 avec des jeux. Il vendait un Atari 2600 avec, je pense, une douzaine de jeux, 80$ l'autre jour. Fait que quelqu'un qui veut faire du rétro gaming, c'est quand même le fun. Ouais, t'as une douzaine de jeux. Ouais, t'as une douzaine de jeux avec la console. C'est dur à trouver une console en bon état. Puis elle est vraiment belle. Fait que si vous cherchez des choses comme ça, écoutez Rétro Nouveau. Puis allez voir le site de Dominique pour acheter des choses. Geekbécois, le podcast de mes voisins Lynn Boutillette et Steve Degary. Il y a aussi Alexandra Gervais, Bruno-Pierre Campeau puis Laurent Chouinard. C'est un podcast qui est mensuel, eux autres. Les autres, c'est des podcasts vraiment hebdomadaires. Eux autres, c'est mensuel. Ça parle vraiment de tout ce qui est geek. Ils vont parler de technologie. Ils ont des chroniques vraiment différentes. Ils peuvent parler d'un accessoire pour un iPhone. Lynn, elle porte ses jeux de sport. Ça peut parler de jeux de sport. Il y a une nouvelle chronique, oui. C'est pas bonne en rétro aussi, il me semble. Ouais, mais ceux autres, c'est plus jeux récents, moins rétro. Ouais, c'est ça, c'est plus récent. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un podcast à écouter. Ils ont maintenant le moment à Steve, qui est... Oh mon Dieu, ça c'est quelque chose. Ouais, c'est le nouveau petit segment que Steve Degary s'est payé sur le podcast. C'est vraiment quelque chose de déjanté. Ils ont fait ça pour la première fois dans le dernier épisode. Son invité, c'était Maxime Tremblay. Puis ce qu'ils ont fait, c'est une entrevue. Ce qu'ils faisaient, c'est une entrevue sur le nouveau site de Maxime Tremblay qui s'appelle Club Gamer. Si vous connaissez pas ça, allez voir clubgamer.ca. Vous pouvez afficher un jeu pour l'échanger avec des gens ou vendre vos jeux, puis il n'y a aucun frais pour le faire. Fait que Maxime est parti ça pour la communauté de gamers. Puis moi, c'est le fun. J'ai fait deux échanges sur ce jeu-là. Tout ce que ça a coûté, c'est le frais de transport, la poste. Fait que c'est super le fun. Tu te débarrasses d'un jeu que tu veux plus jouer ou que tu as fini, puis tu te ramasses un nouveau jeu que t'as pas encore joué. C'est vraiment le fun, ça marche bien. Puis fait que je faisais une entrevue pour parler de Club Gamer. Puis la manière que Steve faisait ça, il a choisi comme thème de son entrevue cinéma. Fait que là, il partait, puis dans le premier segment, c'était comme si c'était dans un film d'horreur. Fait que là, il faisait tout comme s'il avait peur pendant qu'il parlait. Puis là, okay. Après ça, ils ont changé de comédie. Fait que là, ça changeait complètement le ton de l'entrevue. Fallait qu'il fasse comme si c'était tout le temps atomique, peu importe ce qu'il disait. Comme on connaissait. C'est, ouais, ouais, oui. C'est vraiment fou malade. Fait que si vous avez pas écouté ça, allez chercher l'épisode du mois de juillet de Geekbécois. Vous allez vous bidonner, c'est l'enfer. C'est vraiment, moi, j'écoutais ça en allant travailler. Je veux dire, j'étais plus capable à un moment donné. C'est trop drôle. Ça t'a réveillé le matin? Oh oui, Steve puis Max, dans cet épisode-là, ils ont vraiment fait un job incroyable, c'est puissant. Là. C'est vraiment incroyable, fait que ça vaut la peine d'aller écouter ça. Puis le restant du podcast, c'est bon aussi. Okay. Fait que Geekbécois, c'est tous des podcasts disponibles sur iTunes. Autre podcast, un que j'ai découvert, ça fait pas si longtemps que ça. Ils sont pas si vieux que ça non plus. J'en ai parlé, je pense, sur le dernier podcast. Ça s'appelle justement Le Dernier des Podcasts. C'est deux gars, c'est Maxime Paiement puis Éric Lafontaine. Puis les autres qui font, c'est finalement ils vont parler d'un film ou ils vont faire un top 5 de quelque chose. Fait qu'ils vont prendre, mettons, ils ont pris le film First Blood, le premier Rambo, puis décortique le film en disant les bons côtés, les faiblesses, des scènes manquées, des choses comme ça. Ils vont passer à travers le film. C'est vraiment le fun. Ils ont fait un épisode sur les Avengers où c'était vraiment bon aussi. Le dernier que j'ai écouté, ils ont fait top 5 de musique de films d'action. Fait qu'ils ont pris les 5 meilleures trames sonores de films d'action, de 5 allant jusqu'au meilleur. Puis, ben, je vous dirai pas qui a gagné, mais je suis d'accord avec eux autres. Allez l'écouter, vous allez voir. Après ça, ben, il y a Fun Jouer Jeu. Fun Jouer Jeu qui est un podcast assez déjanté. C'est un podcast différent, mettons, avec un humour particulier. Mais les gars sont super le fun, sont vraiment le fun à écouter. Daniel Vaillancourt puis Joël Martel. Ça fait un petit bout qui roule, eux autres, ça a fait un an, je pense, 2 mois ou 1 mois avant nous autres. Fait que c'est un des podcasts qui a commencé en même temps que nous autres. Deux gars qui enregistrent ça dans un garage, ils parlent de jeux vidéo, c'est vraiment le fun. C'est, comme ils diraient, c'est radicapoté. Troisième podcast, Les Mystérieux Étonnants. Eux autres, c'est vraiment culture geek, comic book. Ce qui est film, ils ont parlé beaucoup de Fantasia. C'est vraiment leur créneau. C'est film, comic book, vraiment culture geek. C'est avec Benoît Mercier qu'on a rencontré sur Sainte-Catherine en allant voir Batman l'autre jour. Francis Ouellette, Simon Chénier, Johan Carl Whistle. J'espère que je dis son nom comme il faut. Puis Johan Carl a même produit un film, si je me rappelle bien, qui jouait à Fantasia. Olivier, qu'on a rencontré, qui est Animatronic, s'en allait voir son film, justement, je pense, quand on l'a rencontré. Fait que c'est ça. Après ça, ben il y a le podcast des Jumeaux Techno. À peu près tout le monde connaît les Jumeaux Techno. Si vous connaissez pas, c'est un podcast assez déjanté aussi. Ah, les Jumeaux Techno et Steve, excusez. Puis c'est vraiment... ils vont parler de jeux vidéo. Eux autres, ils ont un site. Allez voir jumeautechno.ca, si je me rappelle bien. Ils font des bandes dessinées, ils prennent un sujet, ils vont prendre une discussion qu'ils ont avec quelqu'un sur Twitter quand il se dit une chose bizarre ou comique, puis ils vont faire une bande dessinée avec ça. J'ai été victime d'eux autres une couple de fois. C'est-à-dire, ils font des bandes dessinées? Ouais, ils vont dessiner. Ils vont dessiner quelque chose. À un moment donné, on parlait avec Caroline Couloutier qui roule le compte de ZTélé, puis elle disait qu'elle avait hâte d'avoir la nouvelle saison de La Porte de l'Univers, une affaire comme ça. Puis là, il y avait Steve Lévesque qui est de le facteur geek, qui dit « Ah, vous saviez pas, moi j'en ai une chez nous, une porte des étoiles. » Puis là, j'ai dit « Steve, j'ai dit, t'as sacré un coup de porte dans le front, ça compte pas pour être une porte des étoiles. » Puis eux autres, ils avaient fait une bande dessinée là-dessus. Okay. Fait que c'est vraiment deux gars, ils ont bien du talent, puis ils ont un podcast, ça parle de jeux vidéo, ça fait ça l'affaire. Mais ils ont Jumeaux Techno TV aussi, où ils vont jouer un jeu vidéo live sur le web. Non, ils vont jouer pendant qu'ils font le podcast, ils vont jouer en même temps. Wow. Puis en vidéo. C'est vraiment le fun à voir. Donc, allez voir ça si vous connaissez pas ça. À part de ça, je n'ai-tu pas assez? Pas de problème. C'est avec Frédéric Barbouchi, Antoine Vizina, Jean-Philippe Durand, puis Mathieu Bouillon. Eux autres, c'est vraiment spécial. Ça va être un... ils prennent des problèmes du public, fait que le monde va leur écrire des problèmes. Des fois, c'est quelque chose qui a rapport. Des fois, c'est totalement vraiment déjanté, la question que le monde peut se poser. Ouais. Moi, mais c'est vraiment... À un moment donné, quelqu'un a dit comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème du transport en commun. Fait que les autres, ils vont se pencher sur ce sujet-là plus ou moins sérieusement. OK. Mais tu sais, okay. Puis à la fin, ils donnent la solution qu'ils ont décidée. Qui peut être n'importe quoi, là. Ouais, ridicule. C'est ça. Mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun. Les gars, ils ont du talent. Ce que j'aime, c'est que c'est des podcasts qui durent une demi-heure. Fait que, tu sais, c'est à peu près 30 minutes. Fait que tu peux en écouter une coupe, puis ça prend pas trop de temps. Fait que c'est vraiment le fun à écouter. Trois bières. Le podcast porte bien son nom. C'est Yannick, Pierre-Luc, puis Julie. Eux autres, ce qu'ils font, c'est finalement, ils parlent encore de sujets du public. Le public envoie des sujets. Ils pigent un sujet dans le chapeau, fait qu'ils savent jamais de quoi qu'ils vont parler avant d'en parler. Okay. Ils ont chacun 3 bières, une bière par sujet. Quand ils finissent leur bière, ils sonnent la cloche. C'est là qu'ils enchaînent. Puis ils vont tous les trois parler du même sujet pendant chacun une bière. à chaque fois que quelqu'un finit sa bière, il sonne la cloche. Quand la dernière personne a fini sa bière, il change de sujet. Trois sujets. Fait que trois, ils prennent trois bières chaque pendant le podcast. Combien de sujets pendant le podcast? C'est trois sujets par podcast. Trois bières. Trois, une bière par sujet, trois bières. OK. Trois bières chaque. Trois bières chaque. OK, fait que chacun... OK. C'est ça. D'accord. Fait que c'est le fun. C'est un podcast qui, dépendant des sujets, encore là, mais... Moi, ça serait long parce que boire une bière. Boire une bière, pas vite. Un podcast de 4 heures. Mais c'est le fun à écouter. Ça dépend des sujets. Des fois, c'est les épisodes que j'ai écoutés, c'est des sujets sérieux. Ça peut être sur le racisme. Ça peut être sur des choses comme ça. C'est sérieux. Ils donnent des réponses sérieuses aussi. Tu vas écouter ça, puis sont sensés dans leurs réponses. Ils vont pas répondre n'importe quoi juste pour faire un podcast. Ils sont vraiment... Peut-être jusqu'au troisième sujet. Peut-être à la dernière bière, ça commence à déraper, mais ça, c'est bon, c'est un podcast de fun à écouter, je vous le suggère. Avant-dernier podcast de Mac Québec. Alex Cornelier puis Bernard Ouellet. Tout ce qui est Mac produit à Apple. Vous pouvez les écouter. Je sais qu'il y a un autre podcast aussi qui est Les Amateurs de Mac, bonsoir. Lui, je ne l'ai pas écouté encore. Mais c'est bon, les amateurs de Mac. Si vous êtes Mac un peu, toi t'es pas mal Mac, Eric, je pense? Moi, je suis les deux. C'est tous les deux? J'écoute tout. OK. Fait que... Mais c'est... Les amateurs de Mac, c'est ils prennent les questions des gens puis ils répondent à vos problèmes. C'est ça. Un peu comme pas de problème, mais pour Mac. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est que le podcast Mac Québec, c'est vraiment juste actualité et choses comme ça. Puis les inventeurs de Mac Bonsoir, c'est vraiment pour aider les gens qui ont des problèmes avec leur Mac ou qui veulent des suggestions. Tu sais, des fois, tu cherches un programme pour faire telle affaire. Ouais. Mais eux, c'est tous des gars qui travaillent en Mac à journée longue. Ouais, c'est ça. De Mac, fait ils en ont vu pas mal. Là, fait que c'est bon, là. C'est ça. Ben, là, un an, quand je commençais à vouloir faire un podcast, j'avais parlé justement à Alex Cornelier puis à Bernard pour voir avec un Mac qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire le podcast. Il m'avait suggéré prends ce programme-là avec ça, puis toi, ça va super bien. Puis fait qu'ils sont vraiment calés sur le Mac. Fait que c'est un podcast à écouter si vous êtes amateur. Puis c'est bien fait, le podcast est vraiment bon. Puis même si vous les suivez, à chaque fois qu'Apple a un gros dévoilement de produits, ils vont faire un spécial live pendant le show de Apple pour, mettons, dévoiler le prochain iPhone. Puis ils vont faire un show live, il y a un chat, puis ils vont couvrir ça live. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un bon podcast pour les amateurs de produits Mac. On a quasiment tous un produit Apple à la maison, du numéro d'un autre, un iPod, quelque chose comme ça. Même moi, j'ai un. Ou des iPads. fait que c'est un bon podcast à suivre. Puis le dernier, Shameless Plug. Il y a le nouveau podcast que j'ai parti, qu'on a parlé tantôt avec Benoît Gagnon puis Maxime Tremblay qui s'appelle Secteur 42. Fait que si ça vous prend l'écouter, ben on parle de Star Wars The Old Republic. On le sait que c'est un podcast très niche pour un auditoire bien précis, probablement le monde qui joue à Star Wars The Old Republic. On essaie de couvrir et le monde qui connaît ça et le monde qui commence ou qui aimerait commencer à jouer à Star Wars ou même à un MMO, parce qu'à un moment donné, ça se rejoint tout à quelque part, là. Quand tu joues à un MMO, t'es capable de jouer à un autre après, là. Pas mal, hein? Moi, j'avoue que j'ai de la misère à vous suivre dans le premier. OK. C'est un premier, hein? Fait qu'on va essayer de s'améliorer dans les autres. Ouais, vous avez quand même pas le choix d'être assez technique, parce que c'est pour le monde qui joue, vous pourrez pas comme présenter le jeu à chaque épisode non plus. Non, c'est ça. Faut suivre un peu les épisodes. Je vous dirais que le premier, c'était comme... Vraiment, on présente le podcast, puis on a parlé un peu du jeu, puis de nos expériences. Dans le prochain, moi, comme celui qu'on enregistre mardi, je vais vraiment couvrir comment lire la carte, comment reconnaître les quêtes, les icônes dans votre map, qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi il faudrait faire telle chose. Comme moi, quand j'ai commencé à jouer à Star Wars The Republic, activer mes bornes de téléportation, puis les taxis, j'oubliais. Fait que je me ramassais à marcher partout, puis à courir partout, puis ça prenait 20 minutes pour me rendre d'un bout à l'autre de la carte. Quand j'ai commencé à découvrir que je pouvais me téléporter ou prendre un taxi, J'étais assez content, je suis au 22 heures de marche à chaque fois, tu sais. Comme le gars qui découvre que les autobus, ça existe. C'est, fait que c'est ça. Fait qu'on va couvrir, tu sais, des choses pour les débutants aussi, puis des choses plus avancées. Fait qu'on va essayer de s'adapter. C'est pour ça qu'on veut que le monde nous écrive leurs questions, nous écrive leurs suggestions, puis les commentaires, puis qu'on s'adapte à l'auditoire, parce qu'on sait que c'est niche, puis on sait que c'est pas tout le monde qui a joué à 50 000 autres MMO avant. C'est peut-être leur premier, fait qu'on veut s'adresser à tout le monde, là, mais c'est pas facile, mais on va essayer de s'adapter le mieux possible. De toute façon, y a-tu un site où ce que tu peux, tu sais, comme Eric là, se sentait un peu perdu, est-ce que tu peux mettre les termes, comme je disais, là, les termes MMO, Area of Effect, qu'est-ce que c'est, mais ça peut être spécifique aussi à Star Wars, puis ça permet justement aux personnes qui se sentent un petit peu perdues d'aller chercher un peu de référence. Là. C'est ça, ben on souvent on va mentionner, comme on a eu une question la semaine passée, puis là, je reviendrai pas là-dessus, je m'en rappelle pas, mais une personne qui cherchait un peu dans le jeu, puis on lui a suggéré un site de Star Wars, vraiment sur SWTOR, qui démystifiait pas mal ce que la personne cherchait. Fait que au lieu d'expliquer ça sur le podcast, puis de mélanger tout le monde, ou de mal l'expliquer, ben on a pointé vers un site qui peut aller voir, puis lire à sa guise. Mais s'il y a des questions précises, je veux dire, puis on a la réponse, on va la donner. Si on l'a pas, on va aller la chercher, puis on va le mentionner sur le prochain podcast, au pire. De toute façon, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, les sites. Fait que tu peux tout le temps aller chercher les bonnes références. Un site, c'est un site. Ah, ouais. Fait que... puis donc, le podcast est vraiment axé aussi sur le côté sombre, parce qu'on a une guilde en pire. Yes. Fait qu'on est vraiment... nos expériences de jeu, moi, je joue les jeux de deux côtés, et site République, là. En pire République, mais... Présentement, on a tous des persos plus empire, fait que c'est de ce côté-là qu'on parle un peu, mais on va démystifier, la langue me fourche, les deux parties du jeu. Pourtant, je ne bois même pas d'alcool. Moi non plus. J'ai quelque chose dans mon Pepsi Max. OK. Je vais passer à ma petite liste de podcasts anglophones, elle est courte. Là, faut que je vous mentionne, dans les podcasts francophones, je vous ai nommé, il y en a qui sont classés propres, il y en a qui ont quelques sacres à gauche et à droite. Ah, okay. C'est à votre discrétion. Là, si vous écoutez quelque chose puis ça sacre puis ça vous fait saigner des oreilles, ben passez à d'autres choses. Radio Talbot, l'analyse des geeks, la force G, l'épée légendaire, rétro nouveau. De temps en temps peut-être. Mais Geek Bécois, les mystérieux étonnants, pas de problème. Il y avait un épisode qui avait été classé comme pas clean. Mais le restant, c'est propre. Mac Québec, puis nous autres, Secteur 42, on essaie de garder ça sans sacre et rien. Ceux que j'ai pas nommés, je vous ai parlé tantôt, de temps en temps, un petit sac de temps en temps. Dernier des podcasts, c'est pour amplifier. Mais c'est pas du Mike Ward. Non, c'est un de temps en temps, tu sais. Okay. C'est un de bon film, quelque chose comme ça. Okay. Moi, je peux pas dire quand est-ce que ça va être sacré dans Secteur 42. Ah ouais, quand? Mais que le jeu tombe quand plus, puis quand ça? Quand vous fermez le serveur. Ça se pourrait. Ben, juste te donner une idée, il y en avait comme... je ne peux pas m'avancer s'il y en avait vraiment 80 à 100, mais là, on va tomber à 12. À peu près, ouais. Fait que ça fait beaucoup moins de serveurs. Voilà. Mais il y a beaucoup plus de monde sur le serveur. Au lieu de voir léger, ben, léger, c'est chargé. Ben, c'est donc. Fait que ça, c'est ça. T'as l'impression qu'il se passe de quoi. Il y a beaucoup de monde. Mais quand je jouais à un moment donné, puis j'étais deux sur Tatooine sur mon serveur, tu te dis... Je vais-tu le croiser un jour à grosseur que la planète elle a? Ben, on va-tu se croiser? Puis, je pense que j'ai joué un heure, j'ai jamais croisé personne à part des NPC. Il n'y avait pas personne. Là, t'es croisé pas tout le temps là? Non, là, il y a du monde à attendre. Parce les que NPC, pas... je parle. Ouais. Puis là, il y a du monde à attendre ses serveurs. Ils ont fermé les autres serveurs. Bon, podcast anglophone. Le premier coup que je vous parle, c'est Hollywood Babylon. Pas pour les oreilles sensibles. C'est assez cru, c'est assez adulte, même très. C'est avec Kevin Smith puis Ralph Garman. C'est vraiment potin hollywoodien. Ils vont parler de ils ont les nouvelles geeks, fait que les nouveaux films qui vont sortir. Ils ont même une chronique qui s'appelle Movies That Will Suck, fait que les films qui vont être poches. Fait que ils ont parlé là-dedans de Battleship était dans ça avant qu'il sorte. Il y a certains remakes comme un nouveau, je sais pas si vous avez entendu ça, mais ils vont faire un nouveau film des jumeaux. non. Avec Arnold Schwarzenegger. Ça va être les jumelles. Non, ça va être les jumeaux encore. Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito reviennent. Oh. Et le troisième frère serait Eddie Murphy. Oh my god. Oh non. Ok, movies that will suck. On l'attendait, celle-là. Fait que c'est ça, fait que c'est ils ont ça, ils ont en aversion. Comment tu penses une affaire, par exemple? Quoi? Que Kevin Smith et l'autre, c'est Jay Silent Bob dans le film. Non. Ralph Garman, c'est pas Jay Silent Bob, c'est Jason Mewes qui est... Fait qu'il y a un autre show qui s'appelle Jay and Silent Bob Get Old. Lui, je l'ai... lui, je l'écoutais à un moment donné, je me suis tanné parce que Jason Mewes me tape un peu ses nerfs. Fait que j'ai gardé Ralph Garman puis Kevin Smith. Parce que Ralph Garman, c'est un acteur. Si vous avez vu le film Ted, non. Il fait le père de Mark Wahlberg quand il y a un flashback quand il est jeune. Il fait le père de... Il fait aussi Caleb dans Red State. Le gars qui parle jamais, il fait lui. Il a joué dans ceux qui écoutaient la télésérie Charmed, il faisait le DJ dans le club des filles, le P3, il faisait le DJ là. Fait c'est un animateur de radio à K-Rock à Los Angeles, fait qu'il est connu dans ce coin-là. Le gars, c'est un imitateur aussi, il fait plusieurs voix. Il va faire Arnold Schwarzenegger, il va faire toutes sortes de voix, puis pas toujours dans des situations qui devraient, comme il a beaucoup ri de Arnold Schwarzenegger puis son aventure avec la bonne. C'est ça. Fait que c'est vraiment drôle, mais c'est vraiment irrévérencieux. C'est vraiment faut vous attendre à entendre des sacres et autres profanités en écoutant ce show-là, mais c'est vraiment tordant. Pour ceux qui s'intéressent, ils s'en viennent faire un show à Ottawa le 25 août au Centropolis. Je me rappelle pas du nom de la place. Le 25 ou 24? Le 25 août. 24 août sont à Toronto, si je me rappelle bien. Mais c'est ça. Fait que ceux qui voudraient aller les voir, s'ils vont être en direct, ils vont faire Hollywood Babylon à Ottawa. C'est à peu près 65$ le billet. Mais ils viennent rarement dans le coin ici, fait que si vous êtes fan, allez voir ça, mais je vous suggère de l'écouter, comme je vous dis, attention à vos oreilles. Autre podcast, The Tech Guy, avec Léo Laporte. Léo Laporte, pour ceux qui le connaissent pas, il a un nom très francophone, mais il parle pas français du tout. C'est un gars qui a un empire, vraiment, de podcasting aux États-Unis. Il y a une station Twit. Ouais, Twit Network, twit.tv. Vraiment, lui, il ne fait que ça, ne vit que de ça. C'est vraiment une des plus grosses stations de podcast aux États-Unis. Il y a à peu près, je pense que c'est pas 20 ou 25 shows différents qui font durant la semaine. Ça parle autant de technologie que de sécurité informatique. Vous avez vraiment un choix. Si vous allez voir sur twit.tv, allez voir la liste des podcasts disponibles, puis vous allez sûrement trouver quelque chose là-dedans que vous allez vouloir écouter. C'est propre, il n'y a aucun sac là-dedans, c'est vraiment clean, c'est vraiment pas mal technique, mais il est bon aussi pour vulgariser la technologie, ça s'adresse pas mal à monsieur, madame, tout le monde. Sur le show de Tech Guy, Léo prend des appels. Si vous êtes chanceux d'avoir la ligne, vous pouvez poser des questions. Il y a du monde qui appelait, je veux me partir un podcast, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que ça me prend, quel micro tu me suggères, je veux m'acheter une caméra vidéo, qu'est-ce que tu me suggères, une caméra photo, je veux pas faire du professionnel, je veux faire prendre ça quand je vais en voyage, mais j'aimerais ça faire du film avec, qu'est-ce que tu me conseilles, vraiment là, la panoplie. Ouais, la panoplie. S'il n'y a pas la réponse, il y a un forum extraordinaire qui se fie beaucoup dessus. Il y a à peu près 1000 à 1500 personnes sur le forum à chaque show live. Wow. Fait que, je veux dire, ils posent une question des fois, ils disent « Hey, chat room, j'ai besoin d'une réponse. » Il y a tout le temps quelqu'un sur le chat room qui connaît la réponse. C'est vraiment incroyable. De la même gang, mais qui est faite par un autre gars, Home Theater Geeks. Ceux qui aiment cinéma maison, les nouvelles TV, les systèmes de son... ils vont aller au CES, ils vont aller voir les shows pour les systèmes de son uniquement aussi. C'est animé par Scott Wilkinson, Y a, des fois, il y a un invité qui vont parler, ils vont inviter un producteur de film à un moment donné, puis ils vont parler de sa carrière. Ils ont invité un gars à un moment donné qui fait des salles de cinéma maison, custom pour le monde chez eux, vraiment spécifique à leur demande. Je veux une salle de cinéma avec... Mais vraiment avec des portes à la Star Wars, puis tu le quittes, là. Fait, c'est varié, mais ça parle toujours de cinéma maison, puis de nouvelles télévisions, puis lui aussi va prendre des questions, des choses comme ça. Si on demande de Stargate, y a-t-il les portes qui se téléportent? Ouais, je penserais pas. J'aimerais ça descendre dans ma cave automatiquement. Après ça, il y a deux podcasts de ceux qui connaissent le magazine IGN. Ouais. Qui parle de jeux. Il y a Podcast Beyond, qui est le podcast spécifique au PlayStation. Fait que c'est des gars qui jouent au PlayStation, qui couvrent les nouveautés PlayStation et tout ça. C'est avec Greg Millen, Colin Moriarty. Oui, il a le même nom que le méchant dans, Moriarty? Dans Sherlock Holmes. Moriarty. OK. Ryan Clements. Puis il y a le podcast de Xbox qui s'appelle Podcast Unlocked, hein, Achievement Unlocked. Ryan Clements, il y avait une fille, elle est partie, fait que là ils sont en transition, là, fait que je sais que c'est Ryan Clements qui est sur le show, il y a deux autres personnes avec lui aussi. Ben intéressant, si vous avez juste une console, ben vous pouvez spécifiquement écouter des nouvelles de la console que vous avez. Fait que quand il parle de PS3, il parle pas d'Xbox, il parle de PS3. La version de PS3 qui va sortir. Fait que des fois, les sujets se chevauchent parce que le jeu est multiconsole, fait qu'ils vont parler des mêmes affaires, mais sur consoles différentes. Sur le Beyond ou sur le Unlock. Intéressant, parfois un peu juvénile. Des fois, ça part sur une dérape, par exemple, puis des fois, t'as l'impression qu'ils parlent plus de d'autres choses, qu'ils parlent de jeux. Fait que c'est à voir si vous aimez. J'écoutais, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter parce que c'était rendu un peu trop... J'avais l'impression d'entendre des ados, vraiment des ados attardés, là, okay, qui parlaient de jeux vidéo à un moment donné, puis que ça dérapait, là. Fait que je me suis dit, garde. Quand même propre ou pas? Ouais, c'est propre. Il y a pas un petit sac de temps en temps, des fois, mais c'est quand même assez clean. Mais vraiment, c'est comme essayer une nouvelle recette dans un restaurant. Tu y goûtes, t'aimes ça, parfait. Si t'aimes pas ça, tu passes à d'autres choses. Okay. Parce que des fois, il y a des épisodes, c'est super bon. Il y a des épisodes, j'ai de la misère un peu, mais tu sais, je reste, là, ben, à un moment donné, si je vois que ça se replace pas, je m'en vais ailleurs, je fais d'autres choses. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les voitures. Deux derniers podcasts, c'est des podcasts automobiles. NPR, qui est le réseau Public Radio aux États-Unis. Ça s'appelle Car Talk. C'est avec Tom et Ray Magliozzi. C'est des deux personnes qui sont, je pense qu'il y en a un qui a 80 puis l'autre il y a 70. Ça achève. Ouais, ça achève parce qu'ils ont annoncé leur retraite en 2012. Ça dit que ça achève. Ils font ça depuis 1987, eux autres. Fait que ça fait longtemps que ça roule. C'est vraiment, c'est NPR, c'est la radio publique américaine. C'est un peu comme PBS à la TV. C'est une radio publique payée par le gouvernement. Donc, c'est pas une station à but lucratif. Puis, les autres, ils ont cette émission-là depuis 87. Ça fait un bout de temps que je les écoute. Mais c'est drôle parce qu'ils vont parler, puis ils vont s'auto... Ils sont capables de rire d'eux-mêmes. Comme, ils vont prendre des appels du public. Ils vont dire, « Ouais, moi, j'ai un... Je sais pas, moi, j'ai un Ariesca 1982, puis j'ai tel problème avec. » Le gars, il dit, « Ouais, moi, je pense que votre problème, c'est probablement ça. » C'est, ben, moi, personnellement, son pire problème, c'est qu'elle a encore un Ariesta. Mais déjà qu'elle l'a acheté au début, c'est déjà quelque chose. Mais ils vont dire, bon, votre problème, c'est ça. Moi, je regarderais ça. Puis à la fin, ils vont dire, mais tu sais, moi, êtes-vous, je prendrais pas mon opinion pour du cash. Tu sais, j'irais voir un vrai mécanicien. Ils sont capables de rire d'eux autres mêmes. Fait que c'est humoristique, puis sérieux en même temps. Fait que c'est le fun à écouter. Mon dernier, c'est probablement un des meilleurs podcasts automobiles. C'est avant c'était Car and Driver Radio, parce que Car and Driver, c'est un magazine américain d'automobile. Car and Driver ont décidé probablement que ça marchait pas assez. Ils ont lâché le projet. Fait qu'il est parti pour faire ça pour Motor Trend. À ce temps, ça s'appelle Motor Trend Radio. C'est avec Alan Taylor. Ça dure 3 heures. C'est un podcast de 3 heures séparé en en section d'une heure sur iTunes. Faites-vous downloader heure numéro 1, heure numéro 2, heure numéro 3. Ils ont des sujets variés, ils ont une section vraiment nouvelle de l'industrie, tout ça. Comme le dernier épisode, j'ai écouté, ils parlaient même du Comic-Con. Comme quoi qu'il y avait la Batmobile là, pis des choses comme ça. Ils ont une section camion, pis tout ça. Puis la fin, c'est vraiment automobile spécifique, puis des choses comme ça. Là. C'est mensuel? C'est à chaque semaine. Okay. La plupart de ces podcasts-là, c'est vraiment des podcasts qui sont aux semaines. Okay. Il y a l'analyse des geeks dans francophone qui sont aux deux semaines. Les autres, c'est pas mal à chaque semaine. Puis, c'est pas mal ça. Ça met fin à ma liste de podcasts à écouter. Fait que, regardez ce que vous aimez là-dedans. Si vous ne connaissez pas, essayez-le. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous n'aimez pas ça, mettez ça de côté. Au nombre de podcasts qu'il y a, vous allez trouver quelque chose à votre goût. C'est clair. Il y en a d'autres, je le sais. J'ai pas le temps de tout écouter. Si je les ai pas nommés, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que soit je les connais pas, soit que je les écoute pas parce que soit j'ai pas le temps puis je me concentre dans la liste que j'ai déjà. Là. On a un temps limité par semaine, fait que je me limite à écouter ce que je peux écouter. À part avec, je sais pas, les avancées technologiques, un jour, ils vont peut-être faire deux semaines en une. Peut-être. C'est pas. Puis, fait que c'est ça. Mais même dans tous les podcasts que je vous mentionne, je peux pas nécessairement écouter tous les épisodes. Des fois, je vais une semaine, je vais sauter un podcast, je vais en écouter un autre pour écouter un peu de tout. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Je veux dire, vous aimez le macramé, je suis sûr qu'à quelque part, il y a un podcast sur le macramé sur iTunes. Tu sais. Fait que c'est à votre choix, c'est de trouver ce que vous voulez, puis l'écouter. Si vous aimez pas, vous passez à d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour cela. On va passer à notre chronique cinéma. Film ce mois-ci qui est un peu rare. Yay! Fait qu'on va commencer avec notre chère Annick qui est allée voir le film Rebelle ou de son nom anglophone Brave qui est un film de Disney Pixar. Ça dure 93 minutes donc 1h33. C'est un film pour enfants. Fait que ça joue toujours à peu près des 90-92 minutes, 1h30 à peu près. Ça a eu un budget de 100. S'il s'endort ou s'il s'endort pas? Ben normalement, il devrait pas s'endormir. Ah, okay. Ça a un budget de 183 millions, puis ça a fait 249 millions à date. Ah, c'est bon. Fait que ça rend, comme chaque film de Pixar, ça rentre normalement dans ses, ça fait ses frais. Ça a été dirigé par Mark Andrews, puis Brenda Chapman, pour ceux qui s'intéressent. Musique de Patrick Doyle. Les acteurs qui sont dedans sont pas nécessairement très connus. Fait que je vais m'en passer. Ça ne dira pas grand chose. Ouais, les acteurs qu'on les voit, il y a Kelly MacDonald, que moi je connais pas, qui fait la princesse Meridia en anglais. Julie Waters qui fait la sorcière. Billy Connolly qui fait le roi Fergus. Puis Emma Thompson qui fait la reine Eleanor. Mais à part Emma Thompson, ouais, qui est un peu connue, les autres, moi je les connais pas personnellement. Donc, Annick, est-ce que c'est bon? J'ai adoré. OK. Et Mylène aussi. Ah, d'accord. Parce qu'Annick est allée voir le film avec la sœur de Simon. Hey. Donc, je vais vous lire l'histoire. Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d'Écosse, récits de batailles d'époque et de légendes mythiques se transforment de génération en génération. Rebelle, le nouveau grand film d'animation de Studio Disney Pixar, nous emporte dans cet univers fascinant, faire la connaissance de Mérida, Archer. Et fille farouche du roi Fergus et de la reine Elinor. C'est pas long, ça c'est moins épanoui. C'est correct. L'impétueuse Mérida a un problème. Elle est la seule fille au monde qui ne veut pas devenir une princesse. Ouais. Maniant l'art comme personne, Mérida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa maman. Dans sa quête de liberté, Mérida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction. Elle y est rendue presque en temps. On a tous eu la même fourchée. C'est ça, on a chacun fourché. Donc, malédiction. Donc, l'histoire, c'est que son père lui offre un arc à l'âge de 6 ans pour son anniversaire et qu'il se bataille avec un gros ours grizzly et il en perd une jambe. Okay. Donc, son père, il déteste les ours. On pourrait savoir pourquoi. Hein? Et la maman, ben, comme c'est la reine qui apporte tout le royaume sur ses épaules, elle veut que sa fille soit une princesse exemplaire. Okay. Et comme elle est un peu comme son papa, c'est pas ce qu'elle veut. Okay. Et sa maman, dans le dos de sa fille, organise un tournoi avec les trois autres royaumes où que les aînés vont avoir un tournoi pour remporter la main de la fille, de la princesse Mérida. Okay. Donc, c'est Mérida qui a le droit de choisir quel tournoi. Donc, naturellement, elle a choisi l'arc. Okay. Et, comme c'est les aînés de chaque royaume qui ont le droit de participer, à la fin des trois garçons des trois royaumes, elle participe pour sa propre liberté. Okay. Et, naturellement, comme elle est super bonne, c'est elle qui remporte le tournoi. Et ça fait pour plaisir à sa maman. Parce qu'on s'entend que les trois choix de mari qu'elle avait, c'était pas fort. Et non. C'est assez laid. Puis c'est ça, donc là, il chicane avec sa maman, donc elle s'en va dans la forêt avec son petit puissant cheval Angus. Ok, oh, Buff Angus? Oui, Angus. Ok. Mmh. Et cheval. Ouais, cheval Angus. Mmh. Elle se retrouve, c'est ça, dans la forêt où elle rencontre une vieille sorcière. Ok. Puis elle lui demande un vœu. Mais comme dans tout vœu, c'est pas toujours ce qu'on désire qui se réalise. Mm-hmm. Donc, la sorcière, il donne un gâteau à faire donner à sa maman pour qu'elle le mange. Donc, elle revient au château. Où est-ce que là, il y a le chaos parce que le papa essaye d'arranger un peu les choses avec les trois autres royaumes. Mais en tout cas, ça finit toujours avec des batailles. Hein? Donc, elle, pendant ce temps-là, elle se réconcilie avec sa maman. Elle y donne un morceau de gâteau et elle se transforme en ours. Yeah! Que son papa déteste plus au monde que les ours. C'est ça, une bonne idée. Donc, elle a trois petits frères, les triplets. Harry, Hubert et Amis. Adorable, siècle, toujours prête à faire des 400 coups, surtout pour des bonbons parce qu'ils sont excessivement gourmands. Ils sont déjà. Oh, ils sont cute, surtout en nounours. Oh, ils sont mangeables. Okay. Bon, qu'est-ce que je disais? c'est ça, donc là, ils se transforment en ours assez. Assez corpulent. C'est ça? Donc là, il faut qu'elle sorte du château. Donc c'est là que les trois petits frères viennent les aider à sortir l'ours du château pendant que toutes les autres courent après pour tuer l'ours. Ouais. Donc, ils se retrouvent dans la forêt. Les trois petits garnements, naturellement, sont livrés à eux-mêmes parce que là, la maman ours est rendue dans la forêt avec sa fille. Ils mangent le petit gâteau, eux autres aussi. Ah, ok. Donc, ils se transforment eux autres aussi en petit ours. Fait qu'il se transforme en petit ourson. Oui, donc. OK. Donc, c'est ça. Donc là, ils apprennent à vivre mutuellement, à connaître le point de vue de la fille et inversement du point de vue de la mère. Puis, comme dans tout bon film, ben, ça finit bien. Hein? OK. Donc, j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu au style dragon. Les dessins sont très beaux, les filles sont très bien faites. Ah, puis, c'est Marie-Lou qui fait la voix québécoise de Mérida. Marie-Lou? Ouais, non, Marie-Lou, la chanteuse Marie-Lou. Ah, OK. Elle chante très, très bien. Ouais. Elle est jeune, elle a une bonne voix. Okay. Je pense qu'elle vient de sortir un album en anglais aussi. Ouais, ben, elle en a sorti un avec Garou parce que son, Elle est avec René Adam. Angeline. Marie-Lou et Garou. C'est ça. Ouais. Marie-Lou Garou. Fallait la part. C'est ça. Fait que oui, c'est ça. Puis c'est elle qui chante les chansons aussi. Oui, en français, mais qu'on n'a pas trouvé. Non, c'est ça. Le Disney ont la fâcheuse habitude de faire souvent des trames sonores francophones pour les films, mais à ne pas rendre les CD disponibles. Fait que tu peux trouver le CD de Brave en anglais facilement, mais le CD francophone. Mmh. Pourtant, je veux dire, ils ont pris la peine de tout réenregistrer les chansons. Ils l'ont, mais ils rendent pas ça disponible. Fait que je vais faire d'autres recherches, peut-être sur iTunes, des choses comme ça. Peut-être ça va être disponible. Mais ça a l'air difficile à trouver. Donc, j'aimerais bien acheter le CD de Mario. Encourager une Québécoise. Oui, ça vaut la peine. Surtout qu'ils sont vraiment très bonnes, les chansons. Les chansons, puis même le style de musique, c'est un peu écossais. Oui. C'est celtique avec la cornemuse, puis des choses comme ça. Parce que dans le contexte du film, ça s'adapte très bien, parce que c'est vraiment beau. Ça. Fait que c'est bon, puis on va le voir. Oh, oui. Avec des jeunes enfants? Nous, on est allé avec notre fils. Ouais. On est allé avec notre fils il y a même pas 4 ans. Puis, il a aimé? Non. je sais pas que, tu sais, à cet âge-là, si ça bouge puis que ça flash à l'écran, il aime ça. OK. Mais je peux pas dire qu'il a trouvé. Moi, j'aurais peur que peut-être avec des scènes de combat, il ait peur. Mais c'est quand même pas trop violent. C'est violent avec l'ours, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de violence. Non, c'est sûr, il n'y a pas vraiment de violence que tu vois. Là, mais, oui, battre entre gars, mais c'est plus comme comique que la vraie, hein. C'est sûr que la vraie bataille chicane, c'est vraiment avec l'ours à la fin. Okay. Ouais, que là, c'est le vrai combat qui tourne mal. Là. Okay. En tant que violence, un peu comme Cars, il n'y a pas de méchant. Dans le premier. Oui, okay. Le deuxième est incroyable. C'est à peu près un film semblable pour les enfants parce qu'il n'y a pas nécessairement de violence. Il y a un tournoi. N'importe tous les rois veulent faire épouser leur fils aîné à la. Un Marie-Lou qui est quand même le roi d'Écosse, on sait, c'est sûr que c'est le royaume qui désire, dans le fond, pour que son se marie, là, mais il n'y a pas vraiment de chicane. Ils s'entendent bien, ces quatre rois-là, là, c'est pas, okay. Ils se bataillent, mais c'est comique, là, c'est pas méchant. OK. Fait qu'on a hâte qu'ils sortent en vidéo, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. C'est ça. Mais c'est très, très, très bon. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va passer à notre deuxième film. Que moi, j'ai pas vu. Que Annick n'a pas vu. The Amazing Spider-Man. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. C'est un film de Columbia Pictures, Sony, parce que Columbia appartient à Sony. Ça dure 136 minutes, budget de 230 millions, c'est ça que ça a coûté à faire. Quand j'ai regardé la dernière fois, il avait fait 538 millions, donc ça fait de l'argent, on va en avoir un autre. sorti le 3 juillet 2012. Directeur, un gars qui était destiné à faire un film de Spider-Man, il s'appelle Mark Webb. D'accord. Ceux qui ne savent pas du web, c'est ce que Spider-Man lance avec... C'est de la toile. C'est de la toile. Musique, James Horner, ils ont été chercher quelqu'un de connu dans le monde musical hollywoodien pour faire la trame sonore. James Horner est celui qui a fait la trame sonore de Titanic et de beaucoup d'autres films à Hollywood. Ça a coulé. Ça a coulé. C'est avec Andrew Garfield qui fait Spider-Man. Oui, même s'il a le nom d'un chat, c'est pas ça qu'il joue. Emma Stone qui joue Gwen Stacy. Rice Ifans, yes sir, qui fait Dr. Connors ou le lézard, qui est le gros méchant du film. Dennis Leary fait le capitaine George Stacy. Oui, le père de Gwen Stacy. Martin Sheen qui fait Ben Parker, le mononcle. Et Sally Field qui joue le rôle de Tante May. La matante, qui est Tante May, là, qui est vraiment celle qui reste. Parce que oncle Ben, tout le monde sait, il meurt tout le temps. Simon, t'en as pensé quoi? Personnellement, moi, j'ai bien aimé ça. OK. Oui, c'est encore un autre début. Comme ils ont fait avec Batman, dont on va sûrement parler après. Ouais, après. Mais, donc, on se dit encore une fois, regarde, c'est la même chose avec Superman qui s'en vient, qu'ils vont en faire un autre. Mais ils ont réussi à trouver une autre partie d'histoire, si on suit les comic books, avec le lézard, le combat, qui se trouve être un ennemi qui est assez présent dans l'histoire de Spider-Man. Là. Ouais, même non? Si c'est pas... par plusieurs fois, là. Ouais. Bon, mais ils ont réussi, selon moi, je trouve, à bien cibler, puis à bien présenter. Puis le combat, je veux dire, tout le long du film, on s'attend à ce que, dans le fond, il va-tu avoir quelqu'un d'autre, comme dans un certain moment avec Sandman. Il était pas tout seul à se battre, donc à un moment donné, il vient Venom. Ouais. Mais là, c'est juste les ordres. Puis selon moi, avec tout le temps, qu'est-ce qui se passe autour, c'est bien normal. C'est juste assez, c'est parfait. Je donne une bonne cote parce que les effets spéciaux sont là. Moi, c'est sûr, je préfère toujours 2D. Donc, 3D, je le mets de côté. Ça, ça me dérange pas partout, là. Même si j'en ai pas. Ben, le 3D était bien pour une affaire. C'est parce qu'il y a des scènes un peu à la première personne à un moment donné où il se promène avec sa toile d'une bâtisse à l'autre. Puis, on est à la première personne. On est ses yeux. J'ai trouvé pour ça le 3D téléphone, parce que t'avais vraiment l'impression d'être Spider-Man. Le seul moment où ce que j'ai adoré le 3D, c'est lorsque, est-ce qu'on peut dire des spoilers? J'imagine un peu, ouais. Le dernier, c'est ça? Ben, parce qu'il est sorti, donc les gens devraient l'avoir vu, sinon, ben c'est ça, spoiler. Lorsqu'ils se battent dans la bibliothèque, et que là, ils pitchent la table, et la table arrive, puis c'est la personne, justement, qui écoute avec ses écoute de la musique. Il n'entend rien de ce qui se passe tout autour, mais ça vole, mon homme, c'est incroyable. Puis là, tu vois la table, puis il rattrape la table juste au bon moment, mais donc l'impact que ça fait, ça, c'est parfait. Ouais. Et, donc, mettez-en pas trop, mettez ça comme ça, là, puis moi, j'adore ça. Mais pour le reste, non, c'est pas ce qui est, pour moi, fait que j'ai aimé ce film-là. Mais dans l'ensemble, même si c'est un encore comme un premier, si on veut, avec une histoire différente, parce que oui, c'est un premier, regarde, de l'oncle Ben, signé par décédé. On voit encore ça, d'une autre façon qu'ils ont trouvé. Ben non, c'est la même manière, il se fait tirer par un méchant. Il se fait tirer, mais encore là, ça revient à l'histoire de la non-responsabilité. Oh, ouais. Mais il se l'est pas fait dire. Mais quand même, j'ai trouvé ça bien. Toi? J'ai trouvé que c'était correct. Qui me tape pareil un peu, mais je veux dire, on n'a quand même pas le choix quand tu veux recommencer une série à zéro. C'est de revoir encore justement. Ils ont bien fait. Je trouve qu'ils ont mieux fait dans celui-là l'obtention de ses pouvoirs. Le fait qu'il se réveille à un moment donné dans l'autobus, il est comme collé au plafond, ou tu sais. Dans le métro. Ou dans le métro, tu sais. Ou des. Vraiment la manière qu'il découvre ses pouvoirs, je trouve que c'était bien. Peut-être mieux que. Et ça avait été fait dans la série d'avant avec la série de Sam Raimi. Je trouvais ça bien. De revoir encore tout le début, puis de revoir encore que l'oncle Ben qui se fait tuer, puis de... Ça m'a un peu tapé, mais je me dis, bon, le public cible, c'est pas nécessairement nous autres. Ils veulent essayer d'aller reconquérir un nouveau public, un public plus jeune pour leur faire connaître Spider-Man. Oui, la série... je veux dire, les trois derniers films à date pas de là, 40 ans. Exact. C'est récent. Fait que je me dis, au pire, il aurait pu continuer, mais avec un nouvel acteur, pas nous représenter tout depuis le début. Mais là, j'imagine, ils ont voulu, on va recommencer avec un... Il y a des choses qu'on n'a pas aimées, fait qu'on va recommencer à zéro. Ça va probablement leur donner la possibilité de revisiter Venom à un moment donné. Parce qu'on s'entend que dans Spider-Man 3, ils ont comme scrappé l'histoire avec Venom. Là, d'éliminer Venom à la fin du film, c'était comme pas la meilleure des idées. Là. Ouais, mais gars, faut penser comme Tobey Maguire. Là, il a pas dit j'en veux plus. Il voulait plus en faire. C'est ça. Mais il aurait pu prendre un nouvel acteur puis continuer l'histoire pareil. Là, ils refont. Fait que là, on va s'attacher à ce personnage-là, on va le connaître. Ouais. Parce que d'ailleurs, au début, hein, t'étais déjà totalement anti, là. Tu voulais rien savoir de lui. Regarde, non, je voulais pas. Andrew Garfield, quand j'ai vu les bandes-annonces, je regarde la face, puis je dis non, je suis pas capable. Vraiment, j'aime pas la face de cet acteur-là, il me dit rien. Puis j'ai vu le film, puis après ça, j'ai dit, ok, c'est correct. Bon. Il fait la job. Mais il est juste correct? Non, il fait un très bon Peter Parker. Oh, ouais. Il y a des choses dans le film que j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Là. On dirait qu'il fallait toujours qu'il rende les choses évidentes. La vraiment une des pires passes, c'est quand il se promène dans les égouts, m'en est, puis qu'il colle sa caméra pour prendre des photos du lézard. Il colle sa caméra au mur pour prendre des photos. Puis là, le lézard prend la caméra, puis en gros collant en arrière, c'est marqué « Propriété de Peter Parker ». Regarde, je veux dire... Mais c'était comme ça qu'il était avant. Parce que, mais c'est parce qu'on dirait qu'il se trouvait une raison pour que le lézard trouve que Peter Parker et Spider-Man, c'est la même personne. Puis au lieu de le faire découvrir de d'autres manières, on dirait on va mettre ça collé sur la caméra. C'est assez facile. Puis il va de même, il va découvrir c'est qui. J'ai trouvé ça un peu gratuit, un peu facile. Eric, tu l'avais-tu vu pour le film? Non. Ah, il a vu Batman. Il a vu Batman puis Brave. Non, mais en fait, je ne suis pas super motivé d'aller le voir parce que me semble. Quand on vient juste d'avoir une trilogie, je comprends pas de faire un reboot comme 3-4 ans après. Je trouve que c'est vite, mais faut pas oublier une affaire. Spider-Man puis les 4 Fantastiques, ça appartient plus à Marvel. Ça, les droits ont été vendus. Spider-Man à Sony, les 4 Fantastiques puis X-Men, ça a été vendu à Fox. Les studios de films ont un certain temps pour produire un film pour pouvoir garder les droits sur ces films-là. Fait que si tu passes un certain nombre d'années sans faire un film de Spider-Man, tu vas perdre les droits, puis ça va revenir chez Marvel. La dernière affaire que Sony veut faire, c'est perdre les droits de Spider-Man. Ils se sont battus en cours pour être capables de faire un film de Spider-Man, le premier de Raimi. Ils veulent pas perdre les droits d'en faire d'autres. Fait que ils vont nous sortir des films au moins... dans l'intervalle qui ont besoin de le faire pour garder les droits. Je dis pas que Spider-Man c'est un mauvais film. C'est un bon film. Je trouve que c'est un peu de bonheur pour rebooter une série. Ouais. Mais ils ont amélioré certaines choses. Spider-Man bouge beaucoup mieux dans ce film-là. Les images de synthèse, les images faites par ordinateur, parce qu'on sait bien qu'il se pend pas vraiment d'un building à l'autre. Là. C'est bien fait, les effets spéciaux sont super bien réussis. Le lézard, peut-être un peu moins bien, là. C'est pas pire, là, mais je trouvais que ça avait l'air encore faux un peu. Un peu plus faux que Hulk avait l'air dans Avengers. Ben non. Ah non. Moi, je trouve dans le nouveau Avengers. Ouais, Hulk avait l'air plus vrai que le lézard. On dirait ce côté-là un petit peu moins. Ce que j'ai pas aimé, spoiler moitié. À un moment donné, le lézard décide de lancer le même gaz qui s'injecte partout dans New York pour changer le monde en lézard. Mm-hmm. Plein de monde se change en lézard et puis c'est ça. Rien. Il se passe rien d'autre. J'aurais aimé qu'on voit... Qu'ils prennent le contrôle. Mais il lâche pas le temps. Là. Parce qu'on voit une scène à un moment donné où Peter cherche le lézard dans les égouts parce qu'il se cache dans les égouts. Il le trouve pas parce qu'il est bien caché. Puis à un moment donné, on voit plein de petits bébés lézards qui s'en vont, de petits lézards qui s'en vont vers la même direction. Ouais. Sont attirés par le lézard. Ouais. Pourquoi que les lézards qui est en train de changer des humains en lézards, pourquoi qu'eux autres sont pas attirés par lui, par leur chef, mettons? Il aurait pu se servir de ça pour... Essayer de combattre Spider-Man, même pas rien. Fait que c'est un peu ça, le fait qu'ils mettent le personnage de Dennis Leary étant le père de Gwen Stacy, qui était le policier qui court après Spider-Man, qui veut l'arrêter, puis que Spider-Man est, désolé, avec Gwen Stacy, tu sais, Peter Parker. Je trouvais qu'elle essayait de faire une relation où ce que, un peu ce que ça s'en allait, puis que ça allait pas finir comme ça aurait dû, en tout cas. C'est, y a une couple de petits points négatifs, mais en général, c'est un bon film. Ouais. C'est un bon film de super-héros. Un film d'action. Un film d'action, allez le voir. Si vous aimez Spider-Man, vous ne serez pas nécessairement déçu. essayez peut-être pas de trop le comparer à la trilogie de Sam Raimi. Sam Raimi, les deux premiers étaient bons, le troisième, pour moi, c'était oublié. Là. Mais parce qu'il voulait pas le faire, de toute façon. Il voulait rien savoir de mettre Venom dans un film, puis Sony l'a forcé. Okay. Ça a donné ce que ça a donné. Fait que c'est un bon reboot. C'est déjà annoncé qu'il va y avoir une trilogie. Fait qu'il va en avoir deux autres, c'est sûr. Ça a coûté 230 millions, ça en a fait 538. Fait que, tu sais. Mais Eric, moi, je te suggère fortement, là, t'es pas obligé d'aller voir au théâtre, mais c'est un bon divertissement. C'est-à-dire que les heures, que les moments que tu passes là-bas, c'est pas perdu, là. Il y a vraiment pire que ça, en fait, il est vraiment bon pour un remake, si on veut, là. Ouais, Spider-Man, c'est pas mon super-héros préféré, puis entre les trois qu'il avait fait, j'avais trouvé ça si lui, tu dis qu'il est comme meilleur, là, probablement choqué quand tu vas en DVD. Je peux pas dire qu'il est meilleur. Différent. C'est différent. C'est vu d'un autre point de vue. Ouais. Tu sais? Fait que c'est, je veux dire, c'est sûr, la technologie a avancé un peu, fait que les images où Spider-Man se déplace de building en building, c'est quand même un peu mieux fait. J'aime aussi la manière, comme je te disais, qu'il découvre ses pouvoirs. C'est bien fait. Ouais. C'est pas pire. On voit à un moment donné aussi, on voit le début quand il est jeune, ce qu'on n'avait pas vu dans les films de Sam Raimi, c'est qu'on voyait pas quand il perd ses parents. Là, on voit quand il est vraiment jeune, puis... Ouais. Quand ses parents vont le porter chez Tante May puis Oncle Ben, puis que ses parents sont obligés de partir pour aller se cacher parce que ils se font courir après par des méchants. Fait que ça, on le voit. Fait que ça apporte au moins une autre petite partie. Puis après ça, bon, on rentre dans le même moule de Peter Parker qui se fait piquer par l'araignée, puis là, il découvre ses pouvoirs puis tout ça. Une autre affaire que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est Gwen Stacy qui étudie au secondaire avec Peter Parker. En génétique. Elle travaille chez Oscorp. Fait qu'elle est étudiante au secondaire, mais elle a une job comme, puis elle est haut placée chez Oscorp. Fait que je trouve ça un peu... Elle a ce qu'elle faisait avoir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu facile, la manière, tu sais. Gwen Stacy travaille chez Oscorp. Qui est comme la compagnie qui est comme nébuleuse dans l'univers de Spider-Man. Ouais. Qui est la fille du policier qui aime pas Spider-Man, qui sort avec sa fille, tu sais, qui fait, on dirait que tout est trop relié, juste pour ça, là. Je veux dire, elle travaille chez Oscorp, puis le lézard est là, puis elle a le pouvoir d'arrêter le lézard en allant faire, tu sais, fait que, c'est ça. Je trouvais ça facile. Si on oublie cette partie-là, puis que, tu sais, il y a des parties du scénario où ça a été comme ficelé un peu vite, c'est un bon film. Ouais. C'est regardable, là. C'est un bon petit 136 minutes. Ouais, c'est ça, c'est 2h16. Ça, 2h16 de bons films d'action. De divertissement. C'est ça. Fait que allez le voir si vous avez le temps au cinéma, pas obligé d'être en 3D. Sinon, ben, ça va sortir en Blu-ray puis en DVD, probablement d'ici le temps des fêtes. Fait que ça sera une bonne location, un bon cadeau de Noël pour le geek que vous connaissez. En vous. Geek de votre cœur. On va passer maintenant... un autre film. We'll be right back. Batman. Oh. The Dark Knight Rises. Là, moi et Simon, on l'a vu ensemble. On a une opinion. C'est pas la même. On a su qu'Éric, avant de commencer à enregistrer, on a su qu'Éric est allé le voir aussi. Puis il n'a pas la même opinion que nous autres. Fait que ça va probablement... il est chanceux d'être à Edmonton, ça saignera pas. mais on a une opinion différente. Fait que on va peut-être pas s'ostiner, mais on va en jaser parce qu'on a vraiment l'air d'avoir vu chacun un film différent. C'est comme si nous autres, on avait vu Batman, puis Eric avait été voir Lockout au cinéma. De la manière qu'on en parle. Fait que Batman, The Dark Knight Rises, ou L'Ascension du Chevalier Noir, en anglais, en français, oui. Ouais. Film de Legendary Pictures, Warner Brothers, duré 2h45. Oui, c'est long. C'était très long. C'est très long. 2h45, là... Oui, c'est... Les autres aussi étaient longs. Oui, les autres aussi étaient longs, mais lui, il est exceptionnellement long. Mais là, tu n'étais pas 2h30, genre? Attends, je l'ai cité. Le Dark Knight, 153 minutes. 12 minutes de moins. Oh, wow, Big Dun. OK, fait que finalement, il est peut-être pas si long que ça, mais c'est 12 minutes de différence. Puis Batman Begins, je l'ai ailleurs, mais pas en Blu-ray, il est caché dans ma bibliothèque. Ouais, c'est quand même proche 3 heures. Bon, ouais, c'est quand même 3 heures. Budget 250 millions. J'ai pas les chiffres du box-office. Le problème qu'il y a eu, tout le monde sait qu'il y a eu une tuerie pendant une première à Aurora, au Colorado, 12 morts, plein de blessés. Un maniaque qui, opinion personnelle, la peine de mort est active au Colorado. 1 plus 1. Nos sympathies pour le monde qui se sont fait, qui ont perdu du monde dans cette tuerie-là. À cause de ça, Warner a retenu les chiffres du box-office. Ils voulaient pas publier des chiffres par respect des personnes qui sont mortes dans la tuerie. Mais je sais que ça a refait ses frais dans la première semaine. Là. C'était au début. Ils disent que ça a fait moins que The Avengers. C'est ça. Fait qu'ils doivent avoir fait entre 250 et 300 millions là, dans la première semaine. Là. Si on ajoute le 15-16$ qu'on nous a donné hier. Jeudi. Bon, directeur Christopher Nolan, musique c'est Hans Zimmer, un autre grand de la musique hollywoodienne. Christian Bale qui fait Bruce Wayne Batman, Michael Caine qui fait Alfred Pennyworth, Gary Oldman qui fait Commissionnaire Gordon. Ils reprennent finalement le rôle des deux autres films. Anne Hathaway qui est Selina Kyle ou la femme chat, Catwoman. Ouais, grand. Tom Hardy qui fait Bane, Marion Cotillard qui... Marion Cotillard. Ouais. Je pense que je suis... Oui, je suis Indiana Jones, Marion. C'était la... Marion Cotillard qui fait Miranda Tate. Joseph Gordon-Levitt qui fait John Blake, puis Morgan Freeman qui reprend son rôle de Lucius Fox. C'est Morgan Freeman. Morgan Freeman. Hey, qui fait jouer lui-même dans tout Morgan Freeman qui joue Dieu. Dieu sur Mighty. Ouais. Ceux qui connaissent l'univers de Batman ont déjà un spoiler juste quand j'ai nommé le monde qui joue dans le film. Quand j'ai dit Marion Cotillard dans le rôle de Miranda Tate. Non, mais faut que tu connaisses ça. Non, mais ceux qui connaissent savent déjà où est-ce que ça s'en va. Puis, moi, avec Christopher Nolan, j'aurais donné un autre nom au personnage juste pour envoyer le monde sur un autre, dans le champ gauche. Mais il n'avait pas trop parlé avant le film non plus, tu sais. Non, mais... C'était comme pas trop annoncé qu'il était dans le film, son nom était pas trop sur l'affiche, tu sais, c'était comme... Ouais, ben... Au début, ça a sorti quand ils ont pris Marion Cotillard, ils ont demandé quel était son rôle. Elle hésitait à répondre parce que c'était un spoiler, ça répondait. Puis à un moment donné, ça a sorti. Puis même une couple de semaines avant que le film sorte en salle, c'était allé voir Wikipédia pour voir les... Souvent, quand un film s'en vient Wikipédia pour voir qui ce qu'il va jouer dedans, puis où est-ce qu'ils sont rendus dans le tournage, des choses comme ça. Puis tu voyais la liste des acteurs, puis quand t'as vu le nom à côté de son... Quand t'as vu son personnage à côté du nom, ben... Mais moi, je le fais pas, ça, fait que je suis correct. Non, mais tu vois juste qu'elle joue dans le film, puis qui est-ce qu'elle joue. c'est déjà un spoiler en partant. Mais bon, c'est pas bien grave. Fait qu'on se retrouve 8 ans après le Dark Knight. 8 ans. Ok, ouais. Je me fie à toi. C'est 8 ans. Batman, si vous vous rappelez du film de Dark Knight avec le Joker, Batman s'est fait traiter de meurtrier à cause de la mort de Harvey Dent, qui est double face. C'est lui qui a pris le blâme pour la mort d'Harvey Dent parce que Gordon veut Gordon et le maire et la police veut garder ça propre comme quoi c'est un héros et non pas un criminel. Donc on se retrouve que Batman n'est plus Batman. Il est Bruce Wayne cloîtré dans son manoir, a pu voir personne, blessé. Puis finalement, il fait vraiment plus rien. Même le monde pense qu'il est dévisagé, puis que c'est le monde n'a pas besoin de lui. C'est ça. Lui pense que le monde n'a pas besoin de lui. Il est détruit vraiment de la mort de sa copine. Son nom m'échappe. Mais c'est ça. Fait que il est détruit du fait qu'elle est morte dans l'explosion, puis qu'il n'a pas pu la sauver. Si vous vous rappelez la fin de Dark Knight. Le Joker, il dit Rachel est là, le Harvey Dent est là, puis part, t'as la chance de sauver un des deux seulement. Batman part, Gordon part à son bord, Gordon demande qui tu vas sauver, il dit je vais sauver Rachel. Quand il arrive là, le Joker a fait des siennes, pis c'est pas Rachel qui est dans la bâtisse, c'est Harvey Dent. Les deux bâtisses explosent, Rachel meurt et Harvey Dent s'en sauve et devient double face. Donc, c'est ça, 8 ans après, Double Face est mort, Harvey Dent vit encore dans le cœur de Gotham. Il y a une loi qui a été passée qui est le Dent Act. On le veut en anglais, donc c'est ça, la loi d'Harvey Dent qui envoie plein de criminels en prison pour des raisons parfois nébuleuses. Mais en tout cas, Gotham est devenu très tranquille, c'est presque une ville modèle. Puis Batman est plus nécessaire dans ce Gotham-là. La dernière chose, c'est la loi, c'est qu'il n'y a plus personne qui peut plaider l'insanité. Puis il n'y a plus de parole non plus. Là. Tu peux pas être libéré. Tu peux pas être libéré sous caution, puis tu peux pas te plaindre que tu étais débile au moment de commettre le crime ou intoxiqué. Il n'y a presque plus de défense possible. Comme dans notre monde. Fait que tout le monde se ramasse en prison, dans une prison spéciale pour ces criminels-là à Gotham. Puis c'est là qu'on commence. On rencontre très rapidement Bane, qui est le gros méchant du film. Bane, c'est un personnage qui a été tiré des bandes dessinées de 1993. Ceux qui ont suivi ça un peu... c'était une série qui s'appelait Nightfall. Bane a été introduit un peu avant dans une bande dessinée. Il y a un comic book qui s'appelle Vengeance of Bane aussi, qui est la première apparition de Bane. C'est un personnage qui était dédié spécifiquement à détruire Batman dans l'histoire de Batman des comic books. Donc, en 93, DC avait deux équipes qui travaillaient sur des comic books différents. Et Superman et Batman, et les deux avaient eu des idées sans jamais se parler de tuer Superman d'un côté et de détruire Batman de l'autre, puis repartir ça un peu différemment de leur côté. Donc, en 93, Bane est arrivé, et dans les comic books, Bane casse le dos de Batman, puis on se ramasse avec un Batman de nouvelle génération, qui est un gars qui s'appelle Jean-Paul Vallée, si je me rappelle bien, puis que lui, à un moment donné, vire un peu crackpot et n'hésite pas à éliminer les méchants au lieu de les envoyer en prison. Donc, puis là, ça met Bruce Wayne en furie, il redevient Batman, il se guérit, il redevient Batman, défait Azrael, qui est Jean-Paul Vallée, et reprend son rôle de Batman slash Bruce Wayne. Donc, ils ont pris ce personnage, Chris Nolan a pris ce personnage-là comme dernier gros méchant de sa trilogie de Batman et l'a amené dans le film. Il y a des grosses différences, là. Faut pas se leurrer. Nolan a dit publiquement Moi, je prends l'univers de Batman et il l'a fait sien. Il a pas... À sa façon. Il a pas copié, il a pas dit, je vais prendre cette bande dessinée-là, m'en faire un film avec. Il s'inspire des bandes dessinées, il s'inspire de l'univers de Batman, puis il fait un film à son image à lui. Bane, il y a des grosses différences entre le Bane de la bande dessinée et le Bane du film. Bane, dans le film, a un masque qui lui injecte une espèce de calmant pour enlever la douleur et tout ça. Ce que je trouve un peu plate, ils n'ont jamais expliqué pourquoi la douleur, puis pourquoi il y a besoin de... C'est un peu à cause qu'il s'est fait taper dans la prison, mais... Ouais, mais là, je veux dire, il y a plein de monde qui se fait taper un peu. Ouais, je sais, c'est comme ça, c'est une de mes critiques, là, où il y en a plein, il y a des affaires qui sont... Il y a tellement d'affaires pour expliquer, puis ça tient comme pas la route, là, mais ça, c'en est une, c'était comme... Mettons qu'on ne compare pas du tout au comic book, là. Mm-hmm. Toute son histoire de Bane. Pourquoi qu'il y a ce masque-là, c'était comme vraiment pas clair. Non. Mais si on compare au comic book, ben Bane, c'était pas quelqu'un qui voulait s'enlever la douleur, c'est quelqu'un qui voulait devenir plus fort. Exactement. Bane avait des tubes avec un distributeur de venin, ce qu'il appelait le Venom. Ouais. Quand il se l'injectait, il venait plus fort puis il était capable de presque détruire n'importe quoi. Meilleur, pire exemple, Bane dans Batman and Robin de Joel Schumacher des années 90. Ah non! Mais ça, je te dis meilleur pire exemple. Ils ont mis Bane dans ce film-là, part comme étant un petit criminel meg un peu à la Steve Rogers dans un peu comme Captain America. C'est ouais. Ça, Steve Rogers, c'est ça, je m'en allais avec Steve Rogers dans Captain America, où ce qui est petit, chétif, tu le quittes. Il plotte des tuyaux avec du venin, vient incroyablement gros. Correct. Ça, j'avalais. Le fait que après ça, il déplogue un fil, puis qu'il ratisse, puis qu'il crève là, c'était totalement stupide. Mais Bane, c'était ça quand même, en général. Tuyaux partout, s'injecte du venin pour devenir plus fort, se bat, peut détruire à peu près n'importe quoi, sans être arrêté, il devient un tank. Puis, il a besoin de ce venin-là pour rester fort. Dans le film, c'est un masque, ça fait juste enlever sa douleur, ça explique pas sa force. À un moment donné, il se bat contre Batman, puis il frappe sur des piliers, puis tu vois les morceaux de béton qui tombent du pilier. Il est pas supposé être surhumain, il est supposé être en douleur, puis il y a un masque pour enlever la douleur. Fait que ça explique pas son incroyable force, que le venin expliquait très bien. Fait que ce côté-là, j'ai un peu de misère avec le Bane qu'ils nous ont présenté. Mais... Si j'enlève le fait que je le compare au comic book puis je prends Bane pour ce que Bane est dans le film, j'haïs pas le personnage. La seule affaire qui m'a bugué en anglais, c'est sa voix. Ouais. Ah non, c'est impossible. Moi, je pense que j'ai presque rien entendu de ce qu'il disait. C'est très dur d'entendre ce qu'il dit. Puis j'avais l'impression d'entendre Sean Connery parler à travers le masque. J'avais l'impression qu'il avait décidé de faire un film de Star Wars, puis au lieu de dire à James Earl Jones, tu vas faire la voix de Darth Vader, ils ont pris Sean Connery, puis ils l'ont mis dans le costume. Ça fait vraiment Sean Connery qui parle à la Darth Vader. C'est un peu traumatisant de voir... Je comprends que le casting, on voulait un gros gars, là, mais si tu vas cacher comme le trois quarts de la face de quelqu'un, puis que tout ce qu'il dit, il faut que ça passe par les yeux... Mais après, il prend un acteur qui a des bons yeux, tu sais. Ouais, mais il était pas si pire. Mais il avait des petits yeux, ce gars-là, puis le masque était vraiment trop gros, là. Il faisait pas peur parce qu'il était supposé semer la terreur, la peur, puis oui, j'avoue, je suis d'accord avec toi là-dessus, Eric. Ça faisait triste, c'était un maso comme masque. Oui. Ça me faisait un peu rire, hein. C'était comme, ouais, ok, tu sais. En tout cas, moi, j'ai aimé qu'ils prennent, je sais pas, un lutteur. Tu sais, qu'ils apprennent quelqu'un qu'on reconnaît pas, là. Qui prennent un des lutteurs de la WWF, qui fait ses pieds, qui est vraiment plus grand que Batman. Ouais. Parce que là, il était quasiment la même grosseur que Batman. Puis ouais, c'est ouais. Ça, c'est qu'on comprenait rien de ce qu'il disait, c'était horrible. C'était difficile. Il y avait des bouts qui étaient clairs, tu étais capable de savoir ce qu'il disait. Mais c'est en plus, c'était inconsistant. En tout cas, moi, je pense pas que c'est la faute de l'air. Parce que c'est clair que ça a été enregistré après, là, mais c'est vraiment la balance de son dans le film était pas bonne pour ça. Puis en plus, des fois, il y avait des speeches, puis il mettait la musique super fort. Ouais. Il aurait pu tout mettre à mieux quand Bane parle. Ouais, parce que par bout, t'entends absolument rien. Fait que c'est un peu ce qui m'a buggé, parce qu'il y a des bouts où ce qu'il parle, il fait des menaces, puis là t'es comme, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il me semble que tu aurais vu Batman dire... Ouais, fallait que je me concentre. Il me semble que tu vois Batman dire, excuse, j'ai compris. En fait, Bane dans le comic book, si on veut qu'on t'en compte comic book, moi je trouve que Bane dans le comic book, c'est un peu un imbécile, là. C'est tout le temps comme dans tous les autres méchants qui l'utilisent, tu sais. Ben, pas c'est pas un gars qui fait des grandes phrases qui vont changer l'humanité, c'est pas un gars de littérature, là, Bane, là. Non, non, non. Mais... Et là, dans ce film-là, il faisait des grandes, grandes tirades, puis on comprenait rien. Non, non, non. C'est sûr, il faisait un moment donné un speech en avant du public, dehors, en avant du palais de justice, quelque chose comme ça. Puis là, j'imagine le monde qui le regarde dehors en disant, excuse, okay, on applaudit-tu là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que je comprends pas ce qu'il dit. C'est-tu bon, ce qu'il dit, là? Tu sais, si Jean Charest, mais t'en restes en faire passer une vite, tu sais, une grosse tête frisée avec un masque, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais, je veux dire... Je détestais pas, comme je dis, je déteste pas nécessairement le personnage, mais c'est pas le Bane que je connaissais. Mais pour les besoins du film, regarde, il est pas nécessairement méchant, mais oui, je veux dire, au pire, il aurait pu redoubler la voix en studio puis faire la voix par quelqu'un d'autre sans voir cette espèce d'accent scottish, là, accent irlandais ou écossais qu'il y avait, qui était fort. Puis, je veux dire... C'était-tu sa voix ou à ce gars-là? Je sais pas, mais c'est peu importe la voix, c'était qui. Ils ont comme mis un effet spécial par-dessus pour faire comme s'ils parlaient dans un verre. Oh, ouais, ben à la Darth Vader, là, comme si c'était... Oui, Darth Vader, on comprend super bien. Ben ouais, c'est ça. Mais... Darth Vader, il fait des pauses entre ses mots, puis comme ça, on a le temps de comprendre. Mais lui, c'était vraiment garoché. Oh, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça, c'est Bane. C'est le méchant de... tout le long. Vous resterez pas surpris si je vous dis que la première fois, il sac une bonne volée à Batman, puis après ça, il y a un combat revanche à la fin, là. Et puis, c'est Batman qui gagne? Pas de spoiler. Mais, c'est ça, il y a un combat assez épique. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le combat entre Batman puis Bane, le premier combat, ils ont vraiment suivi pas mal le comic book pour la finale. Je vous dirai pas c'est quoi. Si vous avez lu le comic book, vous le savez. Si vous avez pas lu le comic book, vous le verrez dans le film. J'allais l'acheter. Ouais, tu vas avoir la misère à le trouver. J'en ai, si tu veux. J'en ai une couple de copies, ça. Mais c'est ça. C'est pas mal suivi du comic book. Donc, c'était le fun de voir ça. Donc, on a Bane, on a Batman qui se fait faire quand même assez mal, puis qui se fait cloîtrer plus loin. Puis là, Bane prend vraiment le contrôle de la ville. On voit aussi notre chère Selina Kyle, qui est Catwoman au début, qui... vole les perles de la mère de Bruce Wayne quand personne n'est supposé le voir. Donc, elle se fait passer pour une serveuse pour un party. Encore là, ça, c'est un peu nébuleux. Il y a un gros party chez Bruce Wayne, mais Bruce Wayne, ça fait 8 ans que personne ne l'a vu. Mais il y a un party chez eux pareil. Pourquoi? Comment? C'est pour la mort de Harvey Dent. Ouais, mais quand même, pourquoi faire ça chez eux, chez un gars? Je comprends pas après 8 ans non plus pourquoi ils font ça. Ouais, ben c'est parce que... Mais parce que le majordome était tanné de le voir enfermé puis essayer de le faire ressortir pour le mettre un peu plus au niveau social. Non, ouais, ça a pas marché. Non, mais honnêtement, ce que je dis, c'est... Tu sais, quand ça fait un an qu'une personne est morte, tu sais, souvent tu fais une affaire à l'église ou whatever. Ouais. Mais là, ça faisait 8 ans, tu sais, puis il y avait encore le... Ouais, mais ils ont expliqué ça comme étant le Harvey Dent Day, qui est une journée fériée maintenant à Gotham. Okay. Fait que c'est comme une journée spéciale, fait que c'est comme une fête à chaque année. Fait que ça faisait 8 ans, fait que là, ils ont fait un gros party, mais regarde, ils auraient pu le faire ailleurs que chez Bruce Wayne, là, mais en tout cas. Fait que là, notre chère, mais ça prenait une raison pour mettre Catwoman là, puis fait qu'elle est là en petite serveuse bien ordinaire, puis là, elle s'en va, elle se porte volontaire pour aller porter le souper à Monsieur Wayne en haut. Alfred, il dit, tu débarres la porte, tu mets le cabaret sur la table, tu barres la porte, tu t'en vas. Elle prend ses aises, elle visite. Elle vole les perles. On la voit jamais voler les perles, par exemple. On la voit pas faire. On sait juste que Bruce Wayne arrive à un moment donné, le coffre est ouvert, puis elle a les perles dans le cou. Puis là, elle dit, ben tu peux pas partir avec ça. Un petit peu d'humour. On voit vraiment, là, on la voit pas en Catwoman, on la voit en Catwoman plus tard. Arrogante, si on veut. Un petit peu arrogante, un petit peu sûre d'elle. Ça, c'est la meilleure interaction du film. Ouais. Parce que elle, c'est le seul personnage qui était vraiment égal au comic book. Parce que Catwoman, c'est tout le temps comme elle est bonne puis elle est mauvaise, selon ce qu'elle a besoin. Ouais, c'est ça. Puis il y a cette espèce d'attirance, d'attraction entre elle et Batman, et elle et Bruce Wayne aussi. Ouais, qui ne savent pas nécessairement qu'ils sont. Ils connaissent pas leur personnage, leur identité secrète et leur super-héros, mais à un moment donné, ils le savent, là. Mais c'est ça, au début, ils le savent pas, fait qu'ils ont une attirance et Catwoman envers Batman, et comme il dit, et Bruce Wayne envers Selina Kyle. Puis, Je n'ai pas senti, par exemple, au début, au niveau des perles, là, de l'attirance. Non, ouais, il ne devait pas en avoir pas. Ouais, au début, tu vois qu'il est un peu comme fâché qu'elle aille voler les perles, mais d'un côté, il a l'air comme un peu, tu sais, il est fâché, mais pas. Tu sais, il est pas... J'aurais sauté dessus pour dire, regarde, je ne pas avec. Fait que, elle sort avec les perles. Des ouais, c'est ça. Il y a un traceur d'un perle, fait qu'il est capable de savoir où est-ce qu'elle est. Il trouve facilement son nom, son adresse, puis là, c'est un peu ce qui donne le goût de redevenir Batman, faire un petit job de détective, à savoir c'est qui ce fille-là, pourquoi qu'elle vole les perles, puis là, il décide à un moment donné de reprendre les rênes puis de redevenir Batman quand Bane arrive en ville, quand il apprend que Bane est arrivé, même s'il n'a pas fait encore grand-chose. Il reprend son rôle de Batman pour aller régler le problème. Comme on disait, Batman se fait maganer, pas pire, par Bane à un moment donné. Il est exilé, mis en prison par Bane, puis là, ils prennent le contrôle de la ville, puis ça commence à barder. Je dirais que c'est moins sombre et violent peut-être que Dark Knight avec le Joker. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui meurt, mais c'est moins... C'est générique. Ouais, c'est pas le côté rough un peu où ce que dans Dark Knight, le Joker met une bombe à l'intérieur d'un gars en ouvrant le ventre avec un cellulaire qui sonne pour le faire exploser. Ça va pas à cet extrême-là. Bane est très méthodique et très intelligent dans le film. Son plan qu'il veut faire, c'est pour ça, là, c'est, ça donne rien de mettre ça dans le corps d'une personne. Non. Ce qu'il vise à faire est bien plus grand, là. Ouais. Puis lui, il envoie des policiers à la recherche de sa gang dans les égouts. Il fait sauter, les entrées des égouts. Les policiers sont pris à l'intérieur, sont pas morts, sont prisonniers. Fait que la ville est comme libre d'être capturée par eux autres. Chaos. Chose un peu nébuleuse, le gros réacteur nucléaire qui peut donner d'électricité, d'énergie propre à Gotham, et si ça fonctionne à d'autres villes, c'est le gros projet de Bruce Wayne et de Miranda Tate. Puis finalement... Il est supposé d'être là pour pouvoir donner toute l'énergie pour que la ville au complet. C'est ça. Puis en deux temps, trois mouvements, ça se transforme en bombe nucléaire. Ouais, mais c'est supposé être assez stable et tout ça, puis là, il arrive, puis là, on entendait, oui, ça pourrait se transformer en bombe nucléaire, ça prend comme 30 secondes au gars à transformer ça en bombe nucléaire, puis c'est fait. La scène du stade qu'on voit dans le preview, on le voyait, le stade qui se détruit parce qu'ils font exploser les tunnels, puis tout ça dans la ville, c'est bien fait, ça t'amène vraiment... le fait que Gotham est perdu aux mains de terroristes, puis que il y a pas grand chose que la population peut faire, même qu'à un moment donné c'est un peu comme un premier. Ouais, ouais. Mais tu te demandes vraiment comment est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, parce qu'il y a du monde là. Il y en a du terroriste qui sont vraiment contrôlés. On s'aperçoit vraiment que Bane a le contrôle total sur ces hommes, puis on comprend pas trop pourquoi non plus. On le comprend un peu plus tard, mais on donnera pas de punch. Mais un moment donné, quand ils sont dans l'avion, la scène de l'avion, direct en partant du film, où ce qui enlève le scientifique russe justement pour la bombe nucléaire, puis tout ça, puis qu'il y a l'avion, il capture l'avion, les ailes arrachent tout, puis il transporte juste la carlingue. C'était bien fait. Ouais, c'était super bien fait. Puis là, un moment donné, il arrive pour se sauver, puis un de ses acolytes s'en vient pour se sauver, il dit non, il dit. Ça prend un de nous autres comme cadavre dans le crash pour que ça ait l'air, tu sais, réel. Le gars se rassoit dans son siège puis il attend de crever, tu sais. Il lâche la carlingue avec l'autre avion, la carlingue s'écrase à terre, tu sais que le gars est mort. Fait que, il contrôle vraiment son monde, c'est comme assez incroyable. Moi j'ai trouvé que c'était un excellent film, c'est une bonne fin à la série des trois films de Christopher Nolan. Je donnerai pas vraiment plus de détails du film, parce que je veux pas spoiler, je veux que le monde aille le voir. Mais moi, je veux entendre de ce que Eric aussi va dire. C'est ça, mais je veux pas trop spoiler de mon côté. Toi, Eric, pourquoi tu finalement trouves que c'est plus poche que... Ben, moi, le premier, j'avais bien aimé. Le deuxième, j'avais trouvé que c'était trop long, puis que, comme les autres films de Batman avant, ils font tout le temps l'erreur de mettre trop d'ennemis, parce que, dans celui avec le Joker, c'est tellement un gros personnage. Moi, j'avais pas compris pourquoi il avait amené Harvey Dent là-dedans. Ben, en fait, évidemment, c'était pour faire son troisième film, mais c'était comme t'avais une fin avec le Joker, puis après une fin avec Harvey Dent, c'est comme ça finissait plus. Puis là, dans celui-là, c'est la même chose. Il y a tellement de personnages. Puis il y a des gaps bizarres. On dirait qu'ils se téléportent tout le long du film. À un moment donné, ils sont dans la pièce où ils se font juger. Ouais. Puis ils se font transporter dans le corridor. Puis là, après ça, Bruce Wayne y arrive. Puis là, après ça, ils sont ailleurs. C'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe, là? C'est vraiment bizarre. Le fait que Batman, c'est vraiment une mauviette dans ce film-là, là. Je veux dire, il gagne aucun de ses combats dans le fond. Il s'est toujours aidé par tout le monde. Tout le monde le pousse dans le derrière. C'était pas vraiment un personnage principal très, très motivé, là. C'est long avant qu'on le voie vraiment redevenir Batman aussi. J'essaie de pas comparer aux autres Batman d'avant pis tout. Je me dis, OK, on prend le Batman qu'il y a, mais là, en plus, il décide d'arrêter d'être Batman parce que sa blonde s'est fait assassiner. Sauf que ce qui l'a motivé avec Batman au début, c'était que ses parents s'étaient fait assassiner. Je comprends pas sa motivation, je comprends. Ses parents se sont assassinés, c'est l'enfant la plus traumatisée, il dit, OK, je vais empêcher le crime. Puis là, ben, sa blonde se fait tuer, fait qu'il fait, oh ben, fuck it. Moi, je suis plus capable, j'arrête. La police a réussi à arrêter tous les méchants. Ouais, il y a une question qui a peut-être pas rapport, mais c'est, à la fin du deuxième, il avait mis le Joker en prison, puis là, ben, toutes les prisons sont libérées, puis Joker, il est nulle part. Ouais, mais... En tout cas, ça, c'est bizarre, mais... Il avait parlé, à un moment donné, il y avait des rumeurs qu'il utiliserait des scènes qui avaient été tournées avec Heath Ledger du Joker qui n'avait pas été utilisé dans le Dark Knight. Mais finalement, il a décidé d'aller contre ça puis juste pas utiliser le Joker. C'est quand même un côté respectueux pour le fait que Heath Ledger n'est plus là. Donc, c'est ça. Je comprends qu'il ne peut plus l'utiliser, mais en tout cas, ça, c'est juste un à côté. Mais pour revenir au film, qu'est-ce qu'il y avait? Dans ce film-là, tout le monde sait c'est qui Batman. Ça, c'est vraiment énervant, parce que je veux dire, l'idée, c'est que Batman, comme on disait avec Catwoman, il date Catwoman comme Bruce Wayne, puis il date Catwoman en tant que Batman, puis il n'est pas supposé le savoir. Mais là, dans ce film-là, tout le monde le savait. Le gars qui, on ne spoilerait pas, mais le jeune policier, que moi, je l'ai vu venir, c'était quoi la fin du gars-là, mais... Lui, il sait c'est qui Batman parce qu'il l'a vu une fois quand il était jeune. Fait qu'il fait, c'est toi Batman, blabla. Là, Bane, il sait c'est qui Batman. Fait qu'il peut bien dire à tout le monde c'est qui Batman. Ben, de toute façon, il... Fait qu'à partir de ce moment-là, dès qu'il y a 4-5 personnes qui le savent, ben, en théorie, toute la ville peut le savoir, là, Bane, il peut juste le dire à tout le monde. Ouais. Ouais. En tout cas, puis là, son premier combat aussi avec Bane, là, il est pas en forme, parce que ça fait comme 8 ans qu'il se pogne le cul. Fait que là, il s'en va, il se fait péter ailleurs. Puis là, il s'en va dans le pit. Puis là, après juste quelques semaines de physiothérapie, il revient dans... Tu sais, je veux dire, quand ça fait qu'il serait plus fort, là. Ouais, il est absolu. Il était déjà pas fort au début, il se fait taper à gueule, il a le dos fucké. Il revient, puis là, il pense qu'il est capable de battre, tu sais. Ouais. Je pense que je trouvais ça bizarre. Je trouvais que ça tenait pas vraiment la route. L'affaire, je pense que la plus grosse affaire qui tient pas la route, c'est que toute la police s'en va dans les égouts. Ouais, c'est ça. Et toute la police, là. Voyons, tu sais, je veux dire, il y a un terroriste dans les égouts de la ville. Le sens s'appelle l'armée, là. En tout cas, c'était vraiment bizarre, là. C'était comme on dirait qu'il a écrit le scénario, puis à un point, il était comme fourré. Il disait, parfois, je trouve une manière d'enlever toutes les polices de la ville. Les gars, tout le monde dans les égouts. Les gars se font mourir même s'ils sont dans les égouts. Il me semble, en tout cas, je sais pas si t'es bien pis tu veux éliminer la ville. Pourquoi t'enverrais de la bourse pis tout pour que les policiers puissent survivre. Ouais. Mais surtout que la bourse était rationnée, là. Ouais, mais ils voulaient plus inclure aussi de la terreur, c'est ça que je disais, là, son thème. De ouais, ils sont en dessous de la terre. Parce que sinon, regarde, éliminés, là. Ils sont en dessous de la terre, fini. Mais c'est ça, ils sont en dessous de la terre. Puis personne qui est vous, là, je comprends pas pourquoi t'es laissé pas crever de faim. Ouais. Puis en plus, ils passent comme 5 mois sous la terre, il y en a un qui a une barbe. C'est ça, ouais, ils sont tous clean. Non, mais c'est juste qu'on est propre, tout va bien. C'est comme s'il y avait des toilettes, là, tout allait bien, là. Mais ça, on t'a raison, en perdre une coupe, ils sortent de là, leurs habits sont tous propres. Ouais, ça, ça met une autre scène qui est comme complètement horrible, c'est la bataille dans la rue d'une de Braveheart. Ouais. Quand les ennemis qui ont tous des AK-47, qui ont des policiers avec des bâtons, ils les laissent courir, tu sais. Ouais. Ils ont deux tanks avec des missiles, ils tirent pas personne. Ben, il détruit juste un des trois tanks. Ouais, ouais. Ça, ça faisait comme un content. Puis là, ils sont tous là à se taper sa gueule, tu sais, comme des épais. Ça, c'est une autre affaire. Il y a un policier qui mène cette troupe-là aussi. C'est un personnage qui était vraiment faible. C'était quoi son nom? Foley, c'est ça, Foley. Ouais, ouais. Le policier qui aime pas le commissaire Gordon, lui, c'était comme... C'était vraiment un personnage qui était là comme... Je sais pas pourquoi, là, au début, là, juste parce que Gordon est pas game d'arrêter Batman, je sais pas quoi, là. Ouais. Donc, il décide d'être une mauviette, il va chez eux se cacher, ouais. Il décide de sortir enfin pour la bataille, puis il meurt de façon vraiment poche, là, c'est des jolis spoilers, là. Ouais, ouais, c'est une pâle, genre, pis c'est, yeah, c'est tout, là. Ça a pas topé longtemps. Il y avait l'autre aussi, le policier, là, celui qui sait c'est qui Batman. Là. Ouais, c'est ça. Lui, c'est comme il a peur d'utiliser un gun, mais c'est une police. Ouais, il tire deux gars parce qu'il... Il tire un gars, puis là, il jette son arme à terre parce qu'il est traumatisé, mais après ça, il prend un 12 puis il s'en va à chasser du monde. Ouais. Gordon, dans le film, était vraiment comme... Il était inutile, là. Je sais pas ce qu'il faisait là. La grosse idée du film aussi, c'était supposé à cause du... Tout le fait que c'est un mensonge, là, la loi de Harvey Dent, que Harvey Dent c'était pas un bon gars, donc sa loi devrait pas être bonne, là, qu'ils ont menti à tout le monde depuis le début, c'était la grosse déclaration qu'il veut faire au début, mais qu'il fait pas, que Batman n'est pas responsable de la mort de Harvey Dent. Sauf que là, à la fin, il arrive, il dit, ah, c'est un mensonge, je sais pas, de la fin, ce qu'ils sont chez eux, là, puis qu'ils amenaient tout ça. C'était comme, oh wow, ok, c'est supposé être le gros climax du film, ça, je sais, parce qu'il y avait trop, d'histoires en même temps, celle-là, on s'en serait passé, ouais. La bombe nucléaire qui va péter dans 5 mois, je sais pas si vous le savez, là, mais les bombes nucléaires, le plus longtemps qu'ils restent en storage, le moins qu'il y a de chance qu'ils explosent. Ouais, mais c'est... Comme un explosif, là. Elle a se désagrégé, là, ça. Ouais, c'est juste dégradé. Il y a plein de balles comme de rien, ça, il n'y a aucune réaction qui se passe à l'interne. C'est du méchant couvert. Ouais. En tout cas, ça, c'était une autre affaire qui avait été commis là-dedans du croche. La poursuite en camion avec la bombe nucléaire, donnera pas de spoiler, là, mais il y a quelqu'un qui meurt sur le siège d'en avant, et le gars qui est en arrière avec la bombe qui se promène sort intact. Ouais. Il reste 1 minute 27 secondes pis il commence à se frencher. Moi, la première moitié du film, j'embarquais, mais à un moment donné, ça commençait à être de plus en plus d'affaires qui tenaient pas de bout, là. On dira pas comment il se fait battre, mais c'était un peu poche, là. Ben, non, mais je trouvais ça correct pareil. Parce qu'il y a pas eu de combat final entre Bane pis Batman. Ben, il y en a pas eu. T'sais, Batman, il y a comme... pas battu Bane, vraiment, tu sais. Ouais, là, donne pas trop de spoiler. Et je veux dire, en tout cas. Non, je sais ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai pas détesté ça, surtout la réplique qui vient avec, là. Je trouvais ça comique. Constance, mais je veux dire, c'était comme pas, en tout cas, c'était pas ça. Non, non. C'est sûr, la façon dont toi tu expliques maintenant, ça me fait réaliser que oui, ce que tu dis, c'est vraiment pas faux. Fait que ça a du sens, mais ça me le rabaisse pas au fait que moi, j'ai pas lu les comic books. Puis Batman, c'est pas un de mes, comme tu disais, c'est pas un de mes super-héros à moi. Mais en tant que film, même trilogie, ça fait partie de moi, de ce que j'ai adoré, même si j'en ai vu dans le passé. Puis même celui-là, j'ai vu de l'action. Écoute, je sais pas si c'est dû au 7.1, mais quand que, bon, un de ses autos se met à à faire vroom vroom, là, ça pète pas à peu près, mais donc pour moi, qui aime le genre d'action, puis le super-héros, puis Pierre Parcours, c'était quand même de l'ensemble bien, là. Tu sais, malgré tout ce que tu dis au niveau du scénario, puis des fois que oui, ça ne tient pas debout, là, mais bon, c'est ça. Mais tu mets ton cerveau à off quand tu regardes le film. Ben moi, c'est ça que j'ai fait. J'avais lu un peu avant sur ce qui se passait tout, mais je suis allé là avec, je me suis assis, puis j'ai arrêté d'essayer, j'ai pas voulu essayer d'analyser pendant le film. C'est sûr, c'est le genre de film que, un coup, tu vas l'avoir vu, tu vas t'asseoir, tu vas y repenser, puis tu vas commencer à trouver des trous dans le scénario ou trouver des affaires qui collent pas nécessairement au comic book. Moi, ce que je me suis dit, c'est le fun factor. C'est pendant que je regardais le film, le film a-tu atteint son but de me divertir? Ouais. Puis pour moi, la réponse, c'est oui. C'est ça. Puis ça, il l'a quand même fait comme il faut. Fait que je suis pas déçu du film. Je l'ai même aimé. Puis vraiment, mec, qu'il sorte en Blu-ray ou en DVD, je vais l'acheter pour compléter la trilogie. Je trouve que ça permet bien. Oui, le film est pas parfait, mais je veux dire, pour moi, le but d'un film, c'est de me divertir, puis de me faire embarquer dans l'histoire, puis le film a réussi à faire ça. Je suis peut-être trop un bon public. Ouais, mais de tout ce qu'Éric dit, là, ça tient son bout. Là. C'est ça l'affaire, là, c'est une de ça. Ouais, c'est pas fou, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est des affaires que, la tête reposée, un coup, tu as vu le film, puis tu l'analyses, c'est des affaires que tu vas voir. Ouais. Puis après ça, tu le prends en compte ou tu le prends moins en compte. Ça dépend toujours de comment tu réagis à ça. Moi, je l'aime pareil. Oui, tout ce qu'Éric a dit, c'est vrai. Il y a des faiblesses dans le scénario. C'est pas parfait. Mais j'ai eu du fun pareil. Ouais, regarde, il m'a même blasté mon Braveheart, là. Brave. Non, mais parce que les deux premiers marchaient super bien. Moi, c'est ça que j'ai trouvé que ça comme tombait de... Tu sais, le premier, c'était très bon. Le deuxième, était pourri. Puis lui, son trip, c'était de prendre Batman, puis Batman dans un monde hyper réaliste, tu sais. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être de se faire une Batmobile hyper fancy, conduit une espèce de tank. Tu sais, que ses gadgets sont un petit peu plus réalistes, puis tout ça. Ça allait quand même bien, là. C'est sûr qu'il y a tout le temps, en tout cas, depuis le premier, il y a l'affaire avec Ra's al Ghul, là. Parce que Ra's al Ghul, dans tout le comic book de Batman, c'est pas mal le seul ennemi de Batman qui a des pouvoirs magiques, dans le fond, tu sais. Ouais. Parce qu'il a une vie éternelle, il peut se téléporter, blablabla, là. C'est ça, parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'il prenne cet ennemi-là dans son espèce de monde plus réaliste. Ouais. Mais à part de ça, comme le Joker, ça marchait, il y a une espèce de psychopathe, toute son histoire. C'est vraiment en fin du deuxième. Moi, je trouve que ça devenait bizarre avec Harvey Dent. Je comprenais pas pourquoi t'avais un ennemi aussi bon que le Batman, que Joker, qui c'était toute son histoire de Joker. Puis Harvey Dent était dans le fond un bon gars là, jusqu'à temps qu'il se fasse fondre la face. Là. Ouais. Puis là, pourquoi on a besoin d'un deuxième vilain juste à la fin comme pour faire peut-être sauter ça? En tout cas, j'avais laissé passer, là. Ouais. Ben, c'est pas mal probablement pour préparer la table du troisième avec le Dent Act puis le fait que Batman est un criminel, puis tout le kit, là. Mais c'était juste pour le Dent Act, il aurait pu trouver n'importe quoi d'autre pour justifier tout le monde en prison, tu sais. Ah oh, ouais. Mais... Tu comprends pas. Si c'était pour le troisième film, je comprends pas. Puis dans le troisième film, en tout cas, moi, encore une fois, je trouvais qu'il y avait comme... Tu sais, ils ont même enlevé des personnages à un moment donné. Alfred s'en va, tu sais. C'est comme, OK, là, je trouvais que le monde n'avait pas assez de temps d'écran non plus. En plus, c'est un film qui est long, tu sais. Ah oh, ouais. Tu sais, Catwoman était super intéressante, puis dans la deuxième partie du film, elle disparaît complètement. Puis elle revient plus vers la fin. Ouais, c'est sûr, à un moment donné, t'as vu plus gros. Ça, c'est plus centré sur Bruce Wayne, mais c'est correct parce que ce qu'on veut voir, c'est Batman. Moi, je trouve qu'on le voit pas assez nécessairement, Batman. J'aurais aimé le voir plus. Puis, tu sais, je veux dire, Batman, dans la trilogie de Nolan, il fait de l'antiterroriste. Ouais. Et puis Batman, ça a tout le temps été un gars qui se bat contre des petits criminels, tu sais. Ça a tout le temps été ça, sa force. Ouais, puis, mais il y a des super vilains aussi, là. Mais... Oui, mais c'est ça, c'est que les seules personnes qui sont capables de tenir tête à Batman, c'est des Joker, des Two-Face, c'est du monde comme ça. Parce que le restant du temps, je veux dire, il est capable de sacrer une volée à 5 cigares en même temps. Oh, oui. Il y a tous ses gadgets et tout. Puis dans Batman 2, il y avait, si je veux, dans ses combos, c'était Piff-Puff, c'était, en tout cas, moi, je trouve ça, il y avait le combo contre Bane, le premier, qui était vraiment bien, mais après ça, c'était moins. Un peu plus. Puis, tu sais, Christian Bale, en tant que Batman, je trouve qu'il fait un bon Batman, tu le quittes, mais ce qui m'a toujours tapé ses nerfs, c'est ce que je parlais à Simon, qui ont l'air d'avoir arrangé un peu dans le troisième. Dans le deuxième année, il y a une couple de scènes où ce que tu vois vraiment Batman de face, puis pendant qu'il parle avec Gordon, on a fait la même, puis je trouvais que sa face était trop petite pour le masque qu'il avait mis, puis ça me fatiguait. Puis ce qui me fatigue avec aussi, puis ça, j'ai remarqué ça quand j'ai re-regardé The Dark Knight, à un moment donné, à la fin du film, il sert de toutes les cellulaires comme une espèce de gros radar pour essayer de trouver le Joker dans quelle bâtisse qu'il est. Puis il est tout seul dans une salle avec Lucius Fox. Puis Lucius Fox pète sa balloune parce qu'il dit c'est pas correct d'utiliser les cellulaires du monde pour faire ça. Moi, je donne ma démission. Puis il dit, tu donneras ta démission après avoir fini, après m'avoir aidé pour ça. J'accepte ta démission, mais tape ton nom, puis la patente va se péter. C'est parce qu'il est tout seul dans la salle avec Lucius Fox, puis il parle à la Batman. À se forcer à la gorge. Regarde, il sait qu'il t'est. Parle normal. T'sais, t'es pas obligé de te forcer à la voix. Puis, je trouve par bout, on dirait qu'il. Je sais pas s'il a surjoue, mais quand il essaie de faire sa grosse voix de Batman grave pour pas se faire reconnaître, je trouve que c'est trop. Mais on dirait qu'il force trop. Aiguë, c'est ça, on dirait qu'il force trop sa voix. Je trouve que ça accroche un peu. Mais pour le reste, je veux dire, il est correct, là. Ça fait un bon Batman, même si dans les comic book, Bruce Wayne, il est large puis il est gros. Là. Mm-hmm. Christian Bale, c'est pas ça. Là. Il est plus mec sec, mais je veux dire, il fait un bon Batman pareil. Là. Ça a eu de l'allure, mais regarde, ça... Je sais que les acteurs jouaient toute leur partie, mais en fait, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de temps pour développer quoi que ce soit. Puis, je veux dire, Batman puis Gordon, ils se parlent quasiment pas dans tout le film. Je veux dire, je pense qu'il y a une scène où il dit que c'est Yankee, mais... Il dit, ouais, c'est un team Batman puis Gordon. Dans le comic book, puis dans les deux premiers de Nolan, c'est vraiment un team, là. Il prête sa Batmobile, là, tu sais, pour aller dans le premier, puis tout. Puis là, dans le deuxième, ben, c'est Gordon est à l'hôpital, puis après ça, il s'en va à une autre place, puis c'est tout. Ouais. Avec les six policiers qu'il a réussi à ramasser. Ouais, il n'y a pas trop d'interaction avec. Il y a une interaction qui est le fun entre Gordon et Batman, oui. Puis, en tout cas, on ne spoilera pas, ça s'en va sur une autre direction vers la fin. Puis, que le monde aille le voir ou le loup, mais qui sort en DVD, puis vous ferez votre propre idée pour le reste. Mais, tu dois être très propre d'ailleurs, ça. Ben, quand il dit son nom et tout, là, non. Ouais, ça, j'ai trouvé ça un peu cheesy, là. Mais quand il va chercher un sac, puis il dit que tu devrais utiliser ton nom complet à la fin. Ça, j'ai trouvé ça un peu cheesy aussi, là, mais en tout cas, c'est... Moi, je le vois pas depuis le début, là. Ouais. Avant ça, j'avais dit, OK, lui, c'est ça qu'il va faire dans la vie, là, mais... En tout cas, encore une fois, il y avait plein de fins. Il y avait ce fin, là. Il y avait la vraie fin. Il y a comme... Ça finit plus. Non, il y a une couple de... Le film finit une couple de fois, là, mais oui. Mais, regarde, moi, je peux pas dire au monde de pas aller le voir. Moi, je dis au monde, allez le voir, faites votre propre opinion. Ouais. Ce qui est le fun avec ce film-là, c'est autant qu'il y a du monde qui l'ont adoré, il y a du monde qui l'ont autant détesté. On peut voir, c'est ça. Fait que t'as du monde qui vont lui donner un 9.5, puis t'as du monde qui vont lui donner un 2 sur... un 2. Exact. Fait que c'est ce qui est le fun. Parce qu'on voit que... Ça fait parler les gens aussi. C'est ça. Donc allez le voir par vous-même et faites-vous une idée. Là. C'est ça. Puis vous nous direz ce que vous en pensez, sans spoiler. Et voilà. Fait que c'est pas mal ça. On va finir avec ça. Notre dernier podcast de CJUAP. Donc... Merci à tous. C'est vrai, je voulais prendre 30 secondes. On a eu 2 emails. Ça s'adresse à tout le monde. On a eu un email de Max Tremblay de l'épée légendaire. Max qui nous écrit « Salut la gang de C'est juste un autre podcast. Les podcasts au Québec sont nombreux et il y a beaucoup de mouvements dans ceux-ci. De nouveaux arrivent et d'autres nous quittent. Cette nouvelle matrice pour votre émission. Comme on dit souvent, souvent les meilleurs qui partent en premier. Bon, merci Max de checker dans le mal. Je profite donc de l'occasion pour vous remercier de ces 12 épisodes bien garnis, en plus de ceux d'Histoire de Gamer. Vous avez occupé une place dans mes oreilles durant la dernière année et je vous en suis reconnaissant. C'est donc en mon nom et celui de toute mon équipe que je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets futurs, car croyez-moi, la fin d'un projet n'est pas la fin en soi, mais bien un recommencement vers quelque chose qui souvent est encore plus grandiose. Un auditeur fidèle, Maxime Tremblay, l'épée légendaire. Bon, c'est ça, Maxime, hein, toi, des projets, t'en as presque pas. T'as l'épée légendaire, t'as ton club gamer, puis là, tu viens de te joindre à nous autres pour Secteur 42, fait que s'il y a quelqu'un qui a des projets ici, c'est bien Max. Puis Max, ben c'est lui qui est en charge d'éditer puis de mettre le podcast en ligne pour Secteur 42. Fait qu'il y a ça à faire, il y a son épée légendaire à faire, plus le site de Club Gamer à s'occuper. Fait que ça puis fait. Puis on sait qu'éditer, ça prend pas du temps, pas en tout. Hein? Non, ça fait ça c'est du stock. On a aussi. Alors, c'est tout ce que Max Tremblay travaille en technologie, puis le monde en technologie sont assis devant un ordinateur à rien faire toute la journée. C'est sûr. Ça doit être ça. Il doit éditer son. Ceux qui ont écouté de IT Crowd au moins une fois. Ouais. J'ai vous éteint et rallumé. Après ça, on a un autre email de Alex Pinault. Alex, il dit « Salut, j'ai appris en même temps que tout le monde que vous alliez enregistrer votre dernière balado. Je vais être honnête, je ne suis pas un de vos auditeurs les plus assidus. » Bon, ben merci pour ton courriel, Alex. bon, il continue, mais ça m'a quand même fait quelque chose d'apprendre que vous alliez arrêter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts, mais il est faux de dire qu'ils se ressemblent tous. Tous ont quelque chose de différent à offrir. Plusieurs personnes ne réalisent pas toute l'importance du travail que ça demande la préparation d'un podcast, moi y compris. Car à terme, le plus important, c'est le résultat. Si CJOP ne fait pas partie des podcasts les plus téléchargés au Québec, ce qui compte le plus, c'est la qualité de chacun des épisodes et le plaisir que vous avez à parler et celui que nous avons de vous écouter. Nous comprenons votre décision d'arrêter la production du podcast et nous l'acceptons. Nous sommes tous des êtres humains, nous ne pouvons pas nous permettre de tout faire dans le temps qui nous est donné. Il y a aussi une petite partie pour moi plus personnelle, mais ça je vais le garder pour moi. Non. il faut juste me dire, ok, je vais vous dire, pour Luc, j'ai l'impression que tu sous-estimes grandement l'intérêt des gens pour tes projets. Sache que j'ai un énorme respect pour toi et ton équipe à cause de votre soutien à Lucan et j'espère que tu comptes continuer de soutenir ouvertement la cause dans les années qui viennent. J'ai été soulagé d'apprendre que tu continuais les histoires de gamers. J'espère que le rattachement au petit podcast de l'Empire de Factor Geek va te donner davantage de visibilité car tu le mérites. Je souhaite la même chose à Eric pour sa chronique chèque de paye. Lâchez surtout pas, Alex Pinault. Wow. Fait que, c'est ça. Je voulais garder la dernière partie. Mais c'est vrai qu'il parle d'Eric à la fin, mais je voulais garder la dernière partie parce que c'était pas seulement plus personnel, mais je suis pas du genre à. Comme on dit en anglais, blow my own horn, fait que me m'auto-congratuler. Fait que quand il me dit que je mérite plus de visibilité, mais je l'ai pas nécessairement. C'est ça. Mais c'est moi ça. Fait que merci beaucoup Alex, merci beaucoup Max. J'ai reçu aussi des messages sur Twitter de monde qui sont déçus qu'on arrête pis tout ça, là, mais bon, comme j'ai expliqué, c'est une raison plus personnelle. J'ai besoin de temps pour faire d'autres choses puis régler d'autres petites affaires. Donc, je dis pas que ça reviendra jamais. J'ai toujours dit que je disais pas que ça reviendrait jamais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet à court terme de recommencer là, dans un avenir approché. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 12 épisodes. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça, à jaser ensemble. Merci Eric de t'être joint à nous il y a quelques épisodes. Je suis extrêmement content que la gang de Factor Geek t'aille recruté et que t'aille faire ça avec eux autres, parce que je pense que tu le mérites. Tu fais une bonne job puis Oui, monsieur. Ça a été le fun que tu écrives sur le site. C'est toi qui donnais un peu de vie au site parce que moi, j'ai pas le temps. Il n'y a pas personne entre nous autres qui a le temps de mettre du stock sur le site. Fait que c'était vraiment comme quand tu t'es dit intéressé, puis au début, c'était pour aller au E3 puis ces choses-là. Regarde, t'as essayé, ça n'a pas marché. Mais je voulais te garder pareil parce que tu as été une bonne addition à notre petite gang. Ça a été bien le fun. Puis, fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être venu avec nous autres pour les épisodes que tu as fait. Merci d'avoir mis des articles sur le site. Pour les gens qui s'intéressent. Ben aussi, ça montre qu'il nous a pas lâché, mais non. Tout ça a pas tombé. Fait que merci, c'est, ouais. Il est encore là à soir. C'était le dernier épisode. Il aurait pu décider. Je suis un facteur du tien maintenant. Sacre-moi patience, le gros. Mais non, il est ici avec nous autres pareil à soir. Fait que merci pour ça. Le site, ceux qui s'intéressent, le CJUAP va être encore en ligne au moins pour un an. Comme j'ai dit sur le site de Factor Geek, sur le podcast de Factor Geek quand j'ai appelé l'autre fois, le loyer est payé. C'est ça. Fait que les domaines ont été renouvelés. Ouais, ben les nouvelles, les domaines ont été renouvelés pour une autre année. Donc le site va rester ouvert au moins pour un an. Il n'y aura pas de mise à jour dessus parce qu'il n'y aura plus de podcast à part celui-là. Puis le prochain Histoire de Gamer, après ça, il n'y aura plus grand-chose qui va se passer sur le site. Mais tes chroniques vont rester là. Si le monde veut aller relire des chroniques que tu as écrites avant sur le site, ça va rester là. Les podcasts vont rester là quand même. Ceux qui veulent aller les télécharger ou les écouter directement sur le site vont pouvoir le faire. Les chroniques sont sur un Tumblr, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Donc ça, il n'y a pas de nom de domaine à ça. Non, mais s'ils viennent sur le site de CJUAP, il y a un lien vers tes chroniques. Vers ton Tumblr que je t'ai transféré pour tes chroniques. Fait que si le monde veut aller les lire, ils peuvent passer par là. Ou en même temps que les podcasts vont rester disponibles sur iTunes. Je les enlèverai pas. OK. Tant que le site va être là, le fil RSS fonctionne. Fait que tant que le fil RSS va fonctionner, puis Apple décidera pas de changer son standard une autre fois, les podcasts vont rester disponibles. La journée que Apple va décider que mon serveur de MP3 fait plus la job pour leur standard, ben les podcasts vont disparaître, mais ils vont rester quand même sur le site. Pourquoi je dis ça, c'est que j'ai essayé de partir un feed séparé pour Histoire de Gamer à un moment donné, parce que le site que j'utilise, qui est Tumblr, archive assez rapidement. Après 15 entrées, il met ça dans les archives, puis ça tombe sur une deuxième page ou une troisième page. Puis à un moment donné, le fil RSS perd le compte. Fait qu'à un moment donné, on avait juste les épisodes de 5 à 11 qui apparaissaient sur iTunes. Fait que là, j'ai essayé de modifier ça, ça n'a pas marché. Fait que ceux qui sont abonnés au fil RSS ont tous re-reçu les podcasts à un moment donné parce qu'il a fallu changer des affaires sur le site. Fait que j'ai voulu séparer ça. Puis Apple ont ajouté un nouveau standard à Star dans les serveurs où les fichiers sont stockés, qu'ils puissent faire du streaming, lire, arrêter quand tu veux, avancer, reculer, puis le serveur que je prends, qui est archive.org, ne supporte pas ça. Fait que j'ai essayé de créer le nouveau feed RSS, puis iTunes a dit « Non ». Fait que, puis vu que je veux pas payer pour un hébergeur de fichiers MP3, ben, j'ai... Mais je sais pas comment l'espace on a sur... Je sais pas comment ça se passe sur le Tumblr, mais au pire, on pourrait taper la douzaine d'épisodes sur le Tumblr. Non, Tumblr prend un maximum des fichiers de 10 MB pour l'audio. Ah! Oui, tu fais pas un grand podcast. Tu fais une intro, puis c'est fini. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez nous suivre, encore, ben, Simon et Annick, pour l'instant, je pense qu'il y aura rien pour eux autres. À moins qu'il y ait des surprises de temps en temps, qu'il se passe une grosse affaire, puis on décide un soir, on s'assied, puis on enregistre de quoi. On verra. Je l'ai dit, c'est le futur. C'est le futur, il n'y a rien de... Un quatrième Batman! Ah, c'est ça. Il va en avoir un autre, pas spoiler, mais en tout cas, il y a déjà un plan pour un autre Batman en 2015, je pense, 2014-2015, puis Christopher Nolan est associé au projet, fait qu'il va être consultant sur le projet. Pour pas qu'il déglingue tout comme Joel Schumacher a fait quand il a repris la série de Tim Burton. George Clooney. Ouais, ben même avec l'autre, mettre ça néon, des gros shots sur les fesses de Batman avec des nipples sur le souk, là. Fait que c'est. Ouais, hein, c'était pas des bons temps. Fait que il va s'arranger pour que ça reste un peu stable et que ça garde un peu le même feeling, j'imagine. Fait que pour ceux qui veulent suivre Eric, c'est, comme j'ai dit, maintenant rendu un facteur geekien. Vous pouvez le rejoindre sur Factor Geek. Ses chroniques Check de Paye sont maintenant publiées là. Ça fait déjà une couple de semaines. Ouais, ça fait déjà 3 semaines, ouais. C'est ça. 3 semaines, puis j'ai déjà une critique de jeu faite pour Factor Geek aussi qui est... j'avais fait la critique de Max Payne à CJRP. Ouais. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une critique écrite pour Facteur Geek. Mm-hmm. Et j'ai fait un lien aussi sur l'article au podcast de CJRP pour ceux mettons qui n'auraient jamais entendu le podcast et qui auraient juste lu l'article. Mm-hmm. J'ai mis le lien vers le podcast pour entendre la version audio. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast, chez moi. Ouais. Hein? Oui. Ah, merci. Ouais, merci. Merci, ben merci. Merci Yannick d'avoir fait ça aussi avec moi. Ça prend du temps. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'il y a toujours l'enregistrement du podcast. Ben, le monde le comprenne. Il y a toujours l'enregistrement, il y a toujours le lendemain, le montage et tout le kit. Le montage prend quand même une bonne journée à faire une bonne job, rajouter des chansons, puis mettre ça sur Internet, puis je me tape 2 versions. Il y a la version ordinaire, puis il y a la version avec image qui prend un autre heure à monter aussi, puis un autre avec mon accès Internet Vidéotron trop long à mettre sur Internet aussi. Donc, c'est un peu une des parties des raisons pourquoi je dois arrêter. Donc, ceux qui veulent suivre Eric Factor Geek, moi, Histoire de Gamer va s'en aller sur Factor Geek dans le prochain épisode. Le prochain épisode, ça va être enregistré d'ici quelques semaines. Et mon invité, ça va être Lynn Boutillette de Factor Geek, la blonde de l'autre. Là. Geek-Bécois. La blonde de l'autre. Factor Geek. Geek-Bécois. Ouais, la blonde de M. Desgarry. Ouais, le moment de Steve. La personne stable du couple. Ouais, c'est ça, la personne stable du couple. Celle qui garde contrôle sur l'empire Desgarry. L'empire Desgarry. C'est quoi le terme qui est sorti? Dégariser. Se faire dégariser. Exactement. Fait que merci à tout le monde. On va finir ça là-dessus. Puis, comme je vous dis, je vous ai donné une liste de podcasts à essayer, à écouter si ça vous tente d'essayer quelque chose de différent et que vous connaissez pas ça. Puis, si vous voulez me parler, je suis sur Twitter, @AskAlazormo. N'hésitez pas, commentaires, suggestions constructives. Ça me fait plaisir de jaser avec tout le monde sur Twitter. Je suis assez présent. Merci à tous. Merci à tous. Faites attention à vous autres. Puis, on se reverra peut-être dans un futur plus ou moins lointain. Et voilà. Bye! Dans une autre galaxie. Dans une autre galaxie. Bye! Là. Ciao!